Selon une étude, on apprend que les hommes auraient recours au cunnilingus en partie dans le but de limiter les aventures d'infidélité de leur partenaire. Je vois pas le rapport. Oui. Une conclusion incroyable pour les chercheurs qui ont interrogé 243 hommes dans les relations hétérosexuelles. En gros, ouais, le mec se dit, plus je lui lèche le jeu, moins elle aura envie d'aller voir ailleurs. Ouais. Plus je la néglige de ce côté-là, plus elle aura envie d'aller voir ailleurs. Ouais, d'accord. C'est pas faux. Putain, la vache. T'imagines, c'est qu'un peu tu marques ton territoire, c'est pour garder ta nana. Ouais, ouais, c'est ça en fait. C'est, ah ouais. C'est heureusement qu'on n'est pas des chiens, sinon on serait obligé de lui faire pipi dessus. Ah. On ferait le tour du lit, comme ça on dirait attends, ne bouge pas, ne bouge pas et tout. Non, mais du coup, Pierre serait dans la merde. Bah, bah toi, mais c'est pour ça aussi. Tu les gardes bordel, jamais. Ouais. T'es égoïste. T'es égoïste. Je suis égoïste, je pense qu'il y a ma gueule. Ouais, mais c'est ça. Allez, bisous, je vous souhaite une bonne nuit. On va revenir demain. On vous laisse avec Guillaume. Portez-vous bien. À demain. Au revoir, monsieur dame. À demain. Au revoir. Suivez-nous Twitter, Facebook. Bonsoir tout le monde, prévenez les potes, dites-leur que ça commence maintenant là. Je peux vous dire quand ça commence, mais je peux pas vous dire comment ça va finir. De 22h à 1h, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, on y va sur Énergie. 21h58, Guillaume Radio 2.0, on prend l'antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez venir délire avec nous, vous êtes les bienvenus les gars. J'espère que ceux qui ont eu des examens, ça s'est bien passé. Si vous avez bossé aussi, bah, soyez les bienvenus. 10h du soir, c'est le début de l'émission. Si vous voulez venir délire avec nous, on partage la radio ensemble. On fait de la radio ensemble, on rigole ensemble le soir. On est une bande de copains d'un million et demi de potes le soir à se retrouver ici là. À l'ancienne, hein. Vraiment, il y a un qui est préparé. On commence l'émission, on allume le standard. C'est un ordinateur qui est en train de démarrer. Si vous voulez venir, vous passez un petit coup de fil, vous nous dites ce que vous voulez raconter. Amina du standard vous prend à l'antenne et vous fait une petite fiche. Et comme ça, moi devant moi, il y a marqué Céline, Bastien, 24 ans de telle ville, etc. Puis vous venez nous raconter un truc qui vous est arrivé, un truc marrant, une galère ou quoi. Voilà comment ça se passe, c'est tout simple. Par texto, vous pouvez y aller aussi. Hein. Guillaume, au début du texte, c'est le seul truc que je vous demande de faire pour être sûr qu'il arrive dans mon studio. Parce que malgré le bon numéro, ça n'arrivera pas forcément ici. Voilà. Guillaume et votre message aussi sont 12, même pour balancer une petite dédicace, venir raconter un truc ou quoi, vraiment vous êtes les bienvenus. Ça va, Amina du standard? Oui, ça va, salut Guillaume, salut tout le monde. Amina du standard, elle a un truc fleuri sur la tête, on dirait le filtre au Snapchat. Ouais, du coup, j'ai tout le temps, c'est bien. Le filtre s'allège sur la tête, voilà, on dirait la couronne de fleurs là. Ça va bien la journée, ouais? Ouais, ça va, ça va. On est tranquille. Ouais, j'ai vu une embrouille dans la rue, mais ça va. Il y a plus trop de voix, Amina du standard. Ouais, c'est un peu compliqué là. Parce qu'en fait, on a enregistré la blague hier, on a fait croire qu'on était attaqué par un lion pour ceux qui n'étaient pas là. On a vraiment beaucoup rigolé. C'est quoi ce soir le plan, vous allez vous faire sniffer par un éléphant. Ça va, GSFJR? Ouais, ça va très bien, Guillaume. Salut tout le monde. Ça va bien la journée, ouais. Ah, j'ai fait un peu de sport, bah, il faisait beau dehors, donc forcément. Ah, t'as fait quoi comme sport? Bah, je suis allé courir une demi-heure. Ah, petite course avec à un pied, petit point de côté là, mais bon. Ah, très bien. Bonsoir à JM du standard. Salut Guillaume, salut tout le monde. Ouais. Ça va bien la journée, ouais. Ouais, ça va, rien de fou aujourd'hui. Ouais. Rien de fou. Ouais. Il a fait beau, ça fait bizarre, ouais. C'est, voilà. C'est intéressant, merci. On a perdu l'habitude. Ah, là, il est toujours là pour un truc intéressant. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Dédicace à mon papa, à Gugus la carotte et Thomas, salut Fallon. Salut Guillaume, je suis devenu allergique à Amina à chaque fois que je pense à elle, j'ai le sexe qui grossit. Il y a Mickey danseur quand j'y touche trop. Salut, salut. Rocco. Mais pourquoi il s'appelle Rocco, c'est Mimi, je comprends pas trop là. C'est son vrai nom. Ouais, salut mon grand-père est décédé aujourd'hui, heureusement que vous êtes là pour tenir le coup. Salut Mathilde, bah, gros bisous à toi. Ouais, bon courage. Salut les pros du canular, qu'est-ce que vous nous avez concocté aujourd'hui pour ce soir? Salut à la team RCEA et un gros bisou à Audrey Ghost du 18. J'ai stressé hier soir, putain, mais par contre, c'est quand j'ai appris que le stagiaire ne s'était pas fait bouffer que j'ai pris un malaise. Ah, ah, c'est tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Hier soir, on a fait croire qu'on avait invité un lion et que d'un coup, il y a eu un... Ah bah un gros bruit, je vais vous faire écouter ça si vous étiez pas là hier. Guillaume qui a appelé 19 ans, on a fait le plus gros canular de l'histoire à la radio hier. Ça fait depuis 1938 qu'il n'y avait pas une histoire comme ça. C'est vrai? Il y en a un qui a mis ça sur Twitter 38, et depuis Orson Welles qui avait fait ça, avant il la guerre, pas eu un buzz pareil avec une émission. Ça va Guillaume de Vernon dans le 27 alors? Tu m'entends? Ça va et toi? Ça va, ouais, Guillaume? Salut. Eh ben, enchanté. Salut. Mon Guillaume. 19 ans dans le 27, hein, dans l'heure. Ouais, c'est ça, Normandie. Ouais, ah, bah, c'est ça, bienvenue gros. Déjà passé ou jamais passé à l'antenne? Non, jamais passé. Jamais. C'est le dépucelage. Eh ouais, eh ben vas-y, enchanté hein, mon pote. Tu fais quoi dans la vie toi Guillaume? Moi je suis étudiant, donc je fais une formation dans le sport. Une formation, d'accord, ah. Ok, cool. Eh ben écoute, non, ça, bienvenue. Pour faire prof de sport? Genre STAPS? Non, pour faire initiateur sportif. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est pour initier le sport, quoi. C'est pas pour faire de l'entraînement ou quoi. C'est pas pour être prof ou... Ouais, d'accord. C'est un peu pareil. Un peu, mais ouais. Ça sert à quoi, genre, tu vas servir à quoi après? À tes coachs. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est coach sportif quoi. Ouais, donc prof de sport. Ouais, un coach, c'est un peu marcher sur les mots là. Ah, t'as un jogging quoi. C'est un peu s'asseoir sur le dictionnaire. T'as un peu le déchet. Attends, un coach sportif, ça reste un prof de sport particulier pour moi. Ah oui, oui, oui. On a beau dire, si ça, ça, c'est des très bons profs de sport aussi. C'est la même chose, il n'y a pas de niveau mieux ou moins. C'est pour moi, un coach, c'est un prof de sport particulier. Il y en a plein en ce moment. On dit mon coach, c'est un prof de sport en fait, finalement. Ouais. Avec le sifflet. Qu'est-ce que t'aimerais faire après toi exactement? Coach? Moi après je voudrais être entraîneur dans le badminton. Ah d'accord, ok, cool. Ah, oui. Très bien. Eh ben salut à tous les mecs qui font du babi. Le bad. Ouais. Tous les babis. Ça s'appelle des badistes. Les badistes. Ça chante bien le babi en plus. C'est la chambre marrant. Hein, c'est physique. Hein. Ouais, c'est franchement c'est rigolo à faire. Tu sais que je suis à la salle de sport là en plus. Ah tu es là en direct. Ok. Ouais. Ouais. Nous sommes en direct. Hein, je tiens à préciser, il est 22h03. Il n'y a pas d'embrouille. Il y a eu du foot ou du sport, j'ai stagiaire aujourd'hui là. Ouais, il y a Zlatan qui a dit qu'il était plus utile que François Hollande. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais. Ouais, mais ça, c'est pas du foot. Non, mais c'est une info d'aujourd'hui. Hein, alors, ça y est, Zlatan ouvre la bouche, c'est du sport. Bah, non, le prochain match officiel, c'est vendredi. Il n'y a pas eu de tennis dans cette Non, Roland Garros, c'est fini. Il n'y a plus trop de sport en ce moment. Là. Il y aura bientôt. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aujourd'hui d'important là? Bah, des inondations dans le Nord-Est. Pour prouver que nous sommes bien en direct. L'Alsace, le Nord-Pas-de-Calais. Ah oui, l'Alsace, effectivement. Il y a eu un septuagénaire qui a été retrouvé mort noyé dans sa voiture dans le Pas-de-Calais. Ouais, aussi, aujourd'hui, là. Ouais, alors, il y a eu plein de trucs quand même. Avec JM Standard, on a vu passer le GIGN devant nous. Ouais, c'est vrai. Oula. Ah ouais. Et c'est impressionnant quand même. Grave. Ils sont passés, ma voiture s'est arrêtée, il y avait un moteur, je comprenais pas, puis d'après, pam, plein de gyrophares. Fallait faire un selfie. Et oh là là, je sais pas ce qu'ils. Imagine, t'as un problème de frein à ce moment-là. Ah, mais ils tirent dessus. Non, mais il y a un convoi du GIGN. Bah, ils tirent dans les pneus. En plus, ils avaient les fusils avec les vitres baissées. Ouais. Je sais pas si tu as vu. Ouais, je les ai vus, franchement, c'était impressionnant. Alors, déjà, tu vois les cagoules, ils avaient les fenêtres baissées, et avec les bouts de fusil qui dépassent, et tu dis, est-ce que tu leur rentres dedans même sans faire exprès? Est-ce qu'ils tirent dessus sans réfléchir? Bah, si, c'est leur métier. Mais ils tirent sur les pneus peut-être. Ouais, non, mais trop tard. C'était dedans là. Tu peux être kamikaze. Je me suis posé la question. Ah, c'est vrai. Pas. Ouais, mais bon, ils vont facile, pas les l'image du GIGN, elle sera entachée. Ah, bah ouais. Ouais, mais ouais, attends. Ouais, imagine, ils peuvent rentrer dedans. Ouais, un vrai terroriste. Ah, oui, non, mais c'est sûr. Mais bon, après, je pense qu'ils ont pas de trajet prévu. C'est ça, c'est, je savais, ils ont des trajets alternatifs et tout, heureusement. Ils sont parano un peu. Bah, non, c'est pas normal. C'est leur métier, ouais. Je sais, j'ai compris. J'ai passé l'épreuve PSE demain pour mon CAP. J'y vais les mains dans les poches. Salut Tug Live, salut Laura. Bah, bon courage, Laura. Salut à tous les meilleurs. Hier, vous m'avez fait flipper. Je vous aime les meilleurs. Salut à tout le monde. Dédicace à Flavien Carla, Alex Adam, à Lucas de Bordeaux, 13 ans. Salut. Une fois, j'ai pété les dents d'un mec juste parce qu'il m'a mis dans la compote alors que j'étais en CP. Salut Ethan Ramon, Carrera, salut à toi. Salut. Tous les chauffeurs laitiers qui bossent la nuit aussi, Grégos. Tous ceux de Louan. Salut à tous ceux de Louan. Comme Rouen avec un L. Ouais, c'est un Mathias du 52. Vous êtes mon équipe préférée. Et ben bonsoir à toi. Comment va Amina Morito? Elle du standard. Ouais. Putain, le canular d'hier, vous avez littéralement réinventé la radio. Ah, merci les mecs. Merci beaucoup. On va réécouter ce qu'on a fait hier pour ceux qui n'étaient pas là. Ah, tu l'as entendu, Guillaume, le canular hier ou pas avec le Lyon? Non, je l'ai pas entendu. Eh ben, mon pote, tu as raté ta vie. Ouais. On a mis toute la journée du dimanche à enregistrer avec des acteurs un moment qui durait une dizaine de minutes à la radio où on avait organisé depuis plusieurs jours une fausse émission avec des faux animaux exotiques et on avait dit qu'on allait faire venir un lion etc machin et on a fait venir un faux lion en fait, on avait enregistré des bruits de lion. Bah ouais, heureusement. Et on a fait croire qu'on se faisait attaquer en direct etc là. Bah oui. J'ai vu sur Facebook la photo avec le lion et tout, je me suis dit non, c'est pas possible et tout. Ouais, bah t'avais raison, c'était pas possible. Ah, c'était 5 minutes d'alarme incendie. Ouais. Comme si il y avait l'alarme sécurité qui s'allumait ici. Et là, tout le monde s'est dit putain, mais en fait, c'est vrai, tout ça. On a fait des faux flics après qui sont venus. C'était dingue. Allez-y, hein, si vous voulez faire une petite dédicace, les mecs. Je veux dire, vous êtes en voiture là, vous tombez par hasard sur mon émission, bah, soyez les bienvenus. Je m'appelle Guillaume, c'est Guillaume Radio 2.0, de 22h à 1h. Et vous voulez passer un petit coucou, bah allez-y, hein. Guillaume et le texto là. Au 612. Les meilleurs, vous m'avez fait flipper hier. À chaque fois, je me fais avoir avec vos canulars. Demain, je me fais opérer, je stresse. Putain, je t'embrasse très fort, mon poteau. Bon courage à toi. Ouais, bonne chance. Quelle merde, les opérations. On est avec toi, mon gars. Salut. Hein. Big up à tous les chasseurs aussi. Romu de Bouchonnois. Salut, tous les chasseurs. Bah, bonne chasse. Je fais des cauchemars à cause de vous hier. Ah, je suis désolé, les mecs. Gros bisous à tous. Hein. Je m'excuse mille fois. À tous les agriculteurs, à toutes les agricultrices. Salut à Aurore. Voilà, Guillaume, un espace et vous mettez votre petit message. Et vous l'envoyez au 6 11 12. Voilà, c'est facile. Hein. Guillaume, un espace, le message au 6 11 12. Grosse inondation ici à Lille, Guillaume. Salut, c'est chaud. Ouais, le Nord, ouais. Bon courage, les Lillois. Salut, 5 9, le 6 2, le 6 2. Ouais. Mortel le Lyon hier, j'ai trop cru, Bobo du 42. Je vais en pension l'année prochaine, je voudrais vos conseils. Bah alors vas-y, tu me laisses ton numéro, puis il n'y a pas de problème. Ouais. Restez comme ça, vous êtes parfait, bah, c'est gentil. Hein. Bonsoir à toute l'équipe, aidez-moi à trouver l'amour. J'ai essayé sur internet, je suis tombé que sur des fous et des pervers. Alexandra, j'ai 29 ans de Lyon, appelez-moi au 06 25 9. Il faut ton numéro en entier, ma chérie. Ouais. On a que les 5 premiers chiffres, c'est pas possible. À quand la vidéo du canular avec le Lyon? Je vais l'enregistrer ce soir. Je vais enregistrer ce soir une vidéo où je vais expliquer tout ce qu'on a fait et je vous remettrai les extraits, donc je la mettrai demain sur YouTube. Voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne déjà, Guillaume Play, PLEY. On est 1 400 000 pour venir nous retrouver en plus là. J'espère que le soleil vous a plu car il ne reviendra pas avant jeudi. Mais non, Ibrahim. Il paraît, ouais. Ah, genre demain, c'est... J'ai vu, merci mon Ibrahim. Ouais, salut, putain, ouais. On a vu la météo. Non, mais franchement, et les gars, si vous habitez pas à Paris, vous pouvez pas comprendre ce qu'on vit. Ah oui, là, ça fait deux jours. Jusqu'à jeudi prochain, il y aura que jeudi avec un peu de soleil et encore c'est en train de secourir. Ah, c'est nul. Il pleut tous les jours. Là, demain, c'est l'apocalypse à Paris. Là. Sérieux. Tant mieux. Et gros orage, ça va plein de. Même ce week-end. Pourquoi Mina du Saint-Pierre? Parce qu'il fait trop chaud, moi. Je supporte pas. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'il fait trop chaud. Ah, mais ça va quand même. Encore. Non, mais dans notre bureau, il y a pas de clim. Juste milieu. Il y a pas de moquette. Ah non, mais il y a pas de chaise. Ouais. On a vraiment des bureaux dégueulasses. Ouais. Trop belle la voix de Amina, Johnny du sac de 74 en Haute-Savoie. Là. Trop belle, mais pas propre. Ça veut pas dire. J'étais aux inondations de Westlawn dans le Bas-Rhin. Hallucinant, Guillaume. Je viens de sortir de 1h30 du badminton. C'est super. Faut pas oublier le basket final pro. Strasbourg gagne 2-0. Ah, contre l'ASVEL. Aujourd'hui, un mec a braqué un McDo avec le GIGN. Non, c'était hier. Ouais, Non, il y a juste le Facebook de Skyrock qui l'a mis aujourd'hui et de Fun Radio, ils sont 3 jours de retard. Ouais, ah merde. Mais sinon, ça s'est passé il y a hier. Hier, ouais, c'est ça, ouais. Et j'ai vu qu'il y en avait qui faisaient tourner aujourd'hui, ouais. Je me suis dit, putain, les mecs, ils sont en retard, quoi. Dans le jour d'après. À quand la vidéo du Calunard avec le Lyon? Bah, demain, je la mets, les mecs. Est-ce que vous avez les pronostics pour le premier match France-Roumanie? C'est quand? C'est vendredi. Dans 3 jours, ouais. Salut Ambre. Ah, c'est dans 3 jours? Ah, bah non, oui. On est mardi. Ouais. Putain, on est déjà mardi. Ouais. On est le 7, c'est le 10. Oh là là. Putain, ouais. Ça serait bien qu'il fasse beau, même pour l'ouverture. Ouais, bah je crois pas. Hein. Non, non, non. Je crois qu'ils vont commencer sous la pluie. Et mais c'est vraiment une année de merde. Elle a poisson. Et franchement, mais du début à la fin. Ouais. Ah ouais. Mais ça a commencé avec Charlie Hebdo. C'était une année de merde. Ah ouais, bah 2015. C'était une belle année de merde. C'est pas fini. Et si, ouais, mais 2015, 2016, les deux, là, c'était compliqué. Ah, 2016, ouais. Aujourd'hui, attends, vous m'avez fait flipper toute la France hier. Salut à Sylvain de Bordeaux, un gros bisou. Salut. T'es en direct, Choupinette du 34, te fais la bise à 22h07. Salut à toi. Bisous, salut. Dédicace à ma fille, ma couquette, Célia. À mon avis, c'est ma chouquette, mais il manque le H. Bisous, Miss Amina Marco du 35. Canular de malade, j'allais vomir de peur, j'y croyais trop. Je me remate la vidéo où vous avez ouvert une boîte de poissons fermentés. Oh. Ça s'appelle les surstromings, je me tape des barres. Amina qui part tout de suite vomir. Hier, j'étais vraiment pas bien, je jouais à Rainbow avec mon cousin, j'ai fait une partie de merde à cause de vous. Je vous adore. Salut Mehdi à Marseille. Salut Mehdi. Je vous écoute sur l'autoroute à 10, à Bordeaux, Île-d'Oléron. Salut Manu. Là. Bonne route. Et ben voilà, Guillaume et votre petite dédicace. Hein. Toute la soirée, on est ensemble. Si vous voulez nous dire ce que vous faites en ce moment, avec plaisir. Ouais, mon Guillaume. J'ai ma copine qui m'appelle. Ah, et pourquoi elle te dit quoi là? Bah, je sais pas, j'ai pas décroché du coup. Ah, vas-y, bon, y a pas de problème, bon, t'inquiète alors. En plus, tu vas nous expliquer que c'est un peu compliqué d'avoir une vie sociale, etc. C'est ça là? Bah, c'est un peu dur de me retrouver avec elle, quoi. Ouais, vas-y. Alors, explique un peu l'histoire, gros. Bah, en fait, comme je vous ai dit, je fais du badminton. Et tous les week-ends, vraiment tous les week-ends, je suis en compétition. Donc, je m'en vais, je fais 1 heure, 2 heures de route. Ouais. Et elle en a eu marre. Ouais. Elle m'a dit clairement, j'en ai marre parce que on peut pas se retrouver, on n'est pas, enfin, on s'aime, tu vois, on s'aime, mais c'est le bad qui fait que on peut pas se retrouver et tout. Et aujourd'hui, on s'est vu. Ouais. À cause du badminton, en fait, c'est compliqué d'avoir la vie sociale, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais j'imagine que ça doit prendre beaucoup de temps. Hein. Ouais. Ah, tu t'impliques. Attends, mais tu fais quoi exactement, badminton, toi? Moi, je fais de la compète. Ouais. Ah oui, donc t'es joueur professionnel. Ah, ouais. Genre t'es classé, toi? Pas professionnel. Oui, je suis classé, mais je suis pas professionnel. Non, mais genre t'es un mec qui va à fond, quoi. Enfin, tu joues le truc à fond. C'est ça. C'est bien. Ouais. C'est ça. Ouais. Et résultat, maintenant tu te retrouves à un peu de complications avec ta nana parce qu'elle te voit jamais et que t'es tout le temps en train de jouer. En gros, c'est ça là. Ouais, c'est ça. En fait, elle vient avec moi sur les tournois, mais si tu veux, c'est pas comme si on était tous les deux, on passait notre journée ensemble, quoi. Ouais, je comprends. Elle te suit un peu, quoi. C'est non, pas... mais je comprends. Et résultat, c'est combien de temps que t'es avec elle là maintenant là? Là, ça va faire 10 mois. Enfin, d'accord. Ça fait 10 mois et ça va faire 11 mois le 26. 11 mois, d'accord. Et ça va, elle est bien ta meuf là? Ouais. Ouais, elle est jolie? Ouais, franchement, elle est jolie. Ouais. Elle est jolie de travers ou jolie? Jolie bourrée. Elle est jolie de dos ou elle est jolie de face? Non, c'est vrai, non, mais c'est bien. Elle est gentille avec toi, elle est sympa. C'est franchement. Avant, je disais, ouais, ça, c'est des belles phrases de pigeon et tout. Non, non. Est-ce qu'elle est sympa? Est-ce qu'elle est gentille avec toi? Ouais, on s'entend super bien, mais c'est juste que voilà, ça fait trop de, on n'est pas, on se retrouve pas assez. Et comme je te disais aujourd'hui, on s'est vu, on a fait notre petite affaire. En fait, si tu veux, je sais pas si tu comprends. Non, je comprends, je suis débile. Ouais, tu fais bien de m'appeler parce que je suis toujours demeuré. Ouais, c'est pas une affaire. J'ai un abruti fini, donc voilà. On a fait notre petite affaire, puis après on a passé notre journée ensemble, tu vois, ouais. comme un couple, si tu veux. Mais en fait, pour elle, on fait une petite pause parce qu'on en a besoin pour ressentir le manque l'un de l'autre et qu'on se retrouve encore mieux. Elle est psychologue, quoi. Ah ouais, putain, là, vous prenez la tête, hein, les gros, là. Non, mais j'ai lui, il a pas fait sa petite affaire, il a pris sa grosse affaire. Ça veut dire quoi? C'est chelou. Chacun voit le truc différent. Ouais, je le vois très mal, moi. Sa grosse affaire. Ouais, non, mais après, franchement, Guillaume, enfin, bon, après, c'est chacun fait ce qu'il veut, mais vous vous posez beaucoup de questions, j'ai l'impression. Hein. Faire une pause pour le après, tranquille, hein, t'as 19 boules, hein, mon gros. Ouais, je sais. Non, mais tu vois, tu vas pas arrêter ta passion parce que t'as une nana, et puis. Faut trouver une nana qui. Bien sûr, attends. Et puis vous avez le temps, quoi. Putain, ça va, attends. Qu'elle te laisse vivre un peu. Bah ouais. C'est chiant quand même, c'est difficile tous les week-ends. Et ben, qui est l'enfant? S'il est heureux. Voilà. Ouais. Moi, quand j'ai une meuf, j'ai une vie qui est tellement particulière avec la radio. On rentre tard le soir, on se lève tôt. Enfin, on n'est jamais chez nous que dès le début, je préfère prévenir. Il faut, tu dire, voilà, voir, voilà, ouais. Tu me plais beaucoup, mais il faut juste que tu saches que je suis pas là le soir. Voilà. J'ai pas beaucoup de vacances. Ouais. Ma passion, c'est la radio. J'aime ça. Et voilà. Et si t'acceptes, viens pas me casser les couilles dans un an. À me dire, t'es jamais là, et t'as pas de week-end. Au début, et ça marche. Et, j'avais prévu, et on peut pas prévoir les vacances une semaine avant parce que tu laissais trois jours avant. Ouais. Et voilà, bah, je préviens. Et c'est comme ça que ça s'est toujours passé le mieux quand tu préviens. Il faut. Faut en parler. Il était au courant quand on s'est mis ensemble. Ouais. Je l'ai prévenu, hein, je lui ai dit, voilà, tous les week-ends, enfin presque tous les week-ends, je suis en compétition. Donc, voilà, je l'ai prévenu de base. Après, j'ai arrêté pendant deux mois de faire de la compétition pour justement être avec elle. Donc j'ai fait un effort, tu vois. Pendant deux mois, j'ai arrêté de faire de la compète pour passer mes week-ends, les semaines avec elle, tu vois. Ouais. T'as les oiseaux, t'es dans le jardin, là? On entend les oiseaux derrière. Ouais, je suis dehors. 22h14, il commence à faire nuit. Pourtant, il fait nuit, quasiment à Paris. J'ai une sandar. En fait, t'es pas obligé de passer toutes les semaines et tous les week-ends avec. Attends. Il faut couper le cordon avec maman et la copine, là. Ah, t'es un homme libre. Non, mais c'est important de passer les week-ends aussi, il faut le dire. Manpower. Et moi, je trouve que les filles où j'ai pas vu trop, les faux, j'ai pas vu trop les copines avec qui je sortais, c'était là où j'étais le mieux parce que j'avais vraiment envie de les voir. Ouais, c'est ça. T'as un truc à lui dire. Il y avait un vrai manque. T'as des trucs. Non, les trucs à te raconter, tu les racontes tous les jours au téléphone. Ouais, mais c'est pas pareil quand tu l'as en vrai, je pense. Ah oui, c'est d'autres discussions. T'es content, tu lui montres des photos. Après, c'est pas grave si vous voyez pas tous les jours, quoi, toi. Au contraire. Elle arrête pas de m'appeler. Ah bah oui, c'est peut-être qu'il t'entend la radio. C'est elle était pas contente. Elle a capé la radio, c'est pour parler. C'est ça. Guillaume, et votre message aussi sur 12. Si tu veux nous écrire, avec plaisir. Et alors, attends, et donc ta meuf est à larguer là, tu disais, Amina du Standard? Ouais, c'est compliqué en fait, parce que comme je t'ai dit, on s'est vu aujourd'hui, on a fait ce qu'on avait à faire, on a passé la journée ensemble, ça s'est super bien passé. Et c'est compliqué parce que derrière, elle me dit qu'elle veut faire une petite pause, mais c'est compliqué quoi. Ah bah les petites pauses, c'est-à-dire c'est fini mon gros. Bah, ouais, c'est ça. Ça peut durer, mais en général, quand tu dis que tu veux arrêter, c'est que c'est un peu terminé quelque part quoi. Il y a une petite cassure. Pourquoi elle veut faire la pause? Parce que elle m'a dit j'ai changé, il y a trop de petites choses qui font qu'elle a craqué et que. Ouais, mais c'est qu'elle est moins amoureuse. Ou alors il y a autre chose, mais hein, c'est un prétexte. Non, et moi, regarde là, qui est en train d'appeler qui là? Celle qui est en train de t'appeler. Ah oui, c'est vrai. Mais il faut laisser venir. moi je suis cruel, mais c'est comme ça que ça marche. Laisse-la galérer. Et tu sais quoi, putain? Moi l'autre jour j'ai rencontré une fille sur Tinder il y a quelques mois et tout ça. Bon, je l'ai vue quelques fois. Et puis la fille elle voulait trop. C'était la fille qui aimait l'amour mais qui avait pas envie de sortir avec moi. C'est la fille qui avait envie de se trouver un mec et de faire. Tu vois, tu sens. C'est la fille qui est en train de paniquer. Elle veut se caser quoi. Elle veut se caser, veut un enfant. Elle a jamais resté longtemps avec quelqu'un. Ouais, là, c'est problème. Et tu sens que c'est problème. Mais mignonne en plus, vraiment jolie. Hein. Et je me suis dit oula, elle a commencé à m'écrire. Et moi. J'ai espacé un peu les messages. Mais moins j'en envoyais, plus elle m'en envoyait. C'est ça. Et à la fin, elle a dit bon, bah si c'est comme ça, laisse tomber, machin. Hein. Je lui ai pas répondu du tout. Deux semaines après, elle est venue, me dit, mais t'es sérieux, tu réponds pas du tout, machin. Et, elle, et pourquoi tu réponds pas? Et après, c'est reparti, quoi. Bah ouais, elle est attachée après. Allez, viens, on se revoit une fois, on discute, on va rigoler, c'était quand même sympa, machin. Et puis après, t'inquiète pas, Eric Ray reviendra, la meuf. Bah c'est bien. Et c'est pareil pour ta copine Guillaume, mais c'est pareil pour tout le monde. Hein. Tu sais, quand tu. Tu verras quand bien. Tu, quand tu te retrouves avec, avec une nana qui veut se barrer, faut un petit peu la laisser partir et voilà, quoi. Attends, pourquoi il est en jaune là? Qu'est-ce qui se passe, Amina du Standard? Je sais pas, il y a une. Ah merde, on a une coupure. Putain, on a une coupure de Standard, mais c'est pas grave. Y a un bug. Juste le temps de vous rappeler le sujet quand même. Est-ce que vous avez une passion ou un boulot qui vous empêche d'avoir une vie sociale normale ou amoureuse? Est-ce que genre vous pouvez pas avoir deux potes parce que vous faites du théâtre et vous êtes jamais chez vous? Ah, ou les chanteurs. Tous les vendredis et samedis. Est-ce que vous faites un métier en particulier qui vous empêche d'avoir des potes ou une copine? Est-ce que vous avez voilà un boulot ou je sais pas un sport, une passion qui vous empêche d'avoir quelque chose? Amina du Standard. Je ne sais pas quand tu bosses beaucoup, tu sors plus de chez toi. Ouais, des études. Ouais, qui vous empêche d'avoir une vie sociale. Ouais. J'aime du Standard. Ouais, moi c'était beaucoup quand je travaillais en fait avant de faire de la radio. J'étais serveur et je bossais et le midi et le soir. Et en fait, j'avais un petit battement, c'est entre 16h et 18h. Ouais. Et le problème, c'est que j'avais pas mes soirées, pas mes midis, quoi. Donc, je pouvais pas avoir trop de potes. Et en plus, moi, je connaissais personne sur Paris, je venais d'arriver. Donc, c'était un peu compliqué à cette époque. Ah, pour te faire des potes, quoi. Ah, bah ouais, une fois que t'as tes soirées qui sont prises par le boulot, bah. C'est... Et tu faisais quoi, du coup? Tu rentrais le soir? Là, le soir, je rentrais, j'allais bosser le lendemain. Ah, bah, c'était pas choix. Bah, c'est obligé. J'avais un loyer à payer, j'avais des trucs, tout ça. Donc, Ah là là. Et vraiment, midi, au moment, tu mangeais. Et tu mangeais face à quoi alors du coup là? Face à rien du tout. Ouais, à la télé. Tu mangeais tout seul. Ouais, c'est la période où ils mettaient deux assiettes, non? Non, ça c'est Vichy. C'est vrai. J'ai une période où tu mettais une assiette pour un homme. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Ah, véridique, je le dis. Je c'est énorme. Tu t'es fait un ami, imaginaire. J'avais brillé, ouais, je sais. Ouais. C'est chaud. Malade, non, mais il est fou. Tu mets une peluche. Il y a pas un mec dans l'équipe qui est normal. Non, en vrai. Ah bah là-dessus, j'avoue. Attends, non mais là t'as battu le record quand même. Ah bah ouais. Il y en a qui a un ami imaginaire. Ouais. Non mais alors, j'ai un stagiaire qui est fou. Non mais. Ouais, il est fou. Non, mais, gars, pas l'agression. Non, mais, et, ah c'est gratuit. Il n'a plus un normal. Ah, quoi. Il est fou. Non mais attends, Amina du Standard. Oui. Elle a des fleurs sur la tête. Des fleurs sur la tête. Alors, non, ils ont tous Flo des cadeaux. Ils s'habillent pas. Ils ont pas. Ça va Flo des cadeaux dans le couloir. Ouais Guillaume. On a reçu un t-shirt pour toi. Ah cool. Ah bah cool. Attends. J'avais et, ça faisait longtemps. Et après on se fait rire de ça là. On se fait rire de ça. Il y a le double hit qui tombe tout à l'heure. J'ai encore des places. Ah ouais. Oh, putain. Ah pour le concert. Trop bien. On en a récupéré des places. Voilà, c'est plaisir. Je vous file des places pour aller à l'Euro au premier rang avec David Guetta. Alors attends, c'est comment il s'appelle? J'ai plus le nom là. Merde. Attends. Alors on m'a envoyé un t-shirt. Pour l'équipe, alors attends, voilà. Mais l'air petit. Bonsoir l'équipe, nous avons fait un magnifique t-shirt pour Flo des Crado. Envoyez une lettre dès que vous avez reçu le t-shirt à Karine Pigouchet. Salut Karine Pigouchet. Merci Karine. Dans le 50 à Saint-Martin d'Audouville. Salut à Saint-Martin d'Audouville, bah, gros bisous. Dans la Manche. Ma Karine, je t'embrasse très fort, voilà. De Pont-Sainte-Marie, et ben gros bisous à toi. Et alors par exemple, tu m'as dit envoie une carte, et ben le problème c'est que tu m'envoies Karine Pigouchet à Port-Sainte-Marie. Et donc, il n'y a pas la rue. Bah oui. Et, oh après, tu vas m'envoyer un message d'insulte sur Twitter en me disant connard, tu m'avais promis de me répondre. C'est voilà. Vrai. Mais tu as envoyé un t-shirt quand même et ton numéro de téléphone, je t'appellerai tout merci à l'heure. Merci beaucoup. Et on va prendre ton adresse. Oh là là là là là. Sublime. Oh là là. Il y a du chocolat dessus. T'es sûr que c'est du chocolat? Ah ouais, c'est du chocolat. C'est du chocolat. C'est surtout un gros trou au niveau du bide. Chocolat violet, Karine et Joyce. Voilà. Énorme. Je vous ai dit, vous m'envoyez à Guillaume Play Énergie, 22 rue Boileau. 75-016 Paris. Vous l'envoyez. Il y a un monsieur de l'accueil ici qui réceptionne toutes les lettres. Et puis quand j'arrive, il me les file. J'en ai partout sur les mains du chocolat. Oh, j'ai hâte de le mettre. Ah bah t'as hâte de le mettre. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Et tous les jours, quand vous envoyez un message, eh ben, Flo des cadeaux, on lui donne et il le porte. Voilà, c'est il vraiment tôt, le principe de cette émission. Parce qu'il avait mis un t-shirt extrêmement moche un jour, etc. Ouais. Guillaume, est-ce que c'est toi, Guillaume Canet? C'est ton vrai pseudo? Non, c'est mieux. Non, c'est pas possible. Non, c'est, oui, oui. Non, c'est pas moi, gros. Non, non. Je t'embrasse. Hein. C'est énorme. Hein, c'est Guillaume Canet. Vous avez réinventé la radio. Salut. Eh ben, je t'embrasse. Gros bisous, mon pote. Salut à toi. Je suis dédicace à mon. Gros bisous à ma fille Lolita qui vous écoute, l'aigle du 29. Le petit. Salut. Eh ben, je t'embrasse, mon pote. Dis-lui qu'il prenne une meuf qui joue au badminton, ça sera moins chiant. T'es 07. C'est pas faux. Alors, on n'arrive plus à voir Guillaume. Il n'a plus de batterie, je crois. On a 30 secondes. Tiens, j'ai stagiaire. Attends, je vais. Est-ce que tu veux le donner à Flo des cadeaux dehors, parce qu'il est à l'extérieur en fait.

above you. What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Hey, it's such a shame you let this good love go to waste. I always keep the top tip, 5-star. Sexy loving in the car, like, make that wood, highly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy, jealous and crazy. Or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Oh, look, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, look, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. Get my swag on. I look in the mirror and say, what's up? What's up, what's up, what's up? Imaginez une émission avec plus d'un million de potes qui vivent les mêmes moments et tapent des fous rires en même temps. C'est tous les soirs, de 22h à 1h, dans Guillaume Radio 2.0. Allez, de retour à l'antenne. Je m'en fous. On se fera rire de ça après. Et il y a le double 8 qui arrive dans 20 secondes. On a demandé de le mettre tôt, le double 8. Je vous file deux morceaux de Guetta maintenant. Et je vous file surtout les deux places pour aller au premier rang à la Tour Eiffel au concert jeudi pour l'ouverture de l'Euro. Il y aura Soprano, Luan, Kenji, Will.i.am en pré-show et ça va finir avec, avec David Guetta. Ouais, je vous file les deux places au premier rang. C'est énorme, hein, vraiment ouais, c'est un beau truc. C'est vraiment très drôle. Fais-nous écouter le canular, Guillaume, j'étais pas là hier. Alors il n'y a pas de problème. Vous savez quoi? On se met le double hit maintenant, comme ça c'est fait. C'est tranquille, c'est torché, on passe à autre chose. Donc allez-y maintenant, Guillaume, et vous envoyez juste votre numéro de téléphone au 6112. Je vous offre deux places pour venir à Paris. Donc c'est à vous de. C'est par vos propres moyens, je crois. C'est juste deux places de concert. Mais c'est au premier rang, les gars, au carré or du lancement de l'Euro. C'est, je sais pas combien ça coûte, mais c'est un truc de fou. Guillaume, et juste votre numéro au 6112 sur Énergie. Appelez Énergie 3937. Maintenant. You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh. But I just got that feeling, sugar. Ooh. And I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. Soul, I gotta know, best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. Qui vivent les mêmes moments et tapent des fourrures en même temps. C'est tous les soirs, de 22h à 1h, dans Guillaume Radio 2.0, sur Énergie. Allez, c'est parti, on va se filer des places maintenant sur Énergie pour aller à l'Euro W8 qui vient de tomber. Vous envoyez Guillaume et votre numéro 612, les gars, si vous voulez gagner. On fait un petit tirage au sort à Mina du Standard. Oui. Elle va sortir les doigts de son cul. Pardon. C'est une expression. Ouais. Ah, bah, enfin bon, quand même. Je sors les doigts du cul, c'est-à-dire, je vais travailler dur. Voilà. Oui, enfin, travailler c'est dur. C'est pas vulgaire. Et, bah, tu vas travailler dur pour offrir le meilleur. Bah, non, mais attends, mais quand t'arrives à toi travail, même. Tu dis pas, je me sors les doigts du cul, bonjour. Et bah, si, tu peux dire, ouais, bah, oui. Ça va se sortir les doigts du cul pour offrir le meilleur cadeau possible. Ouais. Oui, enfin bon, ouais. Ou d'ailleurs, hein. Mettre, c'est une expression. Amina du Standard, mets de l'huile où tu veux. Ouais. Et allons-y maintenant. On offre deux places du coup pour aller à l'Euro, au concert de l'Euro. Dans un instant, on voulait se raconter un peu. Est-ce que vous avez pareil un métier ou une passion qui vous empêche d'avoir genre une vraie vie sociale, une vraie amoureuse. Vie sociale et amoureuse. Est-ce que vous avez eu un, je sais pas, une passion qui vous a empêché d'être en couple facilement? Julien Stagiaire. Bah moi c'est plutôt l'inverse en fait. C'était une meuf qui m'avait empêché d'aller à la Coupe du Monde en 2006. J'ai déjà raconté à la France Italie. C'était en Allemagne. J'avais eu des places par un pote à mon père. Et t'avais préféré t'avais préféré rester avec ta meuf. Oui justement, donc c'est l'inverse. C'est une meuf qui m'avait enlevé ma passion en fait. En fait t'es un peu canard. Bah ouais, voilà, c'est vrai en fait. Je l'assume, ouais. Parce qu'en fait il fait un peu c'est un gros canard, ouais, parce que pour louper une finale de Coupe du Monde, c'est une fois dans ta vie, je pense. Ah ouais. Plus jamais de ma vie, je pourrais le faire. Ouais, c'est clair. Ah, maintenant, t'as rien à branler, quoi. Ah, bah maintenant, je serais allé, je direct. Ouais. Ouais, bah c'est vrai. Et puis, au pire, tu la vois le lendemain, tu expliques. Avec comment je m'en veux. Et puis, une copine normale te dirait, bah bien sûr, vas-y, mon chéri, profite. Fais-toi plaisir. Voilà. Demain, voilà. Surtout qu'un mois après, c'était plus. Voilà. Bah voilà, bah il n'y a pas de secret. Bravo, hein, Julien. Ouais. Et pourquoi c'est elle qui t'a quitté en plus? En plus, ouais, on s'est embrouillé. Elle a dit, tu fais niquer dans les deux sens. C'était l'été, c'était le mois d'août, après, elle est partie en vacances. Voilà. Oh là là, c'est plus là, oui. Oh l'arnaque. C'est voilà. Elle qui allait au match à ta place. Ah bah non, t'inquiète pas. Du Standard, t'as eu un truc qui t'a empêché comme ça de. Je sais pas, une passion ou un métier qui t'a empêché d'avoir une vie sociale, amoureuse, normale? Ouais, parce qu'avant je faisais beaucoup de sport, je faisais de la gym en fait et je m'entraînais beaucoup. Je faisais, je crois, 13 ou 15 heures de sport par semaine. Et ah, il va jouer la sportive. Non, mais c'est vrai. Non, mais maintenant, je suis au cul, j'ai libéré. Non, mais depuis, c'est il y a longtemps. Je vais tenir dans les fesses. Non, mais maintenant, j'ai la condition physique d'un retraité. Ça y est, c'est terminé. Mais avant, il y a des retraités qui sont plus physiques que toi. Oui, c'est ce que je dis. Mon père, il fait 120 km de vélo par jour. C'est pas vrai. Il fait des, bien sûr. 120. Ah, bien sûr, il fait des, bien sûr, ils font des sorties en vélo. Ah, mais il fait Tour de France là ou quoi? Le cycliste de retraité, vous vous rendez même pas compte. Énorme. Pas tous les jours. Non, mais les retraités, ils ont le temps. Par semaine. Non, tous les jours, ils font au moins 80 bornes. Non, c'est pas une question de temps. Tous les retraités, ils se retrouvent devant la mairie à 8h. C'est la base. Ouais. Et mon père, je lui dis putain, mais va dormir, arrête. C'est même pas bon à partir d'un certain âge là. Et il dort pas, les retraités. Il a 66 ans, je lui dis oh tranquille. Bah, c'est beaucoup. Ouais, mon pépé, il marche 2 heures tous les matins. Attends, il fait 2 heures de marche dans les bois. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Il est terminé. Et on s'en bat les couilles. Non, mais c'est bien, il a quel âge ton grand-père? 83. Ah oui, quand même. Ah ouais, ouais. Non, c'est bien, ouais. Mais quand tu dis il marche dans les bois, c'est-à-dire il. Non, mais il pas. Non, mais pas du tout. Il fait de la chasse. Il cherche les prostituées. Ma mamie et tout, il s'aime bien. Ah, il y a encore ta mamie, pardon. Oui, bah oui, il s'aime et, fort. Non, attends, et donc. T'entends ça rien, ça? Mais si, je le sais. Attends, ils te font croire. Hein. Bah non, ils me racontent tout, puis je les vois ensemble. Ah, ils sont mignons. Oui, mais ils font semblant quand t'es là. Après, c'est à l'ancienne, hein. Arrête. Non, ils font semblant quand t'es là, puis dès que ils se tombent dessus. Bah n'importe quoi, ça va, c'est pas des sauvages. Mon pépé, ma mamie. Tu crois qu'ils ont des dentiers, pourquoi? Mais ça va pas, ou quoi? Non, ils sont bien. Non, il marche dans les bois tout seul, ton grand-père en... Non, il va avec ma mamie parfois, mais des fois elle a la flemme, donc lui il va tout seul. Ah ouais, bah c'est bien, t'as raison. La nature. Il va prendre l'air, quoi, papy. Ouais, c'est ça, et sur le retour, il fait ses courses. C'est très intéressant, mais voilà. Mais c'est quoi ses courses? C'est qu'il y a des champignons? Non, bah, il va acheter du lait, sa baguette, tout Attends, c'est vachement bien avec un champignon. Ouais, il va avoir une forêt pas loin aussi. Putain, c'est la vraie vie. Au moins, le jour où je suis retraité, pareil, je vais dans les bois, je marche. Champignons, jeu d'échecs, cyclisme. Ah ouais, putain, rien de. Rien, exactement, ouais. Putain, pêche quoi. Ah ouais. Tu t'assois. Ouais, ah, mais moi je m'endors. Je tombe dans l'eau. C'est pas grave, mais c'est le but, tu t'endors, tu pêches rien, t'en bats les couilles. Ah, d'accord. En fait, tu vas faire ta sieste au bord de l'eau. Ouais, ouais, mais ça peut être dangereux. Y'a pas ta femme qui te casse les couilles. C'est souvent ça, les gars. Comment c'est sorti? Non, mais ils y vont. Il y a beaucoup de papys qui vont là-bas parce que pour pas. C'est un peu le paradis quoi. Soit à la pêche, soit au club de pétanque. Ah oui, c'est ça, ouais. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans les clubs de pétanque. Hein. Bah oui. C'est pour ça. Elles ne sont pas les bienvenues dans la pression. Ou au bar PMU. Ou alors, c'est vrai. Je vais essayer. Moi, j'ai rebar. Kéliane, je fais beaucoup de compètes de moto. C'est chiant, du coup, je peux profiter de ma famille. Salut, man. Salut. Moi, je suis collégien, ça m'empêche de jouer à BO3. Salut, man. Moi, je suis cuisinier, je bouge partout tout le temps. You, les mecs, vous prenez quel genre de drogue pour faire des canulars de barge comme ça, Mordin? Je deck. Je vous écoute tous les soirs, je vous kiffe. Ah, c'est gentil. Alors, et tiens d'ailleurs, si vous n'étiez pas là hier, on va écouter une minute de ce qu'on a fait. Ouais. On a fait venir un lion officiellement à l'antenne hier. On a fait croire qu'on allait faire une spéciale animaux. Donc hier, si vous étiez là, j'avais carrément les jingles, pour ceux qui l'ont entendu. Carrément les jingles spéciales animaux exotiques, tout ça, ils sont là, les jingles. On avait déjà le bruit et les odeurs. Maintenant, il y a les animaux. 22h à 1h, émission spéciale animaux chez Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Et alors, même en ayant fait le jeu, même en l'ayant écouté hier, j'ai encore été choqué moi-même en le réécoutant il y a quelques minutes. Écoutez ce qui s'est passé hier. On a fait croire qu'il y avait un lion dans le studio et à un moment donné, Amina du Standard a eu un petit peu peur d'un grognement. Ouais. Elle a crié, ça a déclenché une hystérie du lion et il nous a attaqué à l'antenne, mais ça, on n'a pas dit que c'était un canular, évidemment. Ah non. Et ensuite, c'est allé sur une minute d'alarme. Écoutez le moment où il y a eu l'attaque. Alors, on sait que c'est un animal puissant, les lions, mais est-ce que ça court vraiment vite, genre en kilomètre heure? Sergio, ça va à combien, un lion? Ah, ça va même plutôt très très vite. Je vous dire. Attends, près du micro. Pardon, excusez-moi. Oui. Je parle pas trop fort et tout, mais. Excusez-moi, oui. Non, alors en fait. J'ai les mains moites là. Un lion, ça peut atteindre les 60 km/h. C'est pas vrai. 60 km/h et sauter jusqu'à un peu plus de 3 mètres de haut. Et quand j'avais 14 ans, j'avais une moto qui allait moins vite que 60 km/h. Amina, il t'a dit pas crier! Il t'a dit de pas crier! T'es en train de. Il monte ses dents chelou là! Non. Il t'a dit de pas crier! Il t'a dit de. Et on est donc parti sur 5 minutes d'alarme. Voilà. Ah, c'est chaud, et plus je le réécoute, plus je le trouve bien fait. Ah ouais. Grave, j'ai peur là. Plus j'ai peur pour nous, j'imagine là. Un lion qui bondit, qui a tout cassé, etc. Là. Et demain, je vous mettrai une vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous montrer comment on a tout fait là. Et ensuite, il y a eu le moment où les flics sont soi-disant arrivés pour tuer le lion en direct dans le studio. Là, il y avait un message d'alerte. Suite à un incident technique, nous interrompons vos programmes. Ils reprendront dans quelques minutes. Merci de votre compréhension. Suite à un incident technique, nous interrompons vos programmes. Ils reprendront dans quelques minutes. Merci de votre compréhension. Attention, la bouche à gants! Putain, c'est le bordel, ça! Y'a quelqu'un pour éteindre cette musique de merde, s'il vous plaît, deux secondes, là! Suite à un incident technique... Éteignez ça, on n'entend rien! Nous interrompons vos programmes. Ils reprendront dans quelques... Attends, je vérifie. Deux secondes. Y'a plus de pouls, je crois que c'est fini pour le monsieur, là. Attends, bouge pas. Putain, y'a la porte. Attention, chef, attention. Ça pisse le son. Fais-lui un garrot, fais-lui un. Monsieur, ne vous endormez monsieur. Pas. Regardez-moi, monsieur. Il est encore monsieur. Conscient, il est encore conscient. Monsieur. Doucement. Fais-lui un garrot. Fais-lui un putain de garrot. Putain, merde. Putain. Ne vous endormez pas, monsieur. Ne vous endormez monsieur. Pas, c'est la police. Ne vous endormez pas. Regardez-nous. Putain. Non, mais c'est grave, là. Non. On plus vite 22 rue Boileau. Le coup d'énergie. Merci beaucoup, merci. Putain, chef. Chef. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Putain, c'est du sang. Oui, le sang, mais il y en a partout, putain. Il est bizarre, le sang, chef. Il est bizarre. Il est bizarre de quoi? Il est bizarre, chef. Putain, c'est pas du vrai sang, mais c'est quoi cette connerie, monsieur? Non, mais c'est du faux sang, mais vous êtes des faux flics, on vient de piéger la France, les gars. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là hier, c'était vraiment incroyable. Voilà, énorme moment. Et d'ailleurs, vous avez commenté avec un hashtag un lion chez Guillaume sur Énergie. On était en top toute la soirée, là. Merci. Moi, je suis dans la protection rapprochée. Je suis pas souvent à la maison. Les choses étaient claires avec ma copine, mais au début. Et là, au bout d'un peu plus d'un an, on se prend toujours la tête à cause de ça. Avec mes anciennes relations aussi. Ah ouais, non, mais alors là, faut être beaucoup plus ferme, je pense. Hein. Je confirme le policier à la même voix que j'ai un stagiaire. Bah, c'est pas vrai. Ah non, mais alors. C'est un daron. Très fort. Le canular d'hier, j'y ai cru vraiment trop fort. Salut Cédric du 53, énorme hier. Même en leur écoutant, j'ai peur, c'est où? Vous êtes des grands malades. Salut. Putain, c'était un truc de ouf. Et toujours autant d'effets en replay. Excellent, bande de tarés. Marco du 35. Nick les. Attends, et d'autres cadeaux durant la soirée? Oui, j'ai d'autres cadeaux. Oui. Des PS4, des télés, des tablettes, là. Ça va tomber dans deux minutes, l'énigme. Trop fort, le canular, moi j'y ai vraiment cru. Aminel se fait défoncer à toucher en son du. Non, arrêtez, les gars. Attends, les mecs. Moi je t'aime, Guillaume, mais refais plus jamais ça. Je suis traumatisé à vie, bord d'horreur. Salut Alicia. Mon anniversaire, j'ai failli chialer, j'ai fait le pari d'avoir 100 abonnés sur ma chaîne. Salut man. Je suis amoureuse d'un garçon qui me dit qu'il m'aime, mais deux secondes après, il me dit que je suis moche. Alors c'est pas très bien ça. Ouais, non. Salut Ambre. Faut savoir ce qu'il veut. Hein. Moi, Guillaume, au début, j'y ai vraiment cru. J'ai vraiment eu trop peur pour vous. Ah, c'était énorme. Plus jamais le truc d'hier, je pleure et depuis, j'ai des douleurs. J'ai pleuré, j'ai des douleurs intercostales depuis hier. Oh non, merde. Je vais chez médecin et tout. Salut à toi. Bon courage. Ah, on est désolé, on vous a un peu. Blessé, mais c'est un truc dont vous vous souviendrez longtemps. Ouais, bah là, ouais. À la radio, vous avez entendu un moment. Les gens se sont blessés, t'imagines. Un moment de radio de ouf, quoi. Ne me laissez pas seul, parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups se feront manger par le berger. Je me laisse pousser la barbe, je suis pas bien, je me laisse aller. Ces graines arrivent au hasard, donc pourquoi aller? Je fais ce que je peux pour mes potos, et ils font ce qu'ils peuvent pour moi. Salut Guillaume, petit footing en direct. Moi, je cours sur le bord de la Garonne. On vous écoute avec les écouteurs. Un petit encouragement serait le bienvenu. Allez, bon footing. Allez, un petit sprint. Allez, maintenant tu m'abandonnes. Eh ben, bon courage. Ah, c'est marrant, hein, t'es cool. Il y en a qui écoutent en train de courir au bord de la Garonne. Ah, le top serait d'avoir quelqu'un qui vous aurait appelé. Regardez, la réaction serait épique, mais quand même une très bonne blague. Attends, qui ça nous aurait appelé? J'ai pas compris. Quelqu'un qui vous aurait appelé. Ah ouais, on aurait dû laisser quelqu'un au téléphone. Ah oui, mais on avait des gens au téléphone. Non, mais à l'antenne, vraiment mise on air. Ah oui. On les mettre en mute. Et oh là, c'est vrai. Ah bah voilà. Mais bon, là, il y aurait eu des mecs qui auraient dit fake. Ouais, fake. Ouais, c'est vrai. Ou alors, c'est vrai, ouais. Ah ouais, putain, c'est. Me donnez pas trop d'idées. Après, je vais le faire. La prochaine fois. Moi, j'ai pitié de ce pauvre Flo des cadeaux qui offre des PS4 et en retour, ses ingrats d'auditeurs lui envoient des t-shirts crado. C'est moi, je lui offre un vrai t-shirt sur mesure. Je suis graphiste et retoucheur. Il me faudrait une. Et puis, j'ai pas la suite de ton message. Dommage, ça a coupé, la taille. Bah, hey, regarde le 680, il marche pas. Je fais du au début, au tout début, je n'y ai pas cru. Puis c'était tellement convaincant que je me suis mis à y croire. Et au final, je n'y ai pas cru car on entendait encore les rognements du lion. Puis le fait qu'il faisait enregistrer, j'ai donc compris. Ah non, ça, c'était bien fait. Non. J'ai eu une claque à ma sœur car elle m'a réveillé à cause de ton canular de merde, bordel. Julien, on a eu encore des frissons, rien de l'entendre à nouveau. Salut à toi. Salut, bisous. J'ai pas compris, Seb. C'est Eric Mu de Chéri FM, s'il te plaît. Tu peux mettre ta première émission Big Up, c'est qui le papa? Ah putain! Ah oui! Ah oui! Eh ben, je fais pas. Oh non, bah demain alors. Attends, je suis en train de réfléchir. Ah, il est dans ma voiture. Ah ouais? Ah, il est dans ma voiture. On va aller chercher. Ça doit pouvoir se retrouver. Ah bah voilà. En y allant. Ouais, ouais, vous savez quoi? Ouais, mais attends, putain, il faut vraiment. C'est chaud, hein, c'est chaud. C'est quoi? On va faire les pervers aussi qui arrivent dans deux minutes. Et je vais aller chercher pendant la pub. Là. Tranquille. Hein. Il y a la pub dans 5 minutes. Non, il n'y a même pas de pub en plus, merde. Je vais mettre J Balvin. Non, il n'y a pas de pub, je te dis. Ah. On se fera booster. À chaque fois qu'il me donne une indication. Bah, moi, j'ai une feuille, il y a marqué, il y a de la pub. Donc, C'est ce qu'on appelle un copilote inversé. C'est le mec qui est à gauche, alors que c'est à droite. Désolé, mais. Et heureusement, tu ne travaillais pas dans un rallye, toi. Ah, bah, heureusement, ouais. Oh, putain, la vache. Et le mec, et Sébastien Lhomme, il aurait jamais gagné. Ah bah avec moi, tu vas pas très loin, c'est sûr, mais bon. En tout cas, on va se faire Justin Timberlake, on avait promis de le caler là. Can't Stop the Feeling, et après, je me ferai passer pour une femme. On appellera des mecs, je vais les chauffer, j'adore les faire bondir la bite. J'aime bien quand les hommes ont la bite qui saigne pour moi. Oh, la cousine. Ah oui. La cousine. Ah oui. La cousine. Ah ben oui. Ah ben, coulou. Ah coulou. Zuline. Zuline. Coucou. Zizine. Coucou, Zizine. Voilà, on va appeler dans deux L. Il me dégoûte. Oui, je me dégoûte, ma cousine. Ça me dégoûte. On va appeler un mec qui s'appelle Euro 2000 Baise au lieu d'Euro 2016. On n'a pas le droit de faire ça. En fait, ils prennent des pseudos sur des chats de cul. Ouais. JM Lucena, c'est toi qui as parlé cet après-midi. Exactement, ouais, ils sont chauds là. On a eu Célib 2. On a eu Robin Desbois. Ah. On a eu Lionel cherche jeune fille sympa. Ça va. On a eu Mohamed Oli au lieu de Mohamed Ali. Oh non, il n'y a plus de respect. Mohamed Oli. Le pauvre. On a eu Soumi Len Farmer. Comme Len Farmer. Soumi Len Farmer. On a eu Karim Gang Benzema. Il va apprécier. Karim Gang Benzema. S'il écoute. Au lieu de Karim Benzema. Et on a eu Antoine Pisman, d'Antoine Griezmann. On a eu des bons pseudos aujourd'hui, ça a bien fait rire. Et c'est quoi, on va les appeler dans deux minutes. Allez, je me fais passer pour une femme. Et on va parler des passions qui vous empêchaient d'avoir des amoureux normalement et tout ça. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling sur Energy maintenant. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. Magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock. So don't stop that, that under the lights when everything goes nowhere. So just dance, dance, dance. Stop the feeling. Allez, c'est vous filez les places. Il est 22h53. Je vais vous faire écouter après mon premier passage à la radio. Ah, mais vous allez rigoler. Hein. 22h, 1h. Vous êtes à la maison. C'est Guillaume Radio 2.0. Sur Énergie. Allez, de retour. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi, va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Allez, on file les places maintenant pour aller voir à l'Euro. Vous allez être au premier rang avec David Guetta. Ah, c'est bien. Au concert, il y aura Soprano, Luan, Kenji ou Will.i.am en pré-show. Et ça enchaîne avec David Guetta, voilà, en dessous de la Tour Eiffel. C'est qui choisit les artistes comme ça? C'est pas nous. C'est TF1, non? Je pense. C'est ce que ça l'Euro. Rediffusé sur TF1, ouais, et sur Énergie, ouais, d'ailleurs. Donc jeudi, on sera en direct hein, de 22h à 22h50. 22h50, on fait une liaison avec TF1. Ouais. Ils branchent TF1 Guetta sur Énergie. Et nous, on reprendra à minuit. On sera là de minuit à 1h. On va pas faire une demi-heure d'émission. Hein. On fait l'after. On en se déplace pas pour une demi-heure. Donc voilà, on fera l'avant et l'après, mais on sera là. Allez, c'est parti. Si vous avez envoyé Guillaume et votre numéro au 612, on vous file de place. Double hit Énergie, David Guetta. Allez, il y en a un qui va aller en bas de la Tour Eiffel au premier rang dans le carré or. Je fais la chance. Ça va sonner chez l'un d'entre vous. Anonyme. Pour le joindre, désactivez la restriction de la présentation de votre ligne. Merde. Your party does not wish to receive anonymous calls. On va rappeler une fois, mais je crois que c'est l'air qu'il ne peut pas recevoir d'appel anonyme. Votre correspondant ne souhaite pas recevoir d'appel anonyme. Ah, dommage pour lui. C'est pour vous prouver qu'il n'y a aucune sélection avant. Ah bah non. Parce que s'il y avait une sélection, on s'en serait rendu compte. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas de truc. Hein. C'est vraiment du direct. Hein. 22h55, on appuie sur un deuxième bouton et ça va nous sortir un numéro. Il est 22h55. Il n'y a pas Florent Pagny qui vient. Si, je crois qu'il y a Florent Pagny. Ouais, oui, aussi, ouais. Il y a Christophe May. Allô? Allô? Oh là là. Allô, c'est allô. Il papa. Mike Shinkakan. C'est quoi ton prénom? Ça va mon pote? Oh, salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Tranquille ou quoi? Tu m'as dit ton prénom c'est? Aurélien. Aurélien de où? De Levallois, juste à côté de Paris. Eh ben écoute, enchanté, Aurélien de Levallois dans le 92. Bien joué mec. Eh ben très bien. T'as quel âge Aurélien? J'ai 16 ans moi. T'as 16 ans. Et t'es en quelle classe Aurélien? Première? Je suis en seconde, là je passe en première. Ah ouais d'accord. Ah bah ça va, t'es en vacances toi là? Là je suis en stage de 2 semaines quoi. Ouais, mais après t'en. Ouais, c'est bien, tu te mets bien. Ouais, en gros, je suis en vacances depuis vendredi. T'es en stage de quoi? En stage dans l'entreprise. Ah, mais quoi comme entreprise? Ah, je le fais à l'école, j'ai pas trouvé de stage. C'est vrai? Ah c'est fort ça. Ah, c'est vrai, putain. Ah, ouais, du coup, tu te fais chier, non? Ah, mais tu changes pas du coup? Non, en vrai, je suis avec ma CPE, elle est grave cool et du coup, c'est grave débordant. C'est vrai, ah ouais, ouais d'accord. Ouais. Ah la CPE, elle est sympa avec toi maintenant du coup. Ouais. Ça va être ouais, ta best-star. Ouais. Ah, c'est bien, c'est pas con n'empêche. Ouais, pour l'école et tout. Après pour les deux prochaines années, ouais, parce qu'en première, en terminale, tu vas ouais, encore être le chouchou après, c'est cool. C'est bon, c'est après tu la connais pendant 2 semaines, tu restes avec elle. Comment tu t'es retrouvé à faire un stage là-bas? Tu l'as demandé, t'as accepté direct? C'est ta mère peut-être. Bah oui, elle m'a dit, je lui ai dit ouais madame, j'ai pas trouvé de stage, elle m'a fait bon bah viens avec moi, ça va être marrant. C'est vrai, oh là là, énorme. Bon bah très bien. Et bah écoute, en tout cas, tire à voir David Guetta, voilà au premier rang. T'envoies les 2 places demain matin, d'accord? Okay, enfin non, je sais même pas comment ça marche, Amine, c'est un listing. Non, on va se retrouver tous les deux jeudi, je vais lui donner directement. Ah d'accord, ouais. Ok, voilà. Okay. Voilà. T'auras rendez-vous avec Amina du Standard. Elle m'a fait péter un câble. Ça va, calme-toi. Ça va, on rigole. On va prendre une princesse. On va se marrer au poulet et tout. Non, alors ça y est. Alors ça y est, elle touche plus le sol non plus. Elle a un peu de pouvoir, ça y est. Ah non, non, t'es prêt pour une tigresse? Ah ouais. Attends, le vieux chat de gouttière. Ah, ah, plein de puces. Avec la voix cassée. Ah, c'est bon. Tu viens de gagner des places. Ah, non. Viens là, mon bichon. Ah, je vais te chouchouter, moi, mon garçon. Bah, arrête, on dirait une meuf bizarre. Moi, j'aime pas le foot, alors. Mais c'est bien. Autant j'aime bien me prendre un shoot, autant j'aime mais pas le foot. Ça va pas ou quoi? Ah là là là. Bon, hey, en tout cas, Aurel, je te repasse la rombière du Standard. Et puis, et puis on va t'envoyer. Bon, en tout cas, merci beaucoup, les gars. Bah, de rien, gros. Puis on va faire l'anime oui, après. Lumière, change rien. Ah, c'est gentil. Hein. T'as entendu le Lyon hier ou pas? Bah, en fait, non, je suis arrivé après, j'avais trop le seum. C'est vrai? Oh là là. Ouais, ah, dommage. Ouais. Putain. Ah, c'est trop con ça. T'as vraiment raté un truc. Hein. Ah, ouais. Parce que toi, t'es arrivé à quelle heure? T'écoutes à quelle heure d'habitude l'émission environ en moyenne? En fait, j'essaye d'arriver pile à 22h quand vous commencez. Ouais. Et là je suis resté un peu avec mon frère parce que je le vois pas souvent. Donc, du coup, c'est inacceptable. Je suis arrivé vers 23h30. Tu as été puni par Dieu. T'es nul, mec. Voilà. et du coup, putain, c'est con parce que c'était un moment de radio, mon poteau. Oh là là. Ouais, je sais, j'ai entendu la rediff et tout. Mais... avait l'air. Non, mais en direct, tu le vis encore plus parce que tu dis putain, je sais pas ce qu'il y a, quoi. Hier, j'ai trop cru à ton canular car tu as Amina qui a crié comme d'habitude. En plus, quand on réécoute, c'est trop ça. Amina, elle crie, donc on y croit vraiment. Ah ouais. C'est le but. Et d'ailleurs, dans Jackie Michel, vous l'entendez crier. Il y a plus de au début et à la fin du film. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché. Non, j'ai pas lu le message qui dit Amina Dussandard préfère le foutre au foot. Ah. C'est minable, c'est quoi? Qui se croit drôle en écrivant ça? JM Dussandard. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Tu voulais que je lui dise la SMS moi, c'est ça? Alors, JM Dussandard. Mais il va y avoir des plaintes de déposer, il y a aucun problème. JM Dussandard n'assume plus. Mais si, j'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Assume d'être un grossier personnage. Mais si, pas ça, parce que je vais trop gamberger. Assume d'être une grosse star. Oh, plaisante. Attends, j'aime du standard. Non, c'est ni drôle ni chic. Une bonne standardiste. Arrête d'en faire trop. Non, mais attends, ça va. Parce qu'elle a réfléchi à la meuf chic et puis en dehors de la radio, c'est la première à se trouver le cul en canal. Ça va pas ou quoi pour que tu dis ça, sérieux? C'est la première à se trouver bourré le cul en caniveau à Pigalle. Ah ouais, d'accord. Le nombre de fois où je passe en voiture, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce déchet, cette ligne? N'importe quoi. Et là, limite, ça m'est arrivé d'appeler Samu parce que je me suis merde. Le cul en caniveau, elle est estropiée. C'est une blague. En fait, non, c'est du vitamine A, qui s'était fait cuiter. Non, non, non, moi j'ai des week-ends très récents. Elle m'a dit, je lui dis, mais tu fais quoi? Elle me dit, je me fais cuiter. Bah oui, évidemment. C'est un mélange entre deux mots, je vous laisse C'est la honte de dire ça, franchement. Non, mais cuiter, c'est une cuite. Ouais. Dans quel niveau, en train de se faire bourrer cuiter, c'est une blague. Ah non, si t'as dit ça, juste avant, je veux le replay. Elle a dit être bourré. Non, mais je n'ai jamais dit bourré. Non, non, non. Il n'a pas dit se faire bourrer. J'ai pas dit, c'est deux choses différentes. Oui, oui. Et puis j'ai vu Sauvard qui dit, je suis une grosse suspense. Une grosse. Débarque-toi. Et puis rien gros, non, t'es une grosse par le talent et une grande par le génie. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché. Une grosse princesse, Amina. Amina, c'est la grosse princesse d'énergie. Vous avez des grosses MST. Attends, c'est lui qui, moi je m'appelle Mario, je suis plombier et j'aimerais sauter Amina Kong Fab du 80. Non, ça se fait pas. Amina. Merci beaucoup Guigui de la régie. Salut. Attends, t'avais pas l'histoire de nous faire écouter toi? Mais si, car... Ah, parce que Guigui de la régie, il allait me chercher mon ordinateur. Mais ouais. Je vais vous faire écouter mon premier passage en radio. Ah non, mais franchement, je pense que c'est. Franchement, j'ai un peu la honte. Hein. C'est un dossier. Non, c'est un vrai dos. Non, mais c'est un vrai dos parce que c'est mon vrai premier. Je l'ai toujours dit, hein. D'ailleurs, je peux même pas mentir. Mon premier passage à la radio, c'était en école de radio. Et c'était sur une chronique sur Super Tramp. Le groupe. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs jours et tout. Je mytho pas, il n'y a pas d'embrouille. Chronique, ok. Putain, alors elle est ouf. Attends, merde, j'ai mon ordinateur qui démarre. Attends, comment je fais pour faire un. Attends, j'ai. Ah, c'est ça, c'est ça. Deux choses. Skull, Dreamer. Attends. Putain, c'est bon, ouais. J'ai te filé, Guigui, la régie. Tu vas me rentrer dans le. Parce que là, le problème, c'est que c'est sur mon ordinateur, donc on n'entend pas le. Il y a un début déjà, la petite intro, là. C'est marrant. Ah non, mais franchement, on dirait Flo des Cadeaux. Attends, et son premier son premier passage à la radio, Flo des Cadeaux, c'était ça. Là. Quel nouveau visage pour l'île de Nantes. Pote d'être en février 2005. Franchement, moi, j'en suis pas loin, en fait. Hein. Faites un battle. Attendez, écoutez juste en 10 secondes et on réécoutera mieux tout à l'heure, mais attendez, je mets mon enceinte d'ordi. Attendez. Partie de leur répertoire, c'est Super Tramp. On est dans la rubrique musique, c'est tout de suite et c'est pour vous sur STM. Jusqu'en 74, le groupe de pop rock anglais n'arrive pas à accrocher le public. Et le succès n'est pas au rendez-vous. Voilà, c'est la honte. On était pas loin. On reconnaît même pas ta voix. Non. Je sais, tout le monde me le dit. C'est bizarre. C'était les premiers. Bah oui, c'est différent. C'est les premiers. Ouais. Après, il y a la voix qui se fait aussi. Mais là, t'avais la voix plus grave, même on dirait avant. Mais c'est ce que tout le monde me dit. Mais tu forçais dessus peut-être, non? Bah non, j'en sais rien. Peut-être après, j'ai la voix plus grave. Bah sur l'enregistrement, ouais. Ah, plus mielleuse, ah bah non. Bah pour moi, après, c'est... Non. C'est un peu Gentleman Forever. Faut mieux qu'on l'écoute. Ah ouais, Flo des Cadeaux. Faut mieux qu'on l'écoute, je pense. Ah ouais, faut mieux qu'on l'écoute après. Tranquillement. Non, mais c'est vrai, on l'écoutera tranquille. On l'analyse. Au calme. Et puis, non, puis en plus, je l'assume complètement. Ah bah, il faut, hein. T'as pas le choix. Attends. Si, je joue. Ça vous rappelle quelque chose? Skull, Dreamer font partie de leur répertoire. C'est Super Tramp. On est dans la rubrique musique, c'est tout de suite et c'est pour vous sur STM. Jusqu'en 74, le groupe de pop rock anglais n'arrive pas à accrocher le public. Et le succès n'est pas au rendez-vous. Ils sont tellement ruinés qu'ils vont devoir vendre leurs instruments pour pouvoir vivre. Plus tard, la chance leur sourit et des responsables d'une maison de disques leur laissent une dernière chance. Car ils croient en eux. Ils se mettent au travail et 5 mois après, ils annonçaient à la sortie de l'album Cream of the Century où se trouve leur... Alors, il faut savoir, ça c'est vraiment, en fait, c'était le premier jour de l'école de journalisme que j'ai faite. Ils nous ont mis une heure dans une pièce en nous disant, vous écrivez un truc avec Internet sur un artiste qu'on vous donne. En plus, ils nous ah, Super Trump, tu l'as pas choisi, je pense. Et bah non, je connaissais pas. Non, mais c'est pas mal. Ouais, non, bien sûr, mais c'est pas trop notre génération. C'est pas du tout mon délire. Je connaissais pas. Et en fait, du coup, ils m'ont dit, bah tiens, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Ils donnaient que des groupes qu'on connaissait pas. Et ils nous laissaient une heure et après, il fallait venir lire. Mais donc, j'avais aucune formation. Là, c'est vraiment pour je m'auto-humilie là. Et t'avais quel âge? Et j'avais 18 ans, ça, et c'était le premier jour de l'école de journée. Et c'est du par cœur, non, c'était pas du par cœur. Ça s'entend, ah, ça s'entend. Ah bah oui, ça s'entend. Ah ouais. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me donnes un tour? Je m'en fous. Bon, en tout cas, je t'envoie les places, mon poteau, à Levallois. Ok, merci, c'est okay super, bon, je t'embrasse, Amina, je t'embrasse. Oui. Ok, gros bisous. Vas-y, bisous. Hey, tu fais du sport, toi? Tu fais un truc un peu à Levallois, là? Tu t'occupes quoi? Ouais, je fais du basket. C'est vrai? Dans quel club? Ah bah au Paris Levallois. Au Paris Levallois. Ouais, ils sont connus. Ils sont bons, ouais, en plus. Hein. Ouais. Ouais, ils sont chauds, ils sont pro. Ouais. C'est vrai, bah. Ouais, ils sont en D1, quoi. Et toi, t'es bon, t'es grand? Bah non, je peux se faire grand, mais ça va, je me débrouille, quoi. Ouais, tu te démerdes sur le terrain, ça va. Tu mets la main au panier, quoi. Ouais, bah c'est bien, tant qu'il y a. Bon, je vous file des PS4 et des télé, des tablettes après, d'ailleurs. À bientôt, mon Aurélien. En tout cas, je t'en passe, Amina. Salut, Guillaume. Au standard, gros bisous. Ciao. Et Guy Laragi, là, viens là. Ouais, je suis là. Ça va bien la journée, ouais. Ça va très très bien. Et Guy Laragi, c'est lui qui me trouve le nouveau Gims. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les bouches vagabondes. J'ai mérité dans les bouches vagabondes. Ne me laissez pas seul. Voilà, c'est lui qui me trouve tous les nouveaux morceaux. Ouais, c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, bravo Guigui de la régie. C'est quand même lui qui a monté le canular du Lyon. Oui, voilà. C'est lui qui a fait tout le montage. Il a passé tout le week-end ici. Il a passé vendredi, samedi, etc. pour monter le truc. Plus le dimanche soir. Bravo. Ouais, plus le lundi matin. Aussi. Voilà, c'est lui. Voilà, ouais, il n'est pas parti depuis la semaine dernière pour le canular. Donc félicitations à Guigui de la régie. Merci à vous. Bravo. Qui a réussi à faire un canular quand même qui était. Crédible. Et crédible. Bon, c'est pas que lui non plus qu'il faut féliciter. Bien sûr. Faut se calmer quand même. Mais non, je plaisante. T'as très très bien fait. Bravo, mon Guigui de la régie. On est content de t'avoir avec nous. À nos côtés. Ouais. Et on t'aime, Guy. Mais moi aussi, je vous love. Et on t'écoute. T'as trouvé des trucs marrants sur internet aujourd'hui, ouais, ou pas? Carrément. T'as trouvé quoi? Bah, pour commencer, c'est pendant la Copa América, donc c'est l'Euro de football, mais dans les pays d'Amérique. Et en gros, pendant le match Chili-Argentine, pendant l'hymne en fait, de la Chili, le DJ il a fait une petite boulette. C'est-à-dire. Non, c'est pas de... T'as dit quoi? De quel pays? De la Chili. Du Chili, mec! Respecte les Chiliens qui écoutent l'émission! C'est pas la Chili, c'est le Chili! Le Chili. Non. Un Chilien du Chili! C'est la Harissa, mais c'est le Chili! Laisse-moi va faire un tour! Je m'en fous. Hey, t'es mal, j'ai le standard. Hey, ça m'a fait tellement rire fort que j'ai pas réussi à rire. Ça m'a fait mal. Ah, mais t'as. Alors, t'as la Chili, putain, merde. Ah ouais. Putain, bon con, putain. Ah ouais, toi-même. Mon Guigui de la régie. Ouais, je pensais que c'était ça, moi. Je viens de dire du bien de toi. Tu me fais regretter ce que je viens de dire. Ah, mais non, mais non, mais. C'est pas Guigui du Chili. Elle était osée. C'est toujours, mais en plus, tu comprends pas. J'aime son art. Parce que c'est des mécanismes, les blagues. Ouais, je sais. Et tu comprends que ce mécanisme ne marche jamais de et de l'être après le prénom, tu comprends pas. Ouais, bah je sais pas, ça résout. Ça... Oula, ça résout. Ça bon, en tout cas, Guigui de la régie, qu'est-ce que t'as trouvé? Alors, Copa América, voilà. Donc l'équipe. Du Chili. Voilà. Du coup, pendant l'hymne du Chili. Si t'as un doute, va voir quelqu'un avant de faire la chronique. Ouais. On va passer pour un con devant un million de personnes. N'hésite pas à demander à quelqu'un dans les couloirs ce qu'on dit le ou là, tu vois. Ouais, mais non, mais en plus, j'étais persuadé que c'était le. Parfois, on est persuadé. C'est la Colombie, c'est le Chili. Ouais. Bah non, mais d'accord. Ouais. Mais non, mais j'ai appris quelque chose, c'est cool. Ouais, écoute. Je viens d'essayer, persuadé de ressembler à l'autre acteur là. Ah, Jude Law, et voilà, il y a un air. Jour, quelqu'un lui dira que c'est pas vrai. Ne me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups se feront manger par le berger. Je me laisse pousser la barbe, je suis pas bien, je me laisse aller. Bon, alors qu'est-ce que t'as trouvé? Copa América. Voilà, et du coup, pendant l'hymne du Chili. On va pas y arriver ce soir. Yo mar del sol, el copa del sol. Y soy Rosé, un habitant de la Chili. Allez, vas-y, Guy, là, concentre-toi de mieux. Non, mais je suis concentré. Du coup, vas-y. Pendant l'hymne du Chili, oui. En gros, le DJ, il a fait une petite boulette pendant le match. C'est-à-dire que 10 secondes après le début de l'hymne. Non, t'as pas envie, ça. Putain, je donne tout en plus, ça m'a envie. 10 secondes, 10 minutes. Oh là là. Il est bien le son en plus. Il est bien le son. Ah ouais, c'est ça le pire. Ah, ça le pire. Attends. J'ai tout donné là. Attends. Concentre-toi, Guy. Est-ce que ouais, je souffle? Ouais, il faut que je me. Tu fais un exercice de respiration. Ah ouais. Bon, alors attends, ouais. Je sais pas. Yoga. Ouais, mais attends. Là, il faut une musique qui détende, là, Guy. Là. Excusez-moi deux secondes, faut que je le détende parce qu'il est pas bien. Ah ouais, là, je suis. Massage. Moi, je le connais, là, il faut un petit. Ouais, ouais. Il faut un petit truc qui le détend. Une petite musique indienne. Non, ça, c'est pas détendre. Ah. Toi qui aimes bien le Japon, Guy. J'adore. Ça va mieux? Ah, ça va très elle bien. Elle a quoi, Régis de la Guillée? Piquez-le. Piquez-le. Il m'a fait ma nuit, le Chili. Là. Oh la barre, Tony 7-6. Oh, j'ai pas de merde. Ah ouais, ça y est. Dimanche soir, j'étais à un match de rugby du top 14 et je joue à la banda. Et je trouvais que c'était calme, alors j'ai joué olé à la trompette. Mais c'était pendant la minute de silence, oh. Je pensais pas. Ah oh, non, mais. Que c'était ça. Et on a eu un énorme fouet à intervenir. Ah ouais. Ah ouais, putain, c'est pas bien ça. Je sais pas pourquoi c'était la minute de silence, mais si t'avais des famille de victimes. Il y a un décès dans le club. Moi, je prends mal. Pas une bonne blague. Ça. Ah, moi, je suis au premier rang. Ah, non, il a pas fait exprès, mais je peux me battre. Hein. Ouais. Tu veux dire, c'est pour quelqu'un de ta famille, il y en a qui va te. Attends. Ah, tu le prends super mal, c'est sûr. Ah ouais. Alors, Guigui Daragi, on t'écoute. Alors, c'est du coup, c'est pendant l'hymne du Chili. Ouais. Et en gros, 10 secondes après le début, et ben, en fait, le DJ a fait une petite boulette. C'est-à-dire, on sait pas ce qu'il lui a pris. Et du coup, il est en train de faire un AVC. Là, non, c'est pas très sympa ça. On va tous se toucher la tête, hein, normal. Non, attends, c'est normal. Vas-y, raconte. Et du coup, bah, pendant l'hymne, 10 secondes après. Bah, le il DJ a fait. Mais non ça. Mais c'était bien là. Akili, ça s'appelle Guigui. Il a dû confondre avec le Chine. Allez, on a encore une heure pour la faire son histoire mort de rien. Hop, ah, merde. Non, alors vas-y, Guigui, attends. En plus, tu me fais une danse, mais qui va tellement bien avec la musique. Ah, mais moi, j'adore. Ah, bah, ça se voit, ça se voit. T'aimes même trop, je crois. Attends. Non, ça va. Attends, une musique de bourrin. Le truc insupportable. C'est nul parce que même quand t'essaies de danser, t'es pas sur le rythme. Ça, c'est impossible. Là, t'es vraiment. Ça marche pas, quoi. Alors, vas-y, Guigui de la régie, pardon. Ouais, non, pas de soucis. Si tu cherches un peu de gaieté, viens donc faire un tour à l'ambé. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Dans les prisons de Nantes, le vent souffle. Et maintenant, il y a mort. Ouais, je te détends avec ça, c'est agréable. Et maintenant. Pas celui-là, mais vendredi d'après en Bretagne. On vient voir à Rennes, voilà, à la FNAC, le vendredi 17 juin, une petite rencontre de 16h à 19h30. Donc venez nous voir, tout le monde, on vient exprès hein, jusqu'à Rennes. Ouais. Donc tous les poteaux de Rennes. Voilà, rendez-vous de 16h à 19h au centre commercial Columbia. C'est place du Colombier à Rennes. À Caen, FNAC de Caen, l'après-midi du samedi 18, le lendemain de midi à 15h. C'est au centre commercial Paul Doumer. Et puis le dimanche à Rouen aussi. Donc l'émission se passera le dimanche soir de 20h à minuit. Donc on enchaîne Rennes, Caen et Rouen en 3 jours. Donc hâte de vous voir, les poteaux là. Amina, ferme ta gueule, laisse Guigui parler. Bouffonne, va te faire bouffer par les gens. Oh, mais c'est un malade ce mec là. Me laisser passer parce que je vais trop grand berger. Rien compris au chicken carné, Freddy. Ah là, si c'est pas le ou là, il a qu'à dire deux chili comme dans la vidéo. Parce qu'on a une vidéo avec un Arménien qui a appelé, qui disait, je sais pas si on disait le ou la baguette. Ouais. Alors quand je suis à la boulangerie, ça me coûte deux fois plus cher, mais j'ai la technique, je dis je voudrais deux baguettes. Voilà. Génial, changez rien, je peux plus de rire. Les vers et les poux de Julien Stéphane se sont réunis. Arrête. Et on discute des inégalités sur le corps. Les poux, on discute des difficultés du logement. Salut à toi. C'est pas drôle, hein. Ah, c'est drôle ça. Mais non. Les poux, ils ont plus de cheveux là. N'importe quoi. Viens, Avignon. T'as quand même des sacrés cassos dans ta team. Un peu de remonte. Salut les gars. Oh, des niveaux. De la musique. Titata que t'as mis pour motiver Guigui. C'est quoi le titre? Ah, t'aimes bien ça. Alors, la musique. Attends, elle est un peu hardcore la musique. Non, attends, j'en avais mis deux. Je sais plus laquelle tu parles. franchement, je sais même pas le nom. Quoi. C'est quand que tu viens au Mans ? Eh ben, on voulait venir après Rennes, mais ça fait un peu, c'est un peu compliqué sur le planning. Mais on, rien n'est fait encore, on sait pas trop. Bon, en tout cas, avec plaisir. C'est moi que tu as appelé pour l'Euro. Je suis deg, je vous aime. Salut Louis. Salut. Salut. Alors, Guigui de la Régie, vas-y raconte. On t'embrasse, mon pote Louis. Alors du coup, c'est pendant l'hymne du Chili. En fait, 10 secondes après que l'hymne ait commencé, le DJ il a fait une petite boulette. C'est-à-dire, il a fait partir une musique en pleine hymne. C'est-à-dire, tout le monde chantait. Il y a beaucoup de bruit de bouche là, non, Guigui de la Régie. C'est impossible. Vous entendez pas, ça crépite quand il parle. Attends, mais truc, aujourd'hui, je vais te dire. J'ai pas osé les dire, mais oui. Ah là, attends, mais qu'est-ce qui t'arrive, Guigui de la Régie aujourd'hui? Attends, mais il y a personne qui a un verre d'eau. Et à part le défibrillateur, on dirait qu'il a une tête brûlée dans la bouche. Attends, mange un truc, bois un truc, Guigui de la Régie. C'est ton verre d'eau, je vais te dire. C'est un verre d'eau qu'il a trouvé par terre. C'est son verre de pisse. C'est son crachoir, c'est quoi? Je suis dentiste là. Tu sais quoi, en Chine, dans certaines provinces, ils ont des crachoirs sur les tables. Ouais, et mais ils crachent les Chinois. Non, mais même au boulot, hein, t'as rendez-vous avec ton patron, il y a un crachoir, t'es face à ton patron. Pff, dès que t'as un truc dans la bouche, c'est limite impoli de le garder. Ouais, et ils crachent tous là-bas. Et tout le temps, toute la journée. Moi, ça m'est déjà arrivé à Carrefour à Paris, là, quand il y a le genre des Coupes du Monde ou des. Comment ça s'appelle? Des événements. Ouais, ou des, voilà, ou des quarts de Japonais ou des trucs comme ça. Non, pas Roland Garros, mais des trucs où il y a beaucoup de Japonais. Et ben, ou de Chinois, pardon, ben, ils crachent, c'est un peu bizarre. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé dans Carrefour Auteuil à côté, non. Bien sûr. Ah ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir mon. Ils reniflent leur glaire aussi. Ah, mais c'est horrible. Mais ils boivent leur pisse aussi. Du leur j'ai lu que les Chinois, ils mangeaient leurs enfants, Guillaume. Et il paraît que ça fait un billet. Moi, tu me tournes autour. Je suis désolé pour ce que vient de dire James, je m'excuse auprès de tous les Asiatiques. Ah, voilà, mais non, mais t'as qu'à dire qu'ils sont cannibales aussi. Mais non, t'auras des problèmes. C'est un malaise. Non, mais là, l'incident diplomatique, c'est sûr. Non, mais je l'ai vu. Et tu vas voir, et tu sais qu'en plus, il y a l'ambassade de Vietnam là au bout de la rue. Eh, je la croise tous les matins. Non, mais attends. Et ils sont pas drôles en plus. Il y a des. À mon avis, tu vois, les Chinois, tu vois, ils vont te découper. Les ninjas, ils vont arriver, ils vont tuer. Ils vont venir là, les services secrets chinois, on va te chercher de la radio là. Je dis pas des conneries, Guillaume. Il y a plus de 3 millions de Chinois qui boivent leur urine. Pourquoi ? Des Français aussi, comme ça. À des faits médicales. Je jure que c'est vrai. Des faits médicales. J'ai vu un reportage et tout sur ça. Les mecs de 80 balais, ils sont là. C'est vrai. Mais c'est partout dans le monde. Ouais, non, mais j'ai partout dans le monde. Tu bois ta pisse, ça non, t'as fait un cadeau. Non, mais il y en a qui pensent que c'est bon pour le corps et qui en font une limite une thérapie. C'est vrai. C'est l'urinothérapie. Ouais, c'est possible. Et vu qu'en Chine ils sont plus, bah il y en a plus. Eh ben je vais essayer, on va essayer. Il va nous faire un petit jet de pisse dans la bouche. Ah super. J'ai déjà ça soigne. Et non mais après c'est bizarre, ouais. Bref. Et on a toujours pas écouté ton prénom. Ce serait bien qu'il y aille quand même. Ah, vas-y. Chou, là. L'explication. Vas-y. Du coup, pendant l'hymne du Chili. Attends, pourquoi on parlait de pisse de Chine là? C'était les Chinois. Ah non, parce que je disais qu'il y en avait qui crachaient, ouais. Non, mais ça, c'est vrai. Hein. Les bruits de bouche de Guigui. Ah oui, c'est ça. Oui. Ils boivent leur pisse. Je suis désolé à tous les copains d'origine chinoise. Ah, pareil. Mais il n'y a pas que des buveurs de pisse. Après, ça peut être un délire. Mais hein. Oui. Ah, oui. Bon, après, quand tu descends dans les recherches Google, c'est un peu plus, on va dire, pornographique. Ah, oui, forcément. Voilà. Chinois, Chinois, sa pisse, ouais, c'est sûr. Alors, Guigui de la Régie donc. Ouais, pendant l'hymne du Chili, du coup, en fait, le DJ il a fait une petite boulette. C'est-à-dire, il a balancé petite la boulette. Musique de Pitbull. Ouais. Et du coup, ça s'est un peu entendu dans le stade. Au lieu de l'hymne ? Au lieu de l'hymne. D'accord. Il n'y avait plus rien. Deux secondes. Ouais, bah, il s'est rendu compte de sa bêtise et du coup bah forcément il allait pas la laisser. Et quoi. Les gens, c'est la Copa América en plus. Ah là, c'est l'hymne d'un pays quoi. Alors, c'est normal. C'est l'hymne du Chili. Et là ça part. Ça va, ça dure une seconde. Ouais, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo quoi. Ça a tourné un peu sur internet. Ouais. Putain, ça recommence les bruits de bouche, mais ferme ta boîte à gaga. Les ninjas, ils vont faire la queue pour mettre un coup de rapide à Julien Stagiaire. Non, pourquoi moi, j'ai rien dit. JM le stagiaire à Harakiri. Non, c'est JM du standard. Ouais, c'est ça, ouais. JM ça, ils vont lui faire à Harakiri, ouais. Mais non. Johnny Calvici, c'est Julien Stagiaire, c'est seulement fait pénétrer par Sébastien, il a dérapé sur le crâne. C'est pour ça qu'il a plus de cheveux au Théo du 6-7. Ouais, c'est pas lui, ouais. Il a pas compris qu'il n'y arrivera pas, ça. JM, il a fermé sa gueule et j'ai noté que Julien Stagiaire. Oh, ça va. J'ai Anastasia préfère boire du sperme que de la bisse. Ah, ah non, que de la bisse. Salut. Salut à tout le monde. Ah, c'est pas choisir. Une caisse à mine à est trop jolie, est-ce que je peux la culbuter? C'est vrai, 53. C'est vrai qu'en Chine, plus qu'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'urine a des bienfaits pour le corps. C'est de l'urothérapie. Merci. C'est dégueulasse, mais bon, salut Corentin du 14. Oh le débat. Oh là là. On vient de finir notre footing au bord de la Garonne. Merci pour vos encouragements. On a fait le footing et c'est Louise qui a gagné. Félicitations Louise. Bravo Louise. Et bravo, bravo. Alors, Guigui de la Régie, deuxième son, qu'est-ce que t'as d'autre? Après, on fait l'énigme, dépêche-toi. Ouais, ouais, non, je me dépêche. C'est en Thaïlande là. Sur mes 20 minutes par son. Là c'est en Thaïlande en fait, il y a un mec qui s'est créé son propre business, c'est-à-dire il y a que lui qui le fait. Et en gros du coup lui on lui file un chat, tout simplement, et on lui paye pour ça. Et en gros lui il va apprendre au chat à doser la puissance du miaulement. D'accord. C'est tout. Ça sert à rien, mais c'est rigolo. C'est tu. C'est tout. Bah, c'est tu qui l'entend. Bah, c'est tu, voilà. C'est tu. Il apprend et puis c'est tu. Ah ouais. Alors, attends, je comprends pas. Attends, il est payé pour apprendre à miauler à un chat. Voilà, mais au niveau de juste de sa puissance. C'est-à-dire, avec un mot, à la demande, le chat, il va faire un miaulement plus ou moins fort. Et ça, ça existe. Ça, ça existe. Mais je savais pas que ça pouvait se dresser un chat. Ouais, on s'en fout en fait. Ouais, ça sert à quoi? C'est un prof. Bah, si, pour le cinéma exemple. Non, même pas. Faire chier les voisins. Non, non, c'est des particuliers qui te demandent. En gros, par exemple, si le chien il miaule trop fort. Bah, c'est le chien. C'est quoi le chien? C'est un chat qui a un musée avec un chien. Il a réagi, il a le cerveau en vrac. Il a beaucoup bossé, Guinaï, pour le lion. Et c'est lui qui a fait le canular, ah ouais. Qui l'a monté. Il est fatigué, Guinaï. J'ai dit chien, pardon. Alors vas-y. Et du coup, bah. Non, t'as dit chien. Ouais, chien. Non, je parlais du chat, du coup. Hmm. Et vas-y, enchaîne là. Non, mais oui, mais du coup. Non, mais là, il faut écouter le son. C'est ah, pardon, okay. Alors, il dit un mot et il miaule plus ou moins fort. Voilà, c'est ça. Ça, ça c'est bien. C'est le maximum? C'est avant le maximum. Bon, c'est, c'est rigolo. Ouais. J'ai payé pour ça et je payais plutôt cher en plus. C'est vrai? C'est un quart du salaire normal de là-bas. De là-bas, ouais, très bien. Et du coup, ça lui prend combien de temps pour apprendre à ça un lion? Un chat, pardon, ouais. Bah, je crois que c'est une heure. C'est la séance d'une heure. D'accord, ok. Et mais c'est... Ah, c'est le mec, il est au bout. Mec, il essayait de se terminer. La séance. C'est pour une séance. Alors je vous dis même pas 2 heures, c'est 2 heures. C'est 1 heure quoi, mais. D'accord, ok. Ah oui, en 1 heure il apprend à miauler, non? Non, non, mais il y a plusieurs séances par semaine. Ah ouais, d'accord, ok. Non, ouais, il y a du jeu. Très bien, très bien. Et donc, va te coucher, mon guillage. T'en as un dernier là? Un dernier, ouais. Ah bon, on le fera demain. Il y a des jours, faut mieux arrêter plus tôt, hein. Et d'ailleurs, on va se faire l'énigme. Julien, tu m'entends? Julien de Paris là. Ah, non, c'est bonsoir, bye. Salut. Ça va mon con ou quoi? Salut. Enchanté. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. On va donner l'énigme maintenant. Attends, Guigui de la Régie, fais-le au dernier. Allez, tu vas y arriver. C'est une nouvelle chaîne YouTube que j'ai trouvée. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps, il y a une ou deux semaines. Et en fait, ça s'appelle YouTunes. Ouais, très bien. Et en gros, eux, leur principe, c'est ils prennent des morceaux de phrases de célébrités. Les youtubeurs sont là pour les tunes. Et donc. Et en 2 semaines déjà, ils ont plus de 30 000 abonnés. Ouais. Et le truc, en fait, c'est que eux, leur principe, c'est ils prennent des phrases de célébrités et au lieu d'en faire des remixes de chansons connues, eux, ils en font des chansons complètement originales avec des phrases qui veulent dire un sens et tout. Et franchement, c'est hyper bien produit. Et ça pourrait limite. C'est cousin ou quoi? Non, j'étais là. Il me vend une chaîne qui a 30 000 abonnés. Non, j'ai trouvé ça hier, c'était vachement bien. D'accord, ok. Et vraiment, c'est cool. Il faut que tu gardes une partie des sons pour faire écouter à tes parents. et une autre partie intéressante pour la radio. Ouais. Attends, on va écouter cool. Alors. Et donc, c'est un remix de quoi? De pas connu? Là, c'est un remix. Non, c'est pas un remix. C'est une chanson originale faite avec les phrases de Manuel Valls. D'accord, ah, ok. Avec la ministre, avec fierté, dans l'intérêt même des Français. Pour suivre le débat parlementaire. Là, c'est SPA. Ah, on est SPA là. Il y a un refrain? Ouais, il y a un refrain, ouais, ça arrive. C'est mal, je veux. Nous l'assumons. Une fronde contre la division. Contre la division. La division. Contre la division. Une fronde contre la division. C'est bizarre quand même. Ah putain, allez va dormir. Allez, à demain. Et tu bouges pas, Julien de Paris, on donne l'énigme, d'accord? Ok, 30 secondes de vue, vous bougez pas, on fait tous hyper les vert matins, après, sur avec Énergie. Manu dans le 6-9 sur Énergie, c'est comme ça. Le film de Disney, Le Roi Lion, a une particularité. Ah. C'est le film le plus téléchargé au monde. Ah bon? Ah ouais. Ah, encore aujourd'hui? Bah ouais. Je pense que c'est les parents qui veulent avoir la paix pour leurs enfants. Ah ouais. Ouais. Leurs enfants. Tiens, je te fous le royaume, emmerde pas, allez, chante. Allez, merci, allez, nous on va faire les courses. Rendez-vous demain, 6h, 9h30 sur Énergie. Énergie, it's music only, avec Koé et son nouveau One Man. Salut, c'est Koé sur Énergie. Retrouvez le tout nouveau spectacle de Koé le 16 juin au Feu de la Rampe, en avant-première exceptionnelle de sa tournée et avant son retour à la Cigale. Infos et réservations, énergie.fr et points de vente habituels. Bon, j'espère que vous allez venir, je compte sur vous. Koé en tournée, un événement Énergie. Hey, it's your Paul inside. The man them called Jason. If you the girl them, telling them again what we tell them. Pass me a drink to the left, yeah. Said her name was Delilah. And I'm like, you should come my way. See that? Yeah. I already surrender. Damn girl, that body's fire. You gon' remember my name. Up and made up. Get on top of me and woke up. I sweat my love. Figure 100, 100 and fit it. Love how you move, you know that I'm with it. Perfect size, I know that you fit it. Just let me hit it, you know me not quit it. My girl, come me down, want see something me want in a life and then waste time. Are you with me free every day, baby, full time when you're there for me, mind. So me want you to give it to me, baby girl, so we can play. Stick to the thing now, I am your king, my girl, just listen what me say. I just wanna be close to you. Just wanna and do all the things you want me to. I just wanna be close to you. Girl, I just wanna and show you the way I feel. You made my love go. À la maison. C'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Ah, de retour à l'antenne sur Énergie. Salut Guillaume, imagine je suis un stagiaire en legging vert fluo en train de se doigter sur jeune demoiselle cherchant avec mortel de diable. Bah, n'importe quoi. Mais je le vois bien faire ça. Non, pas du tout. Salut toute l'équipe, juste un petit moment sérieux. L'urine a des propriétés qui est découvert, notamment soigner les cancers. De plus en plus de médecins se penchent dessus et pensent que c'est vraiment la nouvelle voie pour les malades. Oh là là. Mais après, s'il faut, franchement, pourquoi pas. Oui, bien sûr, c'est sûr. Mais bon. Ça guérit. Demain, épreuve HDA et je stresse comme une dingue. Pensez à moi, salut Lily. Salut, bisous. Salut à toi, man. Merci pour le message. Il nous fait plaisir. On va se lâcher l'énigme en deux minutes. Julien de Paris, puis après on se fait les pervers. Tu m'entends, Julien de Paris, là, dans le 16e? Allô. Maki, salut. Enchanté, je suis un peu nerveux. Ah, ça va, gros? T'as 13 ans, c'est ça? Ouais. T'es quel métro à Paris? Porte de Saint-Cloud. Porte de Saint-Cloud. Ah bah ouais, putain, on est voisins, quoi. Ah, t'es jamais passé à l'antenne, toi, Julien? Non, pas avec vous. Jamais? Ah, t'es passé où? Chez Koé. D'accord, ok. Merci beaucoup en tout cas de passer ce soir et tout. C'est sympa mon pote. Et c'est combien de temps que tu connais l'émission? C'est 2 ans à peu près. Ah ouais, quand même, c'est sympa. Écoute, merci beaucoup. T'es jamais venu nous faire une bise en bas de la radio parce qu'on fait visiter les studios tous les dimanches? Si. Ah, t'es passé quand? Il y a peut-être 6 mois, j'avais fait la visite avec JM. Mais ouais. je t'ai vu au moins 5 fois devant la radio. On a réussi à se voir. Ah, d'accord, cool. Ok, cool. Vas-y, bah c'est gentil, mec. Merci beaucoup. Il y a des trucs où on dit c'était mieux avant. Bah vous, c'est contraire. Vous vous améliorez de jour en jour. Bah, c'est sympa. Merci. Ça. Ouais. Ah, c'est sympa, ça, gros. Allez, on va donner l'énigme, Julien. Je vais faire tourner la roue des phrases. Ça va s'arrêter de 1 à 10 et on va voir, comme ça, il n'y a pas de triche. Et on va voir sur quoi ça s'arrête. Et en fonction du nombre de phrases, et ben, ça sera plus ou moins facile pour gagner ce soir. Il y a 3 types de cadeaux, flot des cadeaux à gagner. Alors, il y a des PS4, il y a des télés et des tablettes Samsung Galaxy Tab A. Oh là, il est tellement fluide. Ah, c'est ouais, beau, t'as vu. Ah, il n'a pas fait une seule erreur au micro. Allez, on fait tourner la roue. JM du Zornard, on voit là. Allez. Ah toujours plus. La roue, elle est impressionnante. 6. Eh ben 6 phrases. C'est le milieu, c'est milieu. C'est pas très facile et c'est pas très simple non plus, c'est normal, c'est entre les deux. Allez-y maintenant, on va faire un petit jeu, ça dure 1 minute. Ensuite, on appelle des pervers. Je me ferai passer pour une femme dans 2 minutes, comme tous les mardis. Le pervers qui appelle. On va le faire dans 2 secondes. Guillaume est la bonne réponse avec votre numéro de téléphone au 6 11 12. Voilà, Guillaume est la bonne réponse avec votre numéro de téléphone au 6 11 12. On t'écoute, mon Julien de Paris, quand tu veux. Lâchez l'énigme. Alors, la première. Il peut y en avoir un social. Le Vatican est le saint. Il faut en gagner dans certaines élections. Dans les avions, ils sont numérotés. Alors, attends. Il peut y en avoir un social. Le Vatican est le saint. Le saint quoi? On dit c'est le Vatican, c'est le saint 1. Il peut y en avoir un social, un social. Il faut en gagner dans certaines élections. Est-ce que c'est le réseau? Non. Non, c'est pas le réseau, le saint réseau. Est-ce que ça serait les voix? Il faut en gagner dans certaines élections. C'est pas con, ça. Essaye encore. Eh ben, c'est pas les voix. Je suis désolé pour le message. Guillaume est la bonne réponse au 612. Est-ce que ça serait une place? Réessaye. Il peut y en avoir un social. Le Vatican est le saint. Il faut en gagner dans certaines élections. La quatrième phrase, qu'est-ce que c'est? Dans les avions, ils sont numérotés. C'est pas facile ce soir, les énigmes. Bonne chance. Avant de se faire boustiller les pervers, là. Il peut y en avoir un social. Le Vatican et le saint, il faut en gagner dans certaines élections. Dans les avions, ils sont numérotés. Cinquième phrase, qu'est-ce que c'est, là? Dans les avions de chasse, il y en a des éjectables. Est-ce que ça serait les esprits? Non, c'est pas ça. 06. Salut à toi, hein. 06, les esprits, la 06 44 11 07. Qui suis-je? J'ai une PS4 à vous offrir, et j'ai des télés, et j'ai des tablettes aussi, les Samsung Galaxy Tab A à vous offrir. Il faut en gagner dans certaines élections. Dans les avions, ils sont numérotés. Dans les avions de chasse, il y en a des éjectables. Et il y a une dernière phrase. C'est un meuble. Qui suis-je? Dans les avions de chasse, il y a des 1-1 éjectables. Dans les avions, ils sont numérotés. Les 1-1. Ah bah oui, j'en ai un, moi, c'est le 1-1. Il faut en gagner dans certaines élections, il faut gagner des... Dans les élections de sénateurs, tout ça, là. Le Vatican est le saint 1-1. Il peut y en avoir un social dans les sociétés, le 1-1 social. Et c'est un meuble, et facile, les gars, le 1-1 éjectable. Franchement, c'est donné, hein. Guillaume, et vous mettez juste ce putain de mot. Et jouez avec nous par SMS, ça prend 2 minutes. Et vous le balancez au 6-11-12. PS4 télé. Et tablette à vous offrir. On se fait d'abord boosty et je vous offre une putain de télé ou une putain de PS4 en 2 secondes avant de faire les pervers sur Energy. Bonne nuit les mecs, merci d'être avec nous. Première radio de France de loin, Guillaume Radio 2.0 sur Energy. Accroupi à pleurer dans un coin de mon appartement, je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool, je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés. Diplômé, indépendantisé, je ramène des copines, coquines, mais je fais que teaser. Non, je veux pas être trentenaire, je rêvais d'une indépendance, mais là j'en tremble. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. Feet I don't like water. Je me balade dans la rue de ma ville, je tape dans les canettes vides, ça me fait baler. Tout le monde est speed, je me sens tellement inutile. Franchement, faut changer d'attitude. Pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes. Prisonnier et déshumanisé. J'ai cru pouvoir tout gagner, mais je ne sais pas miser. victoire. 'Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. We don't like it. Like je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul. Même si nos vies sont casse-gueule, et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, et on ne sera plus jamais seul, même si nos vies sont casse-gueule. Qui vient d'acheter l'énigme ce soir sur Énergie. Guillaume, Radio 2.0, première radio de France. Ne me laissez pas d'arriver là. Parce que je vais trop gamberger. On sera James Bay, il y a Bob Sinclair qui arrive. J Balvin aussi. C'est celui-là, J Balvin. Necessita reggaeton d'aller. Non, necessita reggaeton d'aller. Machin, ce morceau là. C'est celui-là, on va se l'écouter après. Mais d'abord, on essaie de trouver la bonne réponse. Hein. Julien, qui est là de Paris, du 16e arrondissement à Porte de Saint-Cloud, qui est vraiment juste à côté de la radio en plus. C'est marrant. Hein. On n'est pas loin. Ouais. Ouais, Porte de Saint-Cloud, c'est vraiment. Putain, on est vraiment voisins, quoi. C'est rigolo, Julien. T'habites où sur Porte de Saint-Cloud exactement? Ben, en fait, c'est un peu galère. J'habite en fait entre Boulogne et Paris. Ah oui, oui, je sais. Ouais, non, juste en face du petit parc. Non, ouais, voilà. Là où les gens jouent aux boules et tout, non? Non, tu vois le Molière, enfin le l'hôtel le Molitor. L'hôtel, ouais. Non. Où il y a la piscine. Ouais. Oui, oui. Ah oui, l'hôtel, ouais, voilà. Molitor, oui, d'accord. Alors, le stade de rugby. Ouais, ouais. Juste en face. D'accord, ok, d'accord, très bien. La Roland Garros. Ah oui, donc t'es vraiment pas loin, ok, ouais. Très bien. Ouais. Salut, alors on essaie de trouver la bonne réponse. C'est joli la piscine Molitor d'ailleurs. Ouais, jamais. Ouais. C'est mais je crois que c'est très cher. Donc, 200 euros l'entrée. Ah ouais, je sais plus combien c'est, mais je crois que c'est une horreur. Ouais. Bon, en tout cas, on essaie d'abord de trouver la bonne réponse ce soir à l'énigme que tu viens de donner, Julien de Paris, 13 ans. Hein, ce soir, qui est en 4e ou en 3e toi? 4e. 4e, t'es dans quel bahut? Claude Bernard. Ah, Claude, c'est où? C'est juste devant le Parc des Princes. Juste, d'accord, ok, très bien. Alors maintenant, on va essayer. T'as prévenu des potes que tu passais ou pas? Ouais, j'ai prévenu tout le monde, là, tout le monde des choses. Alors vas-y, redonne l'énigme, il y a 6 phrases. On t'écoute maintenant, là. Alors, il peut y en avoir un social, le Vatican et le Saint. Il faut en gagner dans certaines élections. Dans les avions, ils sont numérotés. Dans les avions de chasse, il y en a des éjectables. C'est un meuble. Qui suis-je? Alors, qui suis-je? Guillaume, non, qui a la bonne réponse, 6-11-12. Qu'est-ce que ça peut bien être? Réfléchissez bien. Il peut y en avoir un social, le Vatican et le Saint. Il faut en gagner dans certaines élections. Dans les avions, ils sont numérotés. Dans les avions de chasse, il y en a des éjectables. Et c'est un meuble. Voilà, Guillaume et le petit mot qu'on cherche, ça vraiment vite. Est-ce que c'est un patron, Christophe, qui dit ça, là? Et non, 06 98 38 45. On avait dit que c'était pas un esprit. On avait dit 06 95 32 50, etc. C'est pas la bonne réponse. Les voix, il y a tout le monde qui dit ça. Burgos du 53. Là, je vois ton message, mais c'est pas ça, gros. 06 40 78 74 avant de se faire les pervers dans une minute. Et c'est pas le père non plus, le Saint-Père. C'est ouais. Pas ça, le Vatican et le Saint. Non, c'est pas ça. C'est pas le Vatican qui est le Saint-Père. Est-ce que ce serait les voix? Non, on avait dit non. Non. Ben, est-ce que ce serait, il y en a qui dit les sièges? Il peut y en avoir un social, un siège social. Bien joué à toi. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité. Il peut y en avoir un social, le Vatican et le Saint. Il faut en gagner dans certaines élections. Dans les avions, ils sont numérotés. Dans les avions de chasse, il y en a des éjectables. Et c'est un meuble. Voilà, Guillaume, et le mot qu'on cherchait, le mot c'était bien siège, avec votre numéro de téléphone au 6-11-12. Qui suis-je? James B, J Balvin, Bob Sinclair. À écouter dans 2 minutes. Et d'abord, on offre le cadeau. J'appuie sur le bouton. Julien, tu restes avec moi? Ouais. Alors, tu demandes comment il s'appelle. Je ne parle plus. Tu lui dis, tu viens d'où? T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Ce soir, c'est pas de chance. Hein, de la poisse. Ouais. Allez, on en rappelle un. Et c'est toi qui dis, vas-y, on fait tourner la roue des cadeaux, d'accord? Ok, ça marche. Allez. Demande-lui le cadeau qu'il aimerait, tu vois, tu fais vivre. Bonjour, vous êtes sur la C'est lui qui nous envoie sur le répondeur. Il y a une sonnerie et il a balancé sur le répondeur. Je suis désolé. On appelle le premier qui a envoyé sur le timing précis, hein, du coup. Avec le logiciel, dès que ça répond, c'est toi qui les parles, je ne parle plus. C'est toi qui fais l'animateur. Allô ? Allô ? Allô ? Oui. Allô ? Oui. Ouais, ça va ? Comment tu t'appelles ? Thibaut. Tu viens d'où, Thibaut ? Du Havre. Du Havre ? Ah, super. Qu'est-ce qui te plairait ? Tu fais quoi dans la vie ? Je suis dessin. Ah, ok, super. Qu'est-ce qui te plairait comme cadeau pour l'énigme ? Je sais pas, une télé. Bah, bouge pas, on fait tourner la roue des cadeaux. Allez. Une PS4. Bien joué, mec. Eh ben, c'est gagné, Thibaut. Tu m'entends, Thibaut ? Bah oui. Putain, là, pour une fois qu'il y a un mec qui veut la télé, c'est la PS4. Au début, tout le monde veut la PS4. T'es content quand même, Thibaut ? Bah oui, ça va, je suis content. Bon, ah et bah ça va, t'es content de vivre, Thibaut, de passer avec nous ? Bah oui. Ah, parce que quand tu passais avec Julien, tu faisais la petite gueule, toute la petite gueule. Ah, c'est normal, tu te surpris. Attends, t'as vu que ça marche pour de vrai, Thibaut ? Ouais. C'est toi qui es vraiment à l'antenne. T'es dans quel lycée au Havre ? Claude Monet. Ah, Claude Monet. Bah, salut à tous, Claude Monet, alors. Ouais. Et bah, tu sais quoi, mon gros, je t'envoie la PS4 demain matin, je t'en passe Flo des cadeaux pour l'adresse, il fait le colis là. Ouais. Bravo, mec. Ok. Ok, tu veux faire une dédicace ou quoi ? Ouais. Vas-y, on t'écoute. Bah, Claude Monet au conservatoire, tu connais bien. Vas-y, au tout conservatoire, tu fais quoi au conservatoire ? Contrebassiste. J'ai pas compris. Contrebassiste ? D'accord, ok. Ah, ouais. Attends, c'est marrant. Hein. C'est depuis quand tu connais mon émission ? Depuis 2011. Ah ouais, putain, c'est énorme. Et t'étais jamais passé ? Non. Ah ouais, bon, très bien. T'écoutais comment là ? T'écoutais genre en mode en cachette ? Non, dans mon lit. Non, c'est vrai, à la cool quoi. Tranquille. Bon, vas-y. Eh ben, je prends ton adresse. À bientôt, Thibaut. Okay, et salut à tous les Havrais, hein. On va venir à Rouen, là, c'est pas très loin, c'est dans le 7-6. Ouais. Donc, si tu veux venir dimanche 19 juin, là, pas dimanche là, mais dimanche prochain, à faire l'émission en direct de Rouen. Tous ceux qui veulent venir, vous êtes les bienvenus, les mecs, sera ouvert. Alors, il y aura plein de monde et tout, on va bien rigoler là. Mais d'abord, on se fait James Bay qui arrive. Et juste après James Bay, JM du Standard chauffe des mecs. JM du Standard, son métier, chauffe des hommes. JM du Standard, son métier, chercher les mecs les plus sales sur internet. On se fait passer pour une femme, on les chauffe sur internet et après, je les appelle en direct et je me fais passer pour une femme sur Énergie. Juste après ça. Talking low, seeing shows in evening clothes with you. From nervous touch and getting drunk to staying up and waking up with you. And I was sleeping at the edge, holding something we don't need. All this delusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you? And I'll be me. Everything that's broke, leave it to the breeze. Why don't you be you? And I'll the floor to teeth and claws and slamming doors at you. If this is all we're living for, why are we doing it, doing it, doing it anymore? I used to recognize myself, it's funny how reflections change. Becoming something else, I think it's time to walk away. Me. time to let it slide. So come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you? And I'll be me. Everything beats wrong. Leave it to the breeze. Let the ashes fall. Forget about me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you? And I'll be me. And I'll be me. Il vous reste 16 minutes pour faire votre déclaration d'impôt si vous avez oublié de la faire sur internet. Ah ouais. Sinon là vous allez prendre une cartouche. Qu'est-ce qu'il y a, Mina du Standard, t'as oublié? J'ai oublié quoi? Ta déclaration d'impôt. Ah non, j'ai pas oublié. Mais enfin, j'avais oublié, ma mère me l'a rappelé. Ah, elle voilà. L'a fait pour moi hier. Il reste 16 minutes, voilà, pour ce qu'il y en a qui viennent me dire ça par. Ah, 10%, ouais, attends, relou. Ah, c'est beaucoup. Ah là, faut y aller. Là. Donc voilà, je sais pas si vous avez vu l'histoire là, donc voilà, si vous avez pas fait votre déclaration d'impôt, c'est pour les Français, hein, pas pour la Belgique et la Suisse, mais je sais que pour les Français, c'est ce soir. Minuit, ceux qui bossent et tout là. Ouais, ça bug en plus en général les dernières heures. Si, je vous aime bien la fête médiévale ce week-end à Provins. Salut Alex, 77. Salut. Allez, on se fait passer. Julien Stagiaire, il lui reste deux cheveux, merci. Non, beaucoup plus. C'est passé pour une femme maintenant. Je suis mandarine. Et on va appeler. Alors, on a eu ce soir, tu disais, JM du Standard. Ouais, on en a eu plein. Euro 2000 baise, ouais. D'Euro 2016. Karim Gangbang Zema. Ouais. Soumi Len Farmer. Soumi Len Farmer. Mohamed Oli, ou Mohamed, ouais. Ali. Et on a eu Antoine Pisman, d'Antoine Griezmann. On a eu Lionel, cherche jeune fille sympa. Ouais. Célib 2, Robin Desbois. Donc, on appelle Lionel, cherche jeune fille sympa. C'est ça, Guillaume. J'ai l'impression que les pseudos marrants répondent moins quand même. Ouais, bah, c'est, je crois qu'ils font. C'est la blague est beau, quoi, tu vois. Ouais. Bon, on appelle celui que t'as eu. Lionel, ouais. Cherche jeune fille sympa. Ouais. Tu me fais bander à travers l'écran, faut que je te fasse goûter à ma bite. Voilà. Il est chaud, lui. Alors, on va l'appeler JM du Standard. Quand, ouais. Tu veux faire le numéro, normalement, c'est parti. Ouais. Voilà, j'y mets le téléphone, voilà. Et puis on y va. Je fais passer pour une femme mandarine, man. Allô? Oui. Lionel? Oui. Cherche jeune fille sympa? Bah oui. Comment ça va, c'est Mandarine? On a parlé sur le chat de Coco. Ouais, mais bon, moi je réponds aux appels privés, mais bon, ça là, va, belle bite. Space. Pourquoi? Bah parce que. Qu'est-ce qu'il y a de space, beau gosse? Beau gosse, je suis beau gosse, mais bon, tu es trave, toi. Bah pas du tout, pourquoi tu dis ça? C'est bien la première fois qu'on me dit ça. Ben c'est pas, moi je pose une question. Bah pas du tout. Ben non, mais bon, bon, moi je réponds, mais bon, je sais pas à qui j'ai en face. Donc j'ai répondu à un appel privé parce que moi je réponds toujours. Ben voilà, c'est tout. Non mais alors, déjà t'arrives et tu me respectes pas en me disant que je suis un putain de trave. Et en plus tu vas te permettre de me dire que ça y est, j'ai pas une voix de femme. Cousine. Ouais, qu'est-ce qui se passe, putain? On a le droit quand même d'être des belles femmes. On est des belles ladies, mec. Voilà, alors quel est le problème, Lionel? Ouais, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le droit d'avoir des grosses boules et d'être une belle femme. Ouais, en 2016, ça y est, on est pointé du doigt, comment ça se passe? On a nos ragnagna. Tous les mois, on se met un coup de couteau dans l'anus pour avoir nos règles. Je vois pas ce qu'il y a comme problème. Ah. Attends, t'as rappelé sur un autre, okay. J'ai une sonore. Attends, j'étais bien avec mes boules, putain. Merde. Allez, vas-y, refais-en un autre. Ouais. Alors, on est, comment il s'appelle l'autre, j'aime son art. Célib 2. Célib 2. Ouais. Alors, vas-y, c'est parti. Fais Célib 2. Ouais. Bon, faut que ça réponde sur Paris. 23h47, hein, toujours en direct. Allô? Allô? Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais. Ça va, ouais, ou quoi? Ouais, toi? Je te dérange pas? Non. T'as une jolie voix. Merci. Toi aussi. Merci beaucoup. T'es sur Dunkerque, là? Là, je suis arrivé, je suis à Valenciennes. T'es à Valenciennes? Ouais, je suis à Valenciennes dans le Nord, et toi? Moi, je suis sur Valenciennes aussi. Ah, c'est vrai? Bah ouais. Bah, c'est mon pseudo, tu sais, je cherche mur pervers. Hein? Tu vois sur Coco, hein, c'est toi, hein. Ouais, ouais, ouais, on s'est parlé tout à l'heure. C'est bien toi, c'est Célib 2. Ouais. C'est ça. Oh, t'as une, ouais, t'as ça. Une jolie voix, en vrai, c'est ouf. Merci. T'es dispo quand? Ouais, je sais pas, moi. T'es sur Valenciennes, t'habites sur Valenciennes? Ah ou... oui, je suis sur Valenciennes, moi, ouais, ouais. T'es où, de Valenciennes? Bah, je suis à 300 mètres, la Grande Poste. La Grande Poste, au centre-ville? Ouais, la Grande Poste du centre, tu sais, là. ouais. vers l'avenue Jean Jaurès. Avenue Jean Jaurès. Ouais, c'est l'avenue Jean Jaurès. Bah, tu vois l'avenue de la République ? Avenue de la République. La Grand Place, tu vois la Grand Place ? À la mairie ? La place d'Armes. La place, bah voilà, bah quand tu sais la place d'Armes, bah tu vois, tu prends la grande route. Quand t'es dos à au plus grand monument qui a sa place d'Armes, tu marches 300 mètres et sur la droite, tu es là. Sur la droite, vers le tribunal de commerce ? Bah exactement, juste en face du tribunal. Voilà. Un tout petit peu à droite et c'est à moi. D'accord. T'es chaud pour un plan baise ? Ouais, je sais pas, moi, t'es tenté, toi ? Bah, moi, je suis tenté. Si je t'appelle, c'est que je suis tenté. Si j'étais pas tenté, t'es tenté. Si j'étais pas tenté, t'es tenté. Bah, écoute, moi, ouais. Est-ce que tu peux baiser une fois, mais pas 15 ? Quoi ? Non, je dis, tu peux baiser une fois, mais pas 15. Ouais. À la limite, tu peux baiser deux fois, mais pas 15 non plus. Trois fois, tu peux baiser. Branlant un peu, mais pas 15. Bah écoute, sans capote, tu peux baiser 4 fois sans capote. Sans capote, c'était chaud. C'est la première fois que tu la vois, tu peux la baiser 4 fois sans capote, pas 15. Hein. Okay. 5 fois, tu peux la niquer à la limite. Si vraiment t'as de l'aphrodisiaque, du bois bandé, pas de capote, et que c'est la première fois, tu peux baiser, mais pas 15. T'as des gros seins, tu peux baiser 6 fois. 6 fois, si vraiment t'as une grosse poitrine, plus 90D, toi, tu peux baiser 6 fois, pas 15. T'as un cul de Nicki Minaj, à la limite, tu peux la baiser 7 fois. 7 fois, baiser cul de Nicki Minaj, ça t'y va, mais pas 15. T'as la bouche de Pamela Anderson, tu peux la baiser 8 fois. 8 fois, tu la baises la bouche, mais pas 15. Hein. Tu m'entends ? Ouais, je t'entends. Si je mets des talons de pute, tu peux me baiser 9 fois, mais pas 15. Tu penses que tu peux baiser plusieurs fois, toi ? T'es black ou t'es blanche ? Ah non, je suis blanche, mais enfin, tu sais, imagine, je suis métisse, tu peux me baiser 10 fois, mais pas 15. Je suis Alors moi, c'est bizarre si je suis la seule métisse qui est blanche à gauche et noire à droite, tu vois ? Mmh. On dirait un malabar bigou, mon vieux, mais... Tu vois, je suis bande de couleurs, j'ai pas été mélangé. Ma sœur, elle est magnifique, c'est une belle métisse. Moi, je suis raté. Pas pourquoi, les gènes, ils sont sortis chelous. J'ai un doigt blanc, un doigt noir, on dirait un piano. Mmh. T'es pas loin de la place d'Armes. Parce que tu peux me baiser 11 fois à la place d'Armes, mais pas 15. Tu vois, je mets du vernis à ongles. À la limite, avec du vernis à ongles, le cul de Nicki Minaj, la bouche de sa sœur, je peux la baiser 12 fois, mais pas 15. Il a raccroché là. Ouais. Attends, fais un autre mode plutôt là. J'ai besoin. Attends, t'en as encore un ou pas? Ouais, j'en ai encore d'autres. Vas-y. Alors, attends, tu sais quoi, on en rappelle? Ouais. On se refait un pervers et on parle de Q-crad. Alors, est-ce que vous êtes déjà tombé sur des gens qui voulaient du Q-crad? On se le fait juste après. J Balvin Ginza et on refait un dernier pervers qui est bien bon apparemment sur Energy. Ok. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, boom. Hacer un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no al que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En este disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En este disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Y yo hoy estoy aquí imaginando. Sexy baila y me deja con las ganas. Y yo hoy estoy aquí imaginándolo. Sexy baila y me deja con las ganas. Qué bien te queda a ti esa palita. Ella señora no es señorita. Sexy baila y me deja con las ganas. Cómo te luces cuando lo meneas. Cuánto quisiera hacerte el amor. Enséñame lo que sabes. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. One, two, three, let go. Shake up and man. Let go. Allez les gars, bonne nuit tout le monde. Bon courage. Si vous êtes à la maison là, sur Énergie, je vais laisser le disque mourir. Voilà, jusqu'au bout. Et si vous voulez venir avec nous, vous êtes à la maison 23h53. On va mettre maintenant un autre numéro dans le standard. J'ai du standard, il a trouvé un mec qui s'appelle Robin Desbois sur le chat de cul. C'est ça. Apparemment plus âgé. Attends, hey, Flo, des cadeaux. Ouais. Parce que moi, je me fais passer pour Mandarine. Je suis avec ma cousine. Oui, je suis là. Et je viens stagiaire. Ma cousine Bis. Coucou, cousine. J'aime le standard. Et toi, tu vas faire ma cousine Terre. D'accord, avec sans problème. Voilà. Il est horrible quand il le fait. Allez, tu le fais maintenant, ok? Oui, d'accord, y a pas de souci. T'es prête? Cousine Terre. Ah mais je suis plus que prête. Bah prépare-toi. Allez, pas de problème. On y va. C'est parti. On appelle Robin Desbois. 23h54. Allô, oui. Allô, Robin Desbois. Oui. Comment ça va? Ah, ça va très bien. Ça va, tranquille. C'est Mandarine, on a parlé, tu sais, sur le chat de Coco. Oui, ok, pas de soucis. T'as une belle voix en vrai. Bah j'espère, merci beaucoup. Tu vas voler aux pauvres pour donner aux riches, Robin Desbois. Exactement, c'est tout à fait ma spécificité. Ah, c'est vrai? Oui. Alors j'aimerais bien, mais malgré tout, ils sont trop protégés. J'aimerais bien rançonner tous nos députés, ministres, sénateurs et compagnie. Oh. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu baises une riche pour mettre enceinte une pauvre. Ah bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Oui, mais les riches, ça ne compte pas les rues non plus. Hein. J'ai envie de te sucer, là. Ah, c'est vrai? Ah bah oui, le fait qu'on ait parlé sur Coco, ça m'a excité grave. Ah bah d'accord, ok, bah pas de soucis alors. Ouais. Ah, on oui. pourrait se voir, ouais. Ah bah oui, on peut se voir quand tu veux. Ah oui? Bah oui, dis-moi. Dis-moi quand, toi? Bah moi, demain ça va, hein. Ah bah vas-y, on se voit quand tu veux alors. Pas de problème. Parce que le matin, en fait, pour l'instant, je dors chez ma cousine Terre. Ah d'accord. Attends, cousine Terre. Oui. Ah, cousine Terre. Oui. On se lève à quelle heure demain? Midi. 11h midi. Oh là là. 11h midi Ouais, à peu près. Ah, on se lève si tard? Ouais, parce qu'on se couche tard. Dis-lui voir qu'elle imite très mal, la voix d'une femme. Hein. Ah bah non, bah c'est pas qu'elle imite, c'est qu'elle a un accent, elle est andalouse. Oh, elle est andalouse, oh mon Dieu. L'enfant est andalouse. Ah oui, bien sûr. Bah attends, elle fait ce qu'elle peut, voilà. Et ça fait pas longtemps qu'elle est en France, elle apprend le français petit à petit. Ah bah oui, pas bien de se manquer. Ah, elle est bien bonne. Bah attends, t'as le droit quand même de, tu sais, d'avoir. C'est pas parce qu'elle a une voix différente que ça fait d'elle une femme différente. Ah non, mais je me pose surtout la question si c'est bien une femme. D'ailleurs, ma cousine, elle est... ta cousine, ce serait pas plutôt ton cousin? Ah non, même pas. Non, mais ça veut rien, tu me fais bien rire, là. Mais c'est parce que tu l'as pas encore vue, c'est pour ça que tu dis ça. Bah oui, non. Je demande que ça à la voir. Cousine Bis. Oui. Cousine Terre, pardon, j'en ai qu'une cousine Terre. Oui. Bah oui. Ma cousine, ma belle cousine andalouse. Oui. Elle a une bonne paire. Non, mais attends, dis-lui comment t'es physiquement. Ah, moi, je suis une belle brune et je parle peut-être mal, mais je suis bien. Ah, tu suces bien, bah c'est bien, c'est déjà bien. Il fait beaucoup de choses, c'est parce que tu l'as pas encore vu. Dis-lui comment tu aimes t'habiller. J'adore faire des mini-jupes avec les talons. Et j'ai fait les branlettes espagnoles. Bah... Ah, tu fais la branlette espagnole? Ah, que si, ça est de Madrid. Ah bon, parce que tu as des seins. Ah, des gros seins. Elle adore faire un bruit avec sa langue. Vous m'aurez bien fait rire pour ce soir. Hein. Attends, écoute bien, quand elle va te sucer, elle va faire ce bruit-là. Oh bah moi, le principal, le bruit, je m'en fous. Hein. Le bruit, je m'en fous du moment qu'elle suce bien. Ah bah, sucer, c'est sa spécialité. Est-ce pas spécialité? Bon, alors, Mandarino. Bah attends, moi c'est Mandarine, par contre. Autant, tu peux avoir des doutes sur ma cousine, c'est ton droit. Parce qu'elle a le droit d'être transsexuelle, ça fait pas d'elle une sous-femme. C'est vrai. Bah non, justement, si elle est transsexuelle, j'adore. Bah voilà, mais alors, rien à voir, mais moi je suis une vraie femme, ça s'entend quand même. Oui, mais bon. Je peux te dire que moi, je suis allé au concert de Céline Dion, c'est que je suis une vraie gonzesse. Ah bon, d'accord, mais c'est bien, c'est super. Cousine, toi, t'aimes bien Céline Dion, cousine Terre? J'adore Céline Dion, mais je préfère Penelope Cruz. Ah, et Jennifer Lopez. Eh oui. Eh oui, oui, non, mais tous les goûts sont dans la vie. Moi, j'aime les deux, moi, de toute façon. Alors, tu aimes quoi, dans le sens les deux? T'aimes bien Jennifer Lopez et Penelope Cruz? Ah, tous les deux. Qu'est-ce que t'as envie qu'on lui fasse? T'as envie qu'on te fasse, qu'on te suce à deux, beau gosse? Ah, bah ça, j'aimerais bien. Oh, beau gosse, tu sais, j'ai le poids des ans quand même, hein. Le poids, le quoi? J'ai le poids des ans, le poids des ans. Le poids même, des hein. ans, ouais. Oui, eh oui. Mais on pourrait, j'ai c'est pas grave, ans, ma cousine, elle aime bien le sablier qui passe. J'attends les vieilles couilles toutes ridées. Ouais, eh, tu sais que j'ai 62 ans quand même, hein. Ah, bah nous, on aime ça, les vieux. Ah bon, bah c'est bien alors. Moi, j'aime bien tout ce qui est espagnol. Cousine, attends, fais-lui écouter ton morceau, là. Ok. Elle a un morceau spécial, salope. Ah, c'est une petite salope. Elle en a une autre, c'est une petite musique de salope latine. Tout oh, moi je préfère quand même William. Ouais, c'est chacun son choix, on a chacun nos musiques de pute. Ah bah c'est normal, hein, chacun son truc, hein. Oh, t'as envie de lui sucer le cul, cousine? Ah bah oui, je vais le sucer le cou. Et le cou, le cou. Le cul, le cul, on dit le cul, on dit le cul. Oui, mais elle est espagnole, elle connaît pas bien. Tu veux pas lui apprendre 2-3 mots d'espagnol, cousine Terre? Ah, que si. Tu veux apprendre Robin des Bois? Bien sûr, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il va t'apprendre Chopas. Hein? Répète, Chopas. Chopas. Ah, répète. C'est quoi ça, Chopas? Ben, Chopas. Ben, choupa, ça veut dire sucer. Attends, je lui explique, ah, cousine. Un peu ah bon, ah bah c'est super, hein. Ça te dirait que ma cousine est de choupe? Oui, mais moi je préférerais du réel, tu comprends? Ah bah nous aussi, t'inquiète. Ah voilà, je préférerais du réel que du virtuel. Attends, il y a ma sœur qui a fait The Voice. Qu'est-ce qu'il y a, Mélodine? Je sucerai tous ceux qui ont voté pour moi. Attends, cousine, arrête, sœurette. J'aimerais tellement me ouais, faire fouiller par garou. Bien là. On peut pas dire ça à la radio. Oh, tu bon, écoutez les filles, hein. Écoutez quoi les filles, hein. Eh, tant pis si je me trompe, comme dirait l'autre. Hein. Attends, il y a ma sœur qui me parle. Il me faut du sperme pour guérir ma migraine. Oh, c'est pas très beau, ça, ma sœur. Ouais. Pardon, tu disais quoi, Robin des Bois, Sherwood, dans la forêt de Sherwood? Eh oui, dans la forêt de Sherwood. J'ai oui, envie de me sûr faire enculer à Sherwood, pas à Sheda. Non, c'est pas ça. À la forêt de Sherwood. Oui, bien sûr. Ah oh, bah tu sais, t'as pas besoin d'aller si loin pour ça, hein. Oh ouais, mais j'aimerais bien. Cousine, tu veux, cousine Terre, tu veux pas te faire Sodom à Sherwood, au parc de Sherwood? Ah non, moi je veux me faire Sodom à la Sagrada Familia. Ah non, mais là c'est à Barcelone, ça, ça fait un peu loin quand même. Bah juste en face de la... Ah oui, de Monimondo. Oh, eh oui, eh oui, eh oui. Bon, c'est comme que tu fais une branlette, là. Ouais. Bon, écoutez, les filles, hein, c'est pas tout ça, mais j'ai ma soupe sur le feu, hein. Bah, nous aussi, nous, on a notre main dans notre bite. Non, ah, non, bah, on a oui, notre bite dans notre main. Je m'inverse tout ce que je dis, là, dis donc. Bah, oui, hein. Oh. Bon, allez, bisous, bonne soirée à bah, vous, hein, bisous, bien. Bisous, garou. Tant pis, je vais écouter ma musique de pute, t'as tout gagné. Ciao, ah, bah, Robin des Bois. Ouais, salut, bah, cousine bah, Terre. Béfos. Eh, maison, toi, là. Bon, c'est quand même mieux ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité. On se fera Héraïs très fille après. Et d'abord, on se cale le nouveau Kongs. On se fait This Girl sur Énergie minuit 2. Bon anniversaire à tous les concernés le 8 juin. Putain, bon anniversaire. 8 juin déjà. Ouais, ouais. Et ben, un gros bisou à tous les habitants qui sont nés le 8 juin. Un gros bisou à tous. Hein. Amina, ça pourrait être marrant. Non, mais elle veut pas, Amina. Elle se sent pas à l'aise, Amina. Oui, voilà. Ouais. Elle est pas à l'aise avec son corps en ce moment. Bah, si. Elle s'assume pas. Elle dit, je m'assume plus. Bah, ouais. Si, je m'assume bien, moi. Je sais pas, j'ai jamais compris pourquoi elle m'a dit ça. Mais pourquoi? Mais quand je me regarde, je pleure et tout. Oh, mais c'est pas gentil. Ah, mais c'est toi qui m'as dit ça, Amina. Mais j'ai jamais d'avis, j'ai dit ça. Amina, sur l'échange, je l'ai pas loué. Ah, c'est ce qu'elle a fait sur les champs, ouais, c'est MHD, non, c'est le nouveau, c'est nouveau PNL. PNL, non, ouais, PNL, je crois. Je suis pas classé quand je m'entraîne à frapper comme ça, gâte. Rico, Rico, je débarque. Ratatata. SCH, pardon. SCH. Millions, mais chante toujours pas. La, la, la, la. Ils sont chiants à prendre des trucs en trois lettres. Ouais, ouais, PNL. Si, TLF. Joule. Ouais, mais Joule, encore, ça a un sens. PNL. Bah, ça veut dire quoi? C'est même pas PLS, quoi, tu vois. Ouais, ça aurait été drôle. Position latérale, c'est PNL, quoi. Refais les tuches au prochain pervers, j'ai explosé de rire. Ah, parce que tu peux reculer une femme, mais pas le cœur. Alors, on va parler de Sexocrate juste avant. Thomas, 21 ans de Noirmoutier, qui était la 2 minutes du 85. Salut. Salut Tom. Salut. Ça va Tom? Salut, salut. Ça va, ça va mon con? Déjà passé à la radio ou jamais t'es mon con? Non, jamais. Jamais, c'est le dépucelage aussi. Hein. Voilà. C'est le dépucelage massif ce soir. C'est un abattage de dépucelage. Ah, c'est bon ça. Vas-y, enchanté mon pote, merci d'appeler en tout cas. C'est plaisir. Ouais. Tu voulais venir délire avec nous? Tu voulais raconter un truc? Tu voulais faire un jeu? Tu voulais faire quoi? Ouais, c'était pour les histoires, les vies sociales par rapport au travail, aux passions, tout ça. Ouais, d'accord. Ouais, du coup, moi je suis cuisinier en fait. Et ouais. En saison, c'est compliqué, genre traîner avec les amis ou avoir la copine et tout. Ouais, t'as pas le temps quand t'es en saison, t'as pas le temps quoi. C'est normal. Ouais. Ouais. Et quand tu dis que t'es en saison, tu bosses dans des... Où ça, toi, c'est saison d'été, d'hiver, tu fais les deux? Ouais, je fais les deux, moi. Ah, tu fais les deux. Tu pars où en hiver, genre? Bah là, l'hiver prochain, normalement, je pars à la frontière suisse. À la fond. Ah ouais, d'accord. C'est bon, ça. Ah, c'est bien. Ouais. Ouais. À PNL, ça veut dire peace and love, d'accord, ok. Ah, tu pars à Courchevel, énorme, d'accord. Ouais. C'est beau, Courchevel, hein, il paraît. Il y a du monde là-bas. Courche. Ah, ça va être, c'est cher, non? Cher. Oui. Une des plus chères, je crois. Ah, ouais, je crois que c'est. Comme un truc fou, hein. Ouais, ça sent l'oseille. Ouais, ouais. Et trop cool, quoi. Et l'été, tu vas où? Là, je suis à côté de Noirmoutier, là, Fromentine. D'accord, ouais, tu restes à côté de chez toi. Dans l'ouest. Et tu gagnes bien à faire les saisons, ça va, c'est bien payé quand même. Ouais, ça va, ouais. En plus, il y a les heures sup et tout, donc ça va. Ouais. Ouais, t'es nourri, logé. Ouais, parce que genre, t'es. Ouais, ouais, c'est ça, t'es nourri, ah ouais. Logé, blanchi. Blanchi aussi, ouais. Ils te font tout. Le pourboire. Ouais. Ouais. Et ouais, par contre, tu bosses 7/7, non? De quoi? Ouais, tu bosses 7/7 la plupart du temps. Ouais, bah on a une journée de repos. Quoi. Ah non, une journée ouais, de repos, ouais. Ouais. Sauf quand c'est vraiment les vacances scolaires, je crois que là tu peux aller. Bah, enfant, du 15 juillet au 15 août, moi voilà, les mecs, okay, j'ai fait de la saison dans le sud, c'est tous les jours, hein, les restaurants ils sont ouverts tous les jours. Ah, bah normal, c'est un mois. Y a pas de... Non, c'est un mois et demi, mais bon, c'est 6 semaines. Ouais, c'est ça, ouais. On va dire que c'est du 7-8 juillet au, ouais, au 20 août. Tu te prives un peu pour t'as 6 ouais, semaines et pendant ces 6 semaines là, t'as pas le choix. Par contre, tu gagnes 1005, 1006. Ouais, c'est bien. Voilà, pour travailler 7 jours. J'ai fait tu l'as fait, toi, les saisons. Ouais, moi j'ai fait les saisons, mais j'avais 2 jours de repos. Non, un seul, le dimanche. Ah, c'est vrai, ouais. Le dimanche, ouais. Le dimanche. Et toi, tu gagnais combien, Thomas, quand tu fais les saisons, tu gagnes combien en général? Bah, l'été en général, je suis à 2005, 2008. 2005 net? Ouais. Ah ouais, putain, c'est beaucoup. Ah ouais, ah, c'est bien. Et là, tu comptes les pourboires et tout ça ou pas du tout? Non, sans les pourboires, juste avec les heures sup. Ah ouais? Oh, ah ouais, putain. Et tu fais du 6 ou 7 jours sur 7. Et combien d'heures, ouais, par jour, général, genre, environ? Bah, par jour, je fais. Bah, par semaine, déjà, je suis à 72 heures. Ouais, c'est 14 heures par jour. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, donc c'est. Ouais, 35 heures. Journée. C'est des gros boulots. C'est comme si t'arrives à midi, tu repartais à 2 heures tous les jours. Ouais, c'est ça. Ouais. 6 jours sur 7. Ouais, si, si, c'est quand même beaucoup. Ouais. Si. Putain, et ben. Et là, t'es pas fatigué de faire ça? Non, c'est la passion, c'est. C'est comme ça. Hein. Non, bah, c'est bien, gros. Non, mais attends. Bah, profite, je vois, mais par contre. Mais il paraît que ça nique beaucoup les saisonniers. Ouais, de ouf. Entre eux. Que c'est des cutards de ouf. C'est vrai ou pas, Thomas? Ouais, bah, surtout dans les soirées saisonnières, tout ça, ça va. Ah, c'est vrai. Oh, donc, si t'as une meuf à côté, c'est chaud. Ouais, ça s'envoie en l'air. Jim Sandard. J'ai un de mes meilleurs potes qui l'a fait. Ouais. C'est cuistot, pareil. Ouais. Il laisse tomber. Toutes les soirées, en fait. Ça nique tout le temps? Tout le temps. Amina du Sandard va devenir saisonnière. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Et bah, arrêtez de faire les saisons. Et en plus, vu que les gens, par exemple, dans les stations de ski viennent une semaine, il y a des arrivages toute la semaine, c'est ce qu'il m'avait dit. Ah ouais, oh là là. C'est comme les clubs. Mais non, mais c'est pas du détail, mais c'est voilà, c'est les clubs. Non, mais si, c'est des arrivages de touristes. Voilà, c'est comme dans les bondés. C'est des arrivées. C'est le samedi, non? Voilà, c'est ça. C'est du samedi au samedi. Il faut sortir le samedi soir pour se faire un peu connaître. Le dimanche à midi, voilà, elle te revoit au restaurant d'altitude. Si ouais, tu ouais, ouais. Et après, voilà, tu peux aller boire des coups le dimanche soir. Et après. Ah, il y a la mécanique et tout. Ah ouais, ils sont relais. Non, mais c'est vrai que c'est comme ça en plus. C'est ça. Je reconnais un comme peu. Comme les animateurs. Ah, pourquoi tu regrettes, tu dis, je me sens bah, c'est de mes regrets de ne pas l'avoir fait en fait. Je quoi, au saisonnier, ouais. Pour niquer le truc, j'aurais kiffé partir une saison au ski. Non, toi, tu voulais juste niquer. Ah, non, c'était vraiment le délire en fait, même de se coucher un peu tard, de faire la fête, d'arriver au travail. Tu peux le faire ici. Non, mais en bah saison, oui, tu quoi. Peux sortir. Au ski, non, mais au ski, tu vois. Ouais. Le jour où t'es off, tu vas skier, tu vas passer du bon temps. Et bah, il faut mieux être en vacances et skier une semaine avec tes potes. Ouais, mais là, tu passes 2-3 mois. Et soir aussi. Ouais, mais tu passes 3-4 mois en plus. Ah oui, non, c'est cool, quoi, tu vois. Franchement, tu dis ça comme ça, j'aime son art, mais ceux qui le font, je pense fort à vous d'ailleurs, les saisonniers et tout, c'est pas facile. Ah non, j'ai pas dit. Pendant 3-4 mois en altitude, à la fin, t'en as ras le cul. Mais grave, c'est rude, évidemment. Toi, tu dis ça parce que c'est beau, c'est tout rose. Ah non, je sais que c'est dur. 15 jours au maximum, 3-4 mois. Tu vas manger de la fondue. Et en plus, tu redescends pas quand tu veux. Ah bah voilà. Là tu passes 4-5 mois. Donc, t'as les lèvres gercées, il y en a qui se prennent des coups de jus tous les jours. Ouais. T'as la grippe. Même pour le corps, c'est dur. Ouais, je pense. Physiquement, c'est compliqué. Attends. Et toi, Thomas, t'as niqué sévère ou pas? Bah, ça va, il y a des serveuses. Ça va. Ah bah oui. Ouais, c'est vrai. Oh là là. Ouais, t'as raison. Ouais. Oh, c'est CH, JM du Standard sur l'échange, je l'ai pas loué. Je sais, je me suis excusé, les gars. Ah, JM du Standard qui a fait une énorme erreur. Ouais, ça arrive. Au bûcher. Gravissime. Ouais. Et Amina du Standard, déjà fait saisonnière? Non, jamais, mais ça doit être marrant. Pas pour ces raisons-là, mais pour d'autres raisons. Ça doit être cool. Ouais, pour quelle raison? Bah, je sais pas, je trouve ça marrant. C'est un peu la colo, t'habites avec les gens. Et ouais, tout, c'est un peu une aventure humaine, je trouve. Ouais. C'est un peu une télé-réalité sans les caméras, quoi. Ouais, c'est un peu. Ouais, c'est mignon, quoi. Voilà. Ouais. Tu t'aurais aimé faire de la télé-réalité, non, pas du tout. Ouais, elle est un peu attirée par la télé-réalité. Absolument pas. Elle m'a dit, mon modèle dans la vie, c'est Nabila. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai. Tu m'as pas dit ça. Elle va être pire. Non! C'est Kim Kardashian. Tu m'as dit mon modèle c'est Nabila sans le couteau. Et j'ai dit d'accord, là ça va. Tu m'as dit c'est un mélange physiquement entre Loana et Nabila. Les cheveux de Loana. Les roses. Et le couteau de Nabila, pas, voilà, non. C'était vraiment ton modèle. Non merci, c'est gentil. Et, non mais c'est pas grave. Chacun son chemin. Non, t'aurais aimé faire la télé-réalité, Amina du Standard, sans blague, une fois. Non, sans blague, j'aurais même fait pas longtemps. Hein. Non, sans déconner, jamais de la vie. Non. Et est-ce que si t'avais deux vies et tu pouvais revenir en arrière une vie pareille, t'essayerais de juste pour voir ce que ça fait, quoi. Non, en vrai, si j'avais deux vies, j'aurais fait chanteuse. Ah ouais. Je sais pas chanter et je me serais démerdée pour réussir. Ah ouais, t'aurais aimé. Ouais. Ouais. Flo des cadeaux, déjà fait de la saison, saisonnier que toi qui habites à Nantes, Flo des cadeaux d'énergie. Non, jamais. Le truc que j'ai fait l'été, moi, c'est bosser dans les parcs paysagers. Ah ouais, d'accord, ouais. Donc okay. Rien à voir avec les saisons. Chez toi. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Je te pose pas la question. Non, jamais fait. Jamais. Je voulais faire animateur au Club Med, ouais. Mais j'ai pas fait. Je te dis, il a envie de faire plein de choses, mais il a jamais rien fait. Ah ouais, non, c'est vrai. Non, mais malheureusement. Chaque fois, il dit, j'aurais aimé. Ah ouais. J'ai l'envie, je fais le dossier. Moi, j'habite à côté de Courchevel et Mirabel et j'y travaille toute l'année. Et là, j'y suis même à l'heure qu'il est où je vous écris. Salut Julien. Ah bah, salut, bisous, bisous. Je suis chef de cuisine, appelle-moi. Salut Julien, c'est un autre Julien qui a écrit. Ah, bisous. Que des Julien. Salut les mecs. On se raconte un petit peu. Je me vengerai du canular d'IA d'une façon ou d'une autre. Vous ne verrez pas comment ni comment. Ça fait peur. Non, mais ça sent la vengeance. Ah. Salut. Ah non, mais moi j'ai envie de dire piégez-moi, hein, les gars. Enfin, bah, attention en ce moment. Ah, non, piéger, attends, ça veut dire quoi? Non, non, c'est clair. Non, non. Arrivé cagoulé. Non, non, non. Mais justement, je préviens. Le geste est géré. Non, parce que les gens sont idées. Mais lui, c'est vraiment raisonnable. C'est le mec, c'est le diable dans un corps de chauve. Un corps de chauve. C'est vrai, en plus. N'importe quoi. C'est le diable dans un corps de chauve. Je suis pas chauve déjà. Le mot chauve, j'aime pas. Il se nourrit du malheur des autres, il lui balance des bonnes idées quand il pourrait. Pas du tout. Sur quel site il faut aller pour écouter Extra Dance après? Bah, tu restes sur la radio, gros. Bah, énergie. Ouais, c'est le week-end, Extra Dance. C'est week-end. Ouais. Il gagne combien en pourboire, à peu près, le mec? Combien tu gagnes en pourboire, Thomas? Par SMS, ça arrive. Bah, ça varie des semaines, mais en général, c'est entre, je sais pas, 30-40 euros. Ouais, ouais, 30-40 euros par semaine? Ouais. Oh, c'est ouais. Pas énorme. Hein. C'est pas énorme. Ouais, mais c'est parce que t'es en cuisine. Ouais. Toi, t'es cuisine. Ouais, les serveurs, ils font plus. Hein. Et non, mais en général, il y a des pots communs et après, ouais, ils partagent. Il y a ça aussi, ouais. Ça, c'est plus sympa, je trouve. Ouais. Ouais. Après, quand t'es serveur, t'as pas envie de partager avec la cuisine. Ouais, mais bon, on est venu pour boire aussi. Ouais, en vrai, c'est ça, j'imagine, les mecs. Alors, les cuisiniers, ils te font pas à manger, c'est ça. Ouais, bah, bien sûr, c'est un truc. Après, tu les sers pas, les clients. Après, je pense qu'il y a des serveurs qui se les mettent dans la poche discrétos. Il y en a plein. Même des patrons, ils parlent. Alors que. Ah, les patrons, ouais. Est-ce que vous avez déjà volé? Moi, je me suis déjà posé la question, j'avoue. En étant dans un. Comment ça s'appelle? Au restaurant. Parfois, la table d'à côté, moi, l'autre jour, le mec, il a laissé 15 euros de pourboire. Ah ouais? Attention, c'était une table de 10. Ouais. Une énorme table. Et ils ont laissé 15 euros. Et j'étais avec des potes et tout. Ils ont dit, ah oh, putain, venez, on prend et tout. J'ai dit, mais casse-toi. Non. Et bon, on n'a pas pris, mais ils se sont posé la question. J'ai essayé, est-ce que t'as déjà volé des pourboires de serveurs? Voilà. Bah, je vais dire la vérité. Ouais, vas-y. Oui, oui. C'est vrai, ouais. En fait, c'est avec un pote à moi. On a fait tout maintenant, tu m'abandonnes. Pour avoir fait quelques soirées avec lui, il n'en lâche jamais des pourboires. Oui, c'est vrai. C'est non, mais on est honnête. Ah, c'est vrai, oui. Non, mais je lâche pas. Il est radin, je sais. Oui, bah, radin, ce que tu. Oui, oui, oui. Et après, vu qu'il a jamais bossé en tant que serveur. Ah, bah, peut-être. Il ne peut pas savoir que ça fait plaisir en fait. Mais il n'a jamais bossé tout court. Vas-y, d'ailleurs. Attends, et ça, t'as pris combien? Quand? Il y avait un billet de 5. En fait, c'est un pote à moi qui m'a chauffé. Et après, je lui ai pas dit non, donc je suis allé avec lui. Le service était pourri. Le mec, c'est un enculé. Enfin, il n'était pas gentil avec nous. Il nous a un peu mal parlé. Il a servi le truc, c'était pas bon. Donc l'un dans l'autre, il m'a chauffé, mon pote, j'y suis allé. Voilà. Et t'as pris ça où? Dans une crêperie. Il y a très très longtemps, c'était avant que je commence à énergie. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, c'était à Paris, mais oui, c'était pas. Ah ouais. Et t'as volé 5 euros de la table à côté. Il y avait un billet de 5, c'est mon pote qui l'a pris, mais je vais pas. Voilà. Ouais. J'étais, Le diable dans un corps de chauve, j'ai éclaté. Non. Ah ouais, t'as volé 5 euros. J'ai déjà volé. Non, insupportable, ça se fait pas. Ouais. Moi, j'ai bossé en plus en tant que livreur de pizza et tout, les pourboires, c'est important en tant que serveur aussi. Donc moi, j'essaie d'en lâcher tout le temps. Ouais. Et le voler, non, c'est pas bien, ça se fait pas. Ouais, non, Mina, j'en ai jamais volé un pourboire. En vrai, jusqu'à mes 10 ans, je le faisais quand j'allais au resto avec ma mère, en fait. J'attendais qu'elle pose. Et comme je passais derrière elle, en fait, je prenais les pièces qu'elle avait posées. Ah ouais, ah, tu m'as laissé pas. Ah, tu volais ta mère, quoi. Ouais, je me faisais une tirelire avec Flo, ça. Des cadeaux. Non, jamais. C'est, jamais, ouais. C'est hyper immoral. Une fois, j'ai volé. C'est hyper immoral. J'imagine te faire, piquer de ton pourboire. Une fois, j'ai volé 10 euros de pourboire, Guillaume. Ouais, c'est vraiment une putain, ce Julien stagiaire. Non, c'est avec, ah ouais, le senior serveur. Oui, excuse-moi, le serveur, mais voilà. Je l'ai fait une fois, je l'ai pas dit, je l'ai fait deux fois. Le serveur avec, tu vois, Camé. Mais Julien stagiaire, le pire truc qu'il ait dit quand même à la radio, je pense, c'est qu'il a volé une écharpe à un enfant. Ouais. C'est ça, vraiment, c'est très méchant. Une écharpe du PSG. En plus, elle était pas belle. C'était un soir, il l'avait perdu. Ouais. Sort de match. Le patron a été un connard, j'ai réservé un plateau. J'ai pas compris. Jeu d'usé, tourné, hein, du patron. J'ai pas compris. Attends, il manque des mots, gros. Ouais. J'ai pas compris, je suis désolé, poteau. Julien Stagiaire, c'est Chétan le diable. Non. T'oublies pas de mettre le replay du canard. Ouais, on va le faire demain, gros, sur YouTube. Je vais le mettre sur ma chaîne YouTube, hein, Guillaume Play, PLEY, pour vous abonner. Voler 15 euros sur la table du restaurant, le serveur m'a coursé. Je l'ai gazé, j'ai pris son iPhone. Non, mais pas arrêter, là. Ça s'appelle une agression, ça. Ah oui. Sophie qui est là, c'est pas son vrai prénom. 20 ans de Guingamp, du 22. Salut Sophie. Ouais, salut. Salut Sophie. Salut. Hola, que tal? Y estoy avec mon frère, Hermosa. Hola, yo soy Hermosa. Mais t'as une voix, Flo des cadeaux, toi. Il va de moustachu espagnol. Ah, c'est vrai. Sergio Garcia. Qu'est-ce qui t'arrive, Sophie? Toi, tu fais quoi? Ah non, je te pose aucune question, pardon. Alors vas-y, raconte. C'est marqué incognito. Moi, du coup, pas grave. Mais moi, du coup, j'étais en première année de médecine, parce que là, maintenant, je suis en vacances. D'accord. Mais du coup, aucune vie sociale, quoi. C'est le néant total, on va dire. Ah, c'est vrai. Et en plus, ouais. Et en plus, comme j'ai doublé, du coup, ben, j'ai passé deux grosses bonnes années de merde. On va dire ça comme ça. Oui. Et ben, je voyais pas mes potes. Ils me textotaient des fois. Ouais, on a une soirée ce week-end. Ben, j'allais pas parce que j'étais clouée à mon bureau en train de réviser. Aucune vie amoureuse non plus. Donc voilà quoi, néant total. Ah putain, c'est ouf ça. Et tu l'as eu, t'as rien de médecine ou pas? Bah là du coup j'attends les résultats. Normalement ça devrait le faire. Et c'est pour donc, faire médecin quoi? T'aimerais faire généraliste ou après une spécialité? Alors là j'en sais rien du tout. Je veux passer la deuxième année et après on verra. Putain c'est dingue. Ouais. Putain, c'est dingue. Moi je suis allé la semaine dernière chez un gastro-entérologue. J'avais des mal au ventre à cause du stress et tout. Il fallait qu'il me donne un cachet pour me faire me détendre en fait. C'est parce qu'après tu peux faire des ulcères et tout quand t'es stressé. À l'intérieur. Et en fait ça me faisait des maux à l'estomac. Ça arrive à plein de gens. Alors des petites ou alors après manger quand je buvais un peu d'eau, ça me faisait vraiment très mal. Genre, parce que moi je bois beaucoup d'eau à table aussi, je bois 2-3 grands verres à chaque repas et tout, et j'avais des douleurs dans le truc. Et la meuf, je lui ai posé la question combien de temps elle avait fait d'études. Elle avait 34 ans, elle venait de commencer. Gastro-entérologue. 13 ans d'études. En fait, gastro-entérologue, maintenant c'est proctologue, c'est les mêmes. Ouais. J'en avais parlé à Sunet et j'avais rendez-vous 2 jours après. C'est drôle ça. Et bon, c'est drôle, non, c'est pas ça. Non, en fait, elle m'a donné un cachet. Comment elle t'auscute? Et en fait, elle te fait une échographie. Ouais. Un scanner. En fait, maintenant il y a moins de doigts dans le cul qu'avant. Ah. Et soit ils te mettent une sonde dans le cul si vraiment c'est vraiment pour voir loin. Sinon, tu peux faire aussi mammographie, c'est-à-dire qu'ils te mettent une sorte de. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est pour les femmes enceintes aussi. Ouais. Mammographie, ils te mettent sur le ventre une sorte de petit appareil et en fait, ils voient à l'intérieur s'il y a des boules. Avec du gel là et elle passe. Avec du gel et même à la main en fait, et tâte. Et après, moi, c'était pas dans le cul, c'était plus en bas du ventre. D'accord. Enfin, plus en bas de l'estomac, on va dire, entre avant les intestins. Et c'est marrant, elle me dit là, il y a votre côlon, il y a votre intestin grêle, là, il y a votre machin. Elle me faisait tâter quoi. Non, à la main. Elle prenait mon doigt. Heureusement qu'elle connaît. Elle me dit détendez-vous, donc faut pas que. Tu vois, par exemple, mettez-vous un peu sur le dos en arrière. Bon, ça marchera pas si vous êtes sur une chaise. Pas trop slasher. Il faut arriver à détendre son ventre. Et là, quand on est en arrière, il y a les abdos qui travaillent. Ouais, ça marche pas en fait. En fait, il faut arriver. Moi, je parle, donc dès que je parle, ça se retend. Ouais. Et normalement, vous sentez votre côlon, il est gros. Et en fait, il y en a qui évacuent pas la merde. Alors je savais pas. C'est-à-dire que tu peux avoir du ventre. Et Julien Stagiaire, c'est typiquement le mec qui est plein de merde. Quoi? Et je te jure. Et ben non. Elle m'a montré. Attends, Julien Stagiaire. Toi, t'as du ventre en bas. Voilà, t'as une boule là. Ouais, un peu, ouais. Et ben c'est une boule de merde. Pardon. C'est vrai qu'il a une boule. Mais attends, mais regarde, typiquement. Et ben elle m'a appris ça. La boule de merde, elle est là. Elle m'a appris ça. En fait, Julien Stagiaire, il a pas de ventre. Mais en bas, ça fait une petite bosse. Et c'est une boule de merde. Mais en fait, alors attends, jamais. Non, c'est pas ça, n'a rien à voir. Merde. En fait, j'ai appris que voilà, le fait de pas chier souvent, non, c'est une blague. Ou de chier fort, de forcer vite quand t'as pas de temps, ouais. Et ben tu te fais un noyau de merde dans le ventre. Ah, merde. Et en fait, après, tu vas garder les noyaux et ça va évacuer quand même. Hein, tu vas continuer de chier, mais il y a de la merde qui reste dans tes intestins longtemps. Et en fait, toi, j'ai stagiaire, ça se voit, t'es plein de merde. Je te jure, ça se voit à ton ventre. J'ai stagiaire, regarde, il est plein de merde. Regarde, ça se voit. Ouais, c'est rond. Il est plein de merde. Ouais, le mec, il est rempli de caca. Ah, c'est sûr. Je rigole, c'est nerveux. Non, attends, et tu prends un cachet et tu vas le perdre en une journée. Je te jure. Mais je vais chier des trucs. C'est fou. Non, bah, tu vas chier de la merde ancienne, quoi. Ouais. Genre, j'ai stagiaire, il est bourré de merde. Vous bougez pas, on parle de sexe hard et de sexe crade juste après sur Énergie. Venez à Paris, assistez au grand show d'ouverture de l'Euro au Champ de Mars le 9 juin avec Énergie. Sur scène, en direct sur Énergie et TF1. Dès que vous entendez le double hit Énergie, David Guetta, appelez Énergie 3937 et gagnez vos invitations pour assister à ce show énorme au pied de la Tour Eiffel. Ah, trop bien. Énergie, numéro 1 sur les pop, R&B, dance. Énergie Hit Music Only avec le Festival de Carcassonne. Du 4 juillet au 1er août à Carcassonne, retrouvez Louane, Maître Games, Lefa, Nekfeu, LJ, Indochine et bien d'autres. Attention, événement, le 17 juillet, concert exceptionnel de Pharrell Williams. Info et réservation, énergie.fr et festivaldecarcassonne.fr. Le Festival de Carcassonne, un événement Énergie. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be c'est à la maison. C'est Guillaume Radio 2.0. Et d'ailleurs, si vous voulez commenter l'émission sur Twitter, c'est hashtag Guillaume Radio hein, pour ceux qui veulent venir. Je suis en direct là-dessus. On suit les messages, on fait de la radio ensemble, les mecs, donc il n'y a pas de problème hein, toute la soirée. On n'a qu'à lancer le hashtag Julien Stagiaire plein de merde. Non, non, mais c'est vrai. Non, attends. Je savais ça, Flo des cadeaux ou pas? Non, non, je savais pas tu du tout. Rester un petit peu. Voilà. Et je prends des sachets qui sont absolument atroces là pour enlever les douleurs. Parce qu'en fait, elle m'a expliqué. Ah, mais mal. Je suis allé chez un médecin qui s'appelle le gastro-entérologue, qui est aussi le proctologue. En fait, il fait toute la partie basse du ventre. Mais en fait, chez l'homme, il y a beaucoup de maladies. Hein. Il y a beaucoup de cancers, malheureusement, du côlon, prostate, la prostate, ouais. Des intestins, tout ça. Et c'est des cancers toujours très graves. Donc c'est vachement bien de se faire contrôler. Même quand t'es. Faut pas croire que. Oh là là. Ouais, t'as 20 ou 30 ans. Et voilà. Donc dès que vous avez des douleurs au ventre, il faut y aller là. Faut pas hésiter. Et en fait, elle m'a expliqué qu'il y avait l'acidité du ventre. Genre tu vas avoir une acidité dans l'estomac, tu vas avoir trop de gaz et du coup tu auras le ventre qui va bomber un peu alors qu'en fait t'as pas trop de graisse, c'est juste que c'est gonflé. Après tu vas pas avoir assez d'acidité donc ça va mal couler et ta merde elle va rester coincée dans tes intestins et tu vas faire caca un peu lit. Non mais attends, je suis sûr j'ai un truc comme ça. Je te jure hein, putain, ouais. En une semaine de cachet moi je suis nickel, j'ai perdu. Il faut aller là-bas. Je te jure c'est un truc de fou quoi. Faut aller se mettre à nu. Par contre faut aller se mettre à nu quoi. À quatre pattes. Faut accepter d'aller à quatre pattes. C'est une femme en plus. Faut accepter soit de se prendre un petit doigt dans le cul. Soit de se faire une petite échographie du ventre en fonction des douleurs, de la douleur que t'as quoi. Ah ça me fait mais, peur merde. Mais en fait elle contrôle ta prostate etc. Mais c'est tellement grave, il y a tellement de cas de cancer, de trucs, de merde pour les hommes de cette partie là Ah je flippe ça y est. Que moi je préfère me prendre un doigt dans le cul et vérifier que j'ai pas de cancer ou quoi. Bah oui. D'ailleurs à partir de 40 et quelques années, les hommes il faut qu'ils y aillent tous les 2-3 ans. Ouais, je crois, ouais. Faire contrôler. Et plus ça va, et les hommes de 70 ans, c'est tous les ans. Et demandez à vos grands-pères et tout, les mammographies pour les seins, pour pas avoir un cancer du sein chez les femmes, c'est plus c'est âgé, plus c'est récurrent. En fait, on est fragile hein, les humains. Et ah non mais bien sûr. Ah oui, c'est chaud. Et puis il faut mieux se faire contrôler et puis soigner un truc si ça commence. Parce que parfois c'est des petites boules qui commencent comme une sorte de kyste ou quoi qui se transforme après. Donc c'est bien d'aller. Se faire visiter. Non mais bien sûr, Aminosa, t'as déjà fait des mammographies. Oui, oui, moins souvent que les femmes de 40 ans, tout ça, mais genre une fois tous les 5 ans, quoi. Bien sûr, mais c'est important. Hein. Pour voir, Julien Stagiaire, t'as déjà fait un petit peu de mammographie. Non, bah non, je suis un garçon. Ça peut être. Oui, on a des mamelons, les garçons. Et non, mais pas de sein. Si, on a des seins. Mammographie du bide. Oui. Ah bah non, mais apparemment, faut en faire une, donc là, j'ai. Et non, mais c'est parce que Julien Stagiaire a vraiment une boule de caca, ça se voit. Non, mais. Non, sincèrement, mais alors, c'est typiquement ce qu'elle m'a dit. Hein. Bah, je me touche le ventre. Il a un ventre plat, et en bas, il a une énorme boule au-dessus de la bide, mais genre, il est rempli de caca. Ah. Non, et ça se voit en plus, Julien. Mais peut-être parce que je vais pas assez souvent Julien Stagiaire qui se retient, et toi, t'avais dit que t'avais déjà retenu 12 jours. Ah, mais c'est pas des mythos. Peut-être j'aurais pas. Le ventre d'Amina, lui, est rempli de merguez. Bah, c'est charmant, ça. Et son cul de sperme. Ah oui, évidemment, un poète. C'est dangereux. À Ninouche, faut aller à quatre pattes chez ton médecin, Mathieu, 32 ans. Alors, Mathieu, 32 ans, du 59, est de plus en plus sale. Oui, salut, oui. Mathieu. Je t'embrasse. Amina, elle sent le pâté. Oui, bah oui. Le moment où t'allumes ta radio et que ça parle de boules de caca dans Julien Stagiaire. Ah ouais, on est désolé. Salut, les mecs. Julien Stagiaire, le sac à merde. Ah non. Pourquoi je suis pas étonné? Romain, 23 ans de Pondin. Ah, salut, Romain. Fais attention, Romain, toi aussi. C'est Sophie, c'est la coupe, alors on va t'appeler. C'est mon anniversaire aujourd'hui, tu pourrais mettre J Peligro sauce SOS. Salut, je le note. Après les noyaux de pêche et noyaux de merde. Ah non, mais bien sûr, est-ce que ça t'a fait dégonfler le ventre? Moi j'ai le ventre souvent gonflé, Quentin. Ah ouais, mais bien sûr. Non, mais moi j'ai du bide en fait. Non, mais ça c'est pas, que tu manges. Pas de graisse, c'est-à-dire qu'il faut que je pince pour aller chercher un peu de graisse. J'ai pas du ventre, j'ai pas le ventre gras, j'ai le ventre gonflé. Ouais, c'est du gaz. Mais quasiment, moi aussi, quasiment tous les hommes, on a rarement un pH parfait, une acidité parfaite dans le ventre. Et donc on a toujours un peu de gaz dedans, trop gonflé ou pas gonflé. Et en fait, en quelques sachets, quelques suppos dans le cul. Proctologue, attends. Non mais en vrai, c'est pas agréable. Ouais. Mais en fait, putain, mais quand tu te sens tellement mieux, tu sais, qu'est-ce qu'il y a, Flo, des cadeaux? Non mais je suis en train de m'imaginer que tout le monde se touche le bide là en ce moment là. Et ah bah oui pour voir. Et c'est ce qui m'a fait, ce qui m'a fait, moi j'étais sur le dos. Ouais. Et en fait, je mettais ma main. Et non, et elle mettait sa main, pardon. Ouais. J'étais sur le dos et faisait des pichenettes avec son index sur ses doigts et me disait, regardez, là vous avez du gaz. Là vous avez. Ah, je peux pas le faire sentir. Ouais. Attends. Ah. Voilà, elle me dit, là il y a du gaz. Est-ce que ça sent creux ou pas quoi? Ah, mais moi j'arrive pas. Et là, il me dit, là il y en a pas, là c'est les côtes. Et en fait, il arrive à entendre les endroits où il y a du gaz. Donc il dit, là vous avez du gaz trop bas, c'est-à-dire qu'il y a un pH trop haut. Là les intestins ils travaillent pas assez, donc il y a pas assez de gaz. Et c'est elle, bon, après elle a fait 13 ans d'études. Ouais, elle est calée. Moi je t'explique ça, j'y vais parler 20 secondes. Donc, salut Guillaume, moi aussi j'ai le ventre souvent gonflé. Putain, je vais chez. Ah ouais. Non mais après ça coûte rien d'aller chez médecin, c'est remboursé. On a la chance d'être en France. Il y en a plein des proctologues. En Belgique et en Suisse, quand même. Bien sûr, il y en a plein. Ah, tu regardes déjà, j'ai un stagiaire. Là, chez moi, il y en a. Il y a que des hommes, putain, ça fait chier. J'ai un stagiaire, ça sent pas à la bouche, sa merde et tout. Non, non, mais après. Homme ou femme, c'est quoi le mieux du coup? Parce que. Bah, moi, je suis chez une femme. Parce que là, il y a que des hommes vers chez moi. Je suis chez une femme. Ah, non. Attends, pourquoi? Parce que moi, j'avais des douleurs au ventre et tout. J'étais un peu stressé en ce moment avec. On sait pas où on est, on sait pas dans 3 semaines où on va travailler, nous encore. C'est normal que je sois stressé. Et donc, j'ai cherché des médecins, j'ai appelé des médecins, des gastro-entérologues, ouais. Mais maintenant ça s'appelle comme ça, même les proctologues. Hématologues. Attends, les mecs, 6 semaines, ouais, semaines avant le rendez-vous. T'as eu la chance d'avoir 2 jours. Septembre. Ouais. Attends, j'ai fait gros. Moi, je dis que c'est grave. Hein. Et de quoi, je sais rien. Si j'appelle avec ces 6 semaines d'attente, je dis que c'est grave. Hein. Ah ouais. Mais les spécialistes, ils s'en mettent les couilles. Ça, hein. Non, mais ils s'en mettent les couilles. Même moi aussi. C'est de la merde sur de ma bouche, un truc. Et en fait, vous savez ce qu'il faut faire? En fait, il faut aller sur une application. Il y a des applications genre Doctolib et tout. Ouais. Et c'est énorme. Et en fait, ça te dit le prochain rendez-vous, les médecins où ils ont de la place et tout ça. Donc tu mets ton adresse. Et ça, ça me trouve les médecins. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà, je suis là pour vous, les gars. Et là, j'ai vu qu'il y avait un rendez-vous qui s'est libéré. Et on va aller chez le même médecin. Parce que là, c'est des plannings en direct. Il y a marqué rendez-vous libre jeudi 16h, mercredi 1h. Et tu vois, dès qu'il y a un rendez-vous qui se libère, bah hop, tu cliques sur le truc. Tu envoies avec ton mail et t'as même pas à appeler. Et ça se fait tout seul. C'est fort. Voilà, tu mets ton... et donc du coup ça te réserve le truc. Et moi c'est comme ça que j'ai eu mon rendez-vous. Ah j'ai peur là. Et par contre j'ai des sachets à la banane qui sont dégueulasses à boire. Ah, ouais. Bon, et c'est un sachet. Moi j'ai un sachet par jour. Mais en fait t'évacues le truc voilà. Après. Et en fait ça me régule mon pH dans le ventre et tout. Le pH. Ça y est. Ah mais ça n'a plus rien à voir. Non, c'est dingue. Déjà, t'as plus le cul qui gratte. Il faut savoir que tous les garçons ont le cul qui gratte. Elle m'a dit tous les gens ont le cul qui gratte un moment dans la journée parce que c'est un peu d'acidité. Alors, les mecs, ils vont dire non à la radio, c'est parce qu'ils vont pas assumer et tout, mais bon, on s'en fout, on parle comme des adultes un peu là. Ouais. On a tous un moment le cul qui gratte au réveil, le cul qui gratte dans la nuit. Dans l'émission, on fait des cadeaux. Dans ça. Oui, bah ça arrive. Ouais, voilà, bah, c'est Aminel Standard, pas du tout. Je te jure que non. Franchement, je l'aurais dit sinon. Attends, t'as jamais eu le cul qui gratte? Bah, ça m'arrive peut-être une ou deux fois, de temps en temps, peut-être. On va appeler une proctologue en direct pour expliquer que tous les culs grattent dans la journée. Non, mais j'ai raconté 1000 fois pire, je m'en fous, j'assume. Mais ça m'est déjà arrivé dans ma vie, mais genre pas tous les jours quoi. Amina du Standard, il y en a qui dit elle a déjà. Elle a déjà quoi encore? Parce qu'on parlait des saisonniers. Elle s'est déjà fait assaisonner dans une péniche à Venise. Ouais, jaloux. Parce qu'elle avait raconté qu'elle avait déjà eu une relation à Venise. Dans une gondole, voilà. Elle s'est déjà fait assaisonner dans une gondole. Non, une grande histoire d'amour. Tu m'as donné envie de chier, Guillaume. Mais aurez beau rester 2 heures sur les toilettes, ça partira pas. J'ai envie d'y aller là. Donc faut juste prendre des trucs. Non mais toi, je vais te dire, t'es un cas parfait pour le proctologue. Ah ouais, non, mais tu sais que j'ai peur d'y aller. Maintenant, j'ai envie d'y aller, mais j'ai peur. École de proctologue. Ah ouais. Merci, Emile. T'as été puni par Dieu. J'ai un stagiaire, il a encore des restes de la mère du laxatif. Non, Thibaut du 57. Arrête. Salut Guillaume, c'est quoi ce vieux sous-entendu quand tu as dit on sait pas dans 3 semaines où je vais bosser? Tu veux dire que tu sais pas où tu vas bosser dans les années à venir? Ah bah oui. Ah bah ouais. Ah bah c'est la vérité. Tu sais, en radio, nous on est comme des footballeurs, on a des contrats de saison. C'est-à-dire qu'à la fin du mois de juin, où là nous c'est le, je sais plus combien, en juillet, genre 3-4 juillet. Si jamais Énergie nous dit bon bah on a décidé de mettre j'en sais rien, Mickaël à notre place ou Koé à notre place ou j'en sais rien, mon tu cousin. Vois de ou n'importe ou, qui. J'en sais rien, à nouveau, tu vois. Ouais. Pas, ouais. Un nouveau mec, j'en sais rien, voilà, bref, ils prennent un pimpin, ils le mettent à notre place, et ben, ils ont le droit, voilà, donc chaque année, il faut le savoir, quand on arrive au mois de juin. On est des marionnettes. Voilà, on sait pas si on y sera l'année prochaine et tout, ça fait partie du boulot. Après, ça fait partie de la radio, moi, c'est ma passion depuis 12 ans. D'ailleurs, en parlant de radio depuis 12 ans, je voulais vous faire écouter mon premier passage à radio. Enfin. On en avait parlé il y a quelques temps, ouais. Et j'avais fait écouter les premiers extraits le premier passage à la radio, tous les membres de l'équipe. Ouais, c'est ça. J'ai encore celui de Flo des cadeaux. J'ai pas les autres, le j'ai ça, ils sont où les ouais, autres non, non. Je crois qu'on a gardé, Flo des cadeaux. Ouais, c'est ça. Parce que c'était le meilleur. Ouais, voilà. Cool. Écoutez Flo des cadeaux, son premier passage sur Nantes. Quel nouveau visage pour l'île de Nantes. L'ancien site du Tripod, détruit en février 2005 pour plus de chaud. Et racheté à l'époque au franc symbolique par la métropole nantaise. Ah, là, c'est vraiment mauvais. C'est chiant. Mais en fait, t'es vraiment chiant. Ah ouais, je suis chiant. Même moi, je me chiantise. Mais en fait, t'as pas tellement changé sur ce point-là. Et par contre, Flo des cadeaux, c'était vraiment ton premier passage à la radio. Ouais. Mais c'est pas la première fois que t'apparais dans un micro. Presque. Hein. Ouais. C'est vrai? Ouais, ouais. Enregistré, ouais. J'avais déjà parlé dans un micro comme ça, pas à la radio, mais la première fois enregistrée, c'était ça. Ouais. Alors moi, je vous explique, j'ai fait une école de journalisme et il fait une école de journalisme de voilà, où il y avait une spécialité radio surtout. Et le premier jour, ils nous ont dit voilà, vous avez une heure, vous préparez. Ils m'avaient filé un CD de Super Tramp et ils m'ont dit voilà, Guillaume, t'as une heure pour nous écrire une chronique et tout. Moi, j'avais jamais parlé dans un micro. C'est vraiment mon premier mot dans un micro. C'est dur à parler quand même. C'est mon premier mot. J'avais même pas parlé dans un micro. J'ai mis mon casque et même pas aucune répétition. Comme ça. Qui te disent allez vas-y allez. Maintenant. Ouais. Mais je pense qu'ils font exprès pour te choquer le premier jour. Pour tout ça. Hein. Et pour que tu comprennes que c'est avec des gens autour. Ah, ouais. Ah écoutez, mais moi c'est là. Et franchement, c'est là parce que la voix. C'est marrant parce que j'aurais jamais pensé qu'elle passe sur Énergie. C'est un rêve en fait, Patricien. Ça vous rappelle quelque chose? School, Dreamer font partie de leur répertoire. C'est Super Tramp. T'as la voix. La rubrique musique, la voix. C'est tout de suite. C'est pour vous sur STM. Jusqu'en 74, le groupe de pop rock anglais n'arrive pas à faire quelque chose. Ah ouais, tu parles bas. Le succès n'est pas au rendez-vous. Ils sont tellement ruinés qu'ils vont devoir vendre leurs instruments pour pouvoir vivre. C'est horrible. Plus tard, la chance leur sourit et des responsables d'une maison de disques leur laissent une dernière chance, car ils croient en eux. Ils se mettent au travail et 5 mois après, ils annonçaient à la sortie de l'album Cream of the Century où se trouve leur tube Dreamer. Là, j'ai mis un extrait bien long pour pas parler, j'avais trop peur. J'avais trop peur que ça reprenne. Et quelle voix sur Roger Hudson? Autre morceau. Waouh, quelle voix sur Roger Hudson! Ah là, c'était vraiment de la merde. Ah, je suis désolé, les copains. Je vous écoute. School. C'est un de leurs classiques aujourd'hui. Mais le succès, la gloire et la reconnaissance d'un français qui est mauvais avec Breakfast in America. Il contient notamment Logical Song. Mais c'est pas mal, hein, super. Ah, j'aime bien. Ouais, je savais pas que c'était ça. Mais c'est stylé. Hein. Ouais. Et le morceau qui porte le même nom que l'album Breakfast in America qui a fait vibrer toute une génération. Ah, c'est nul, là. Hein. Putain, oh là là. C'est fou d'être aussi mauvais. Hein. Le mec qui a fait une reprise à 5 ans, Team Classero. Ouais. Mesdames, réjouissez-vous, le groupe a sorti un livre en 2002, 30 ans de Breakfast, avec toute l'histoire du groupe, mais aussi le DVD, qui est en fait une réédition d'une vidéo The Story So Far. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, dans la rubrique musique. Bonne soirée, bye bye. Voilà. J'avoue, c'est de la merde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. T'as pas changé, tu parles et tu mets des morceaux. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Putain, mais après la voix, vrai. C'est pas la même. Je t'ai jamais reconnu. Non mais j'avoue, et le pire moment c'est waouh, quelle voix. Ah ouais, Roger, quelle voix. Attends, on va écouter ça. Waouh. Il faut le découper. Dreamer. Attends. Ils se mettent au travail. Plus tard, le public. Et le public, c'est tout de suite et c'est pour vous. Non, non, mais alors merde, c'était pas là. Attends, j'ai fait waouh, quelle voix. C'est après le long extrait. Non, mais j'en ai mis plein. Ils se mettent au travail et 5 mois après, c'est le premier long de l'album Cream of the Sun. Ah oui, c'est là. Se trouve leur tube Dreamer. Ouais, c'est. Ah là, la honte, écoutez ça. Le waouh. Non, mais le plus mauvais waouh. Waouh, quelle voix, Roger Hudson. Non mais attends, c'est la honte. Putain. Waouh, quelle voix, ce Roger Hudson. Et Flo des cadeaux. Quel nouveau visage. Ah, y'a franchement, eh. On était pas loin. Un beau duo. Waouh, quelle voix, ce Roger Hudson. Quel nouveau visage. Le duo. Alors, on est à peu près au même niveau, Flo des cadeaux. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Tu étais meilleur avant, moi, t'as Denis. T'as trop changé, mais tu étais déjà auto. Ah non, non, c'est gentil, mais Thibaut d'Amonvilliers. Dans 20 ans, tu as honte de ce que tu fais maintenant. Peut-être. Non, non, peut-être. Non, mais après, c'est différent. Là, c'est la première fois que je parlais. Il faut le garder, c'est un souvenir. Et non, j'ai pas honte de ce que je fais, la preuve. Hein. Si, si j'ai voulu le cacher, gros, j'aurais caché. Hein. Grave, ouais, c'est quand même moi qui suis recherché dans mon ordi. Attends, et puis franchement. Ça fait partie du jeu, quoi. Ça fait partie du jeu, toi, si je veux dire. On fait de la radio, bon. J'aurais peut-être honte de ce que j'ai fait en télé. Sûrement, d'ailleurs, au début. Non, mais j'avais présenté une fois la météo sur France 3, j'avais fait des trucs. Voilà, plus ou moins dramatiques. Hein, plus dramatiques que moins dramatiques. D'ailleurs, ben c'est pas grave, c'est marrant, quoi. Amina du standard, je joue dans des Jackie et Michel et la suite. Ah, oui, c'est ça. Flo des cadeaux, t'es mou, gros. Ouais, je sais, un peu. Non, salut les mecs. Allez, on va retrouver un pareil de Fionfion. Et puis, Mélanie, bonsoir, Mélanie d'Annecy. Salut Mélanie. Appareil cucu crade. Et 1h40 et 20 minutes de cul. Ouais, c'est bon, ça. 20 minutes pour parler de cul tous les soirs. On termine l'émission comme ça. Et puis Mélanie qui a appelé. T'appelles de Haute-Savoie. Ouais. Dans le Enchanté. Tu travailles dans quoi, toi, Mélanie? Tu fais quoi à 20 ans dans la vie? Moi, je suis travaillée dans un magasin de vêtements. D'accord. Eh ben, enchanté. Merci d'être avec nous. Salut. C'est cool. Salut. Tu voulais réagir par rapport à un truc que t'avais déjà, que tu faisais en sexe. On parlait de sexe crade hier et t'avais réagi. Waouh, ouais. Quelle voix sur Roger Hudson. Et du coup, on voulait t'appeler pour réagir. Donc, du coup, on a pas eu le temps de finir hier. Et parce que voilà. Et puis donc, qu'est-ce qui t'est arrivé, Mélanie? Enfin, c'est pas plutôt qu'est-ce que j'ai fait, c'est plutôt ce que je fais. Ouais. Je m'enfile des balais à chiottes. Mais non. C'est pas possible. Si, si, bah, là, bah, franchement, si. Moi, ça m'étonne pas. Par contre. Bah, le manche, c'est la taille d'une bite hein, chez moi. Non, un peu plus petit. Non, mais par quel bout? Bah, par le bout. Bah, le manche. Par le manche. Ouais. Par le manche. Hein, ça frotte sinon. Bah, franchement, si t'as pas de god. Hein... Non, mais c'est une blague. Ouais, prends autre chose. Il y a d'autres choses quand même. Ouais, bah. Prends une flûte. Non, mais attends, il y a quoi d'autre? La télécommande. Franchement, une flûte et puis après, tu as donné peut-être ta petite sœur. Non, mais c'est ce que je veux dire. Ah ouais, chaud. Attends, mais tu prends le truc chez toi, c'est ça? Oui. Oui, d'accord. Ouais, ouais. Une fois que t'es sur les toilettes, commencé, quoi. J'ai commencé chez moi. Enfin, après, par la suite, une fois, j'étais un peu sous boîte. Et puis, puis du coup, j'ai commencé à le faire dans des lieux publics. Ouais, ça c'est sale. Crade. Mais c'est-à-dire, dans les lieux publics, c'est quoi? Un bar? Bah, dans les lieux publics, genre, ça peut très bien être dans un restaurant, dans un bar, au ciné. Mais t'es toujours dans les toilettes, toi, tu le fais? Un balai à chiottes. Hein. Ah oui, elle est pas sur le comptoir. Ah, ouais. À moins que ce soit une soirée un peu chelou. Ah ouais. C'est marrant, quoi. Mais c'est un peu sale, non, les brosses à chiottes. Ouais. Enfin, le manche, tu mets une capote dessus ou pas? Une capote, ou alors, dans ces cas-là, j'ai un gel, et puis voilà. Ah, mais c'est que c'est. Et tu prends la pilule ou pas? Oh, ça m'étonnerait qu'avec un balai à chiottes. Oh la blague, la blague géante. Ah, oh la blague géante. J'ai essayé. Putain, c'est ouf ça. Et attends, mais franchement, c'est cracra. Ah ouais. Attends, bah remarque, c'est le but du jeu, hein, les sexocrades. Hein. C'est le but du jeu, exactement. Non, c'est vrai. Et tu te le rends dans les fesses ou dans la chatte? Eh ben, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai essayé par les fesses. Bon. T'es comme ça, toi. Ah ouais, mais pour ouais là. C'est pour nettoyer, en fait. Putain, c'est abusé. Oh. Non, pas pour nettoyer. Hein. Je viens de perdre mon taf. Heureusement que vous êtes là. Quand il s'agit de réconfort, en vous écoutant, bisous à toute l'équipe. Salut Anthony de Saint-Herme. Salut Anthony. Salut mon courage. Ouais, gros bisous. Je suis trop grand berger. Tôt ou tard, les loups se feront manger par le berger. Je me laisse pousser la barbe. Je suis pas bien, je me laisse aller. Ces crènes arrivent au hasard. Donc pourquoi aller? Je viens stagiaire, il s'enfile le chiot carrément. De quoi? Le quoi? Non, non, le chiot, pardon. Règle du 13. Mais jamais de règle. On peut comparer ce que tu faisais avant à la chaîne Arte. Salut Thibaut de Metz. Ah ouais, ouais. L'avantage, c'est que tu peux te faire plaisir tout en restant en récurrent les toilettes. 10 minutes à Bordeaux. Ouais. Ah, tu fais tout en même temps. Ah, tu peux faire le ménage. Ouais. Ah ouais. Waouh, quelle voix ce Guillaume Play, il y en a qui dit connard. Moi, je mets des balais d'essuie-glace dans les fesses. Je viens stagiaire, s'enfile le pack de PQ, lui. Ça, oh non, non. Elle est vraiment dégueulasse, cette meuf. Attends, mais t'as une. Elle m'excite, cette celle-là. Attends, t'as un mec ou pas dans la vie, toi, Mélanie? Oui, justement, le problème, c'est que j'aimerais bien essayer avec lui. Enfin, je dis pas que lui le fasse, hein. Mais du moins que lui me le mette. Ouais, il te fout la brosse à chiottes dans le cul, quoi. C'est un accessoire. Ouais, au restaurant, ouais. Mais pourquoi? Ouais. Non, mais c'est un délire, je comprends. Bah, c'est comme un god, quoi. Ouais. C'est comme un god. Mais pourquoi plutôt pas la bibite, plutôt? C'est autant mettre la bibite du copain? Bah, il y a des gens qui ont des fantasmes. Moi, c'est le mien. Voilà. Ouais. Non, mais c'est possible. C'est après, plus le lieu qui t'excite. Il y a les perchés, cette sorcière sur son balai. Je vais essayer de semer des manches de balai dans les fesses. Oh non, de Metz. Rien. Salut les potos, dédicace à la 5ème 4 du collège Jacques Prévert. C'est bientôt la fin des cours. Salut Romain P. Là. Salut. Elle s'enfile des balais à chiottes. Laisse tomber, ça doit sentir la morue dans le schneck. Non, mais attends. Non, mais après, bon, c'est sûr que c'est un petit peu sale. Tout le monde y met sa main. Ça, c'est clair que. Son mec est coiffé en brosse ou pas? Salut. T'as dit quoi? C'est pour ça que je lave. Ouais, mais t'as pas peur qu'il reste quand même des petites mycoses ou des trucs? Bah ouais, microbes. T'as jamais eu de problème? Il y en a, ils font pipi dessus. Ah ouais. Non, jamais. Non, mais il y a des éclaboussures et tout. Mais il y a des mecs qui doivent avoir la chiasse à gicler. Il y en a qui vont au bureau des fois. Ouais, c'est vrai. Hein. En bois, champignons. Franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits plus sale au monde. Bah, le toilette, c'est pire. Tu mets ta main sur les poils en plus pour le tenir, du coup. Et, bah non, tu peux le tenir par le manche, mais bon, c'est un peu sale, quoi. Pire, tu mets des gants, mais bon. Ouais, des gants, ma pas. Ça va. C'est la combinaison. C'est ça. Et c'est profond ou pas? Ça va jusqu'où? Ouais, tu arrives à le rentrer jusqu'au poil, non? Ouais, à peu près, ouais. Mais non, c'est... Oh, oh, si, si, c'est possible. Oh. Ah, mais t'es excité. Il y a plusieurs tailles, hein. Faut pas croire, il n'y a pas de vêtements chamallés qui font 15 mètres. Hein. Tu peux en trouver des petits, des grands. Ouais. Alors, venez nous dire par SMS, est-ce que ça vous est arrivé pareil que Mélanie, là, d'Annecy? Est-ce que vous avez déjà fait un truc dans le sexe un peu crado? Que vous assumez un petit peu, mais pas trop. Et voilà, vous avez déjà essayé un truc. Mais d'abord, c'était quand même avec la brosse à chiottes chez toi parce que t'avais pas de gote, j'imagine. Oui. C'est ça, voilà. Et après, c'est devenu petit à petit un peu récurrent. Mais genre dans un McDo un peu crade et tout, tu vas te foutre. Par exemple, McDo Port de Clignancourt, un peu crado. Le KFC de Port de Clignancourt, tu peux te rentrer là, mon chéri, dans la chatte. Et ça veut dire qu'après, quand vous allez vous. Bah oui, ça sent. C'est déjà rentré dans un cul, quoi. Maintenant, je vais regarder les brosses à chiottes. Non, excuse jamais ça. Oh là là. Je laisse ça, les chiottes. Ah ouais, c'est vrai. Attends. Moi, je laisse jamais les chiottes sales. Ouais, non, moi non plus. Ah, des fois, il y en a. Je me lave la main après. Ouais, voilà, je me lave les mains tout de suite, mais je le laisse pas. Quoi. Attends, et donc. Putain, c'est fou. Mais... Et t'as jamais essayé de la rentrer? Non, du côté poil, ça rentre pas. Hein. Ah non. Bah si, c'est un fist. C'est pareil. C'est gros. Je vais pas tenter de diable. Non, mais là, ça bloque. Là, ça lui arrache. Ouais, c'est dur, hein, les poils de brosse, ils sont durs. Hein. Ah, puis ça s'infecte là. Ah, Amina du standard. Non, il y en a des souples hein, parfois. Ouais, t'as déjà essayé? Non, mais chez moi, mon balai, je sais qu'il est souple. Et t'as jamais essayé de rentrer un objet qui pouvait qui était pas fait pour ça, rentrer dans une minette? Si, les stylos et tout, toutes les filles l'ont fait. Bah, peut-être toutes, mais pas moi. Jamais de la vie, j'ai mis un stylo dans ma minette. Et jamais? Et t'as rentré aucun objet? Jamais. Micro. Si, à part oui, voilà, c'est tout. Un micro? Ouais. Un micro, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, je sais pas, ouais. Hein. Quoi, elle bosse chez Jacob Delavon, chez Porcher, pour fantasmer sur les chiottes. Hashtag balécouille. Je suis dégoûté, un balai chiottes, c'est pas possible, ça doit l'ici. Ah, si, si, bah, c'est possible. Ouais. Hein. C'est si elle a envie, ouais. On dirait ma sorcière bien-aimée. J'ai déjà s'est fait sauter par le lion. J'ai déjà se brosser dents avec un balai à chiottes. Juste brosser dents avec un balai à chiottes. Jamais. C'est cool, les gars. Ne me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups se feront manger par le berger. Allez, Salas, je savais même pas que c'était possible. Qu'elle appelle son mec en direct pour lui demander salut les mecs. Ah non, salut. Ça fait combien de temps que t'es avec ton chéri, toi, Mélanie, 20 ans là? Moi, ça fait 3 ans. Ah ouais, c'est marrant ça. Et ouais, vous jouez avec des godes et tout maintenant depuis? T'as acheté des godes ou pas encore? Non, mais je veux vraiment passer l'étape du balai à chiottes. Peut-être que tu nettoies les chiottes avec des godes. Franchement, et t'as jamais essayé qu'un balai normal? Ah, le balai, t'imagines le truc? Bah là, c'est plus gros. Non, mais je sais pas. Hein, moi, mon fantasme, c'était le balai à chiottes. Je sais pas. T'as mis les toilettes, toi. Ah, c'est le côté sale, quoi. Ouais, le côté un peu cracra. Le côté sale. Non, voilà. Tout. Moi, j'aurais peur de me foutre un balai à chiottes dans le cul. Moi, je le ferais jamais. C'est l'interdit. Ah, ouais. Nous, avec ma femme, on a essayé un concombre dans sa chatte. Elle a adoré Denis du 38. Ah, si, il y en a plein qui font ça. Bah oui. C'est blindé de pesticides. Il y a plein de capotes. Il faut tout expliquer, Ménage. Tiens, chérie, tu mets la brosse à chiottes. Elle a sûrement dû commencer de bonne heure. Dégueu, moi, au restaurant, je pisse dessus. Parfois. Ah non, c'est pas bien, non, les gars. Ça se fait tu pas. Pisses dessus. Mais pourquoi vous pissez dessus, sérieux? Il y a des gens qui nettoient derrière. Mais oui, pourquoi vous êtes sale? Ça, à quoi? Rien. On a trouvé un château hanté. Comment le faire? Vérifier le Ouija. Alors attends, on va t'appeler si tu veux, avec plaisir. Sinon, est-ce qu'il y a une bonne prise en main? Moi, je m'en fais les poignées de porte. Salut, Alicia. si, je pense qu'il y a. Bah ouais. Je pense qu'il y a des. Après, là, c'est compliqué. Celle qu'on a là, tu la rends mais tu mets un peu sur. Non, nous, tu peux pas. Elle est trop. Si, tu mets sur une chaise. Mais non, elle est trop repliée. Imagine, tu tombes là. Oui, c'est pas faux. Il faut la démonter. Bientôt, elle va mettre sa chatte au carwash. Tu verras qu'elle va tomber. L'extincteur, alors. Faut qu'elle appelle son mec en disant. Du coup, elle doit rester longtemps dans les chiottes. J'ai déjà fait pareil dans mon cul quand j'étais enfant. C'est des choses bizarres quand on a un gosse. Salut, Babeu, là. Ah bon? Elle a laissé son numéro, Babeu. Salut, Babeu. J'ai un pote, il a mis sa bille dans une bouteille, elle est restée coincée, Thibaut de Compiègne. De Cormontaigne, pardon. Ouais. Attention. La meuf, tu l'invites chez toi, obligée de cacher la brosse à chiottes et tout. Ouais. Et moi, j'ai pas compris. J'ai déjà fait, hein, chez mes amis. Hein. Ah, c'est vrai? Ah, mais t'es pas sortable. Ouais. Moi, je t'invite pas chez moi. Ouais, c'est pas grave, écoute, c'est minette. Quand l'envie me vient, écoute. Voilà, hein, je le regarde, puis voilà. Ah si, c'est possible. Non, mais je me demande s'il y a des gens qui ont fait ça chez moi, du coup. Et moi, ce que j'ai pas compris, pourquoi il y a des hôtels qui mettent pas de brosse à chiottes? Genre aux États-Unis, il y a zéro brosse à chiottes dans les hôtels. Jamais. Ah bon? Et du coup, quand tu fais les traces, tu peux pas essuyer, c'est gênant. Bah, à la main. Quand t'es en couple à l'hôtel, ou quand t'es en coloc, etc., c'est un peu gênant. Bah, moi, j'y vais à la main. De te retrouver, il y a pas de problème, je sais dire. Bah, franchement, s'il y a pas de brosse à chiottes. J'étais là, il va avec la tête, lui. Ah, prêt à goûter et tout. Mais non, mais c'est vrai. Mort de rire, un gars en prison, ce gros chien, son pote l'a découvert avec un stylo bic qui est à côté. Il y avait un feu de mort de rire en tôle. Imagine, mort de rire. Quel test, le brosse à chiottes d'autoroute, c'est le summum. Le balai AVC sous le sapin pour Noël. Dégâts au collège Jules Ferry, Paris 9, Vincent. Salut Vincent. Salut, salut. Lui, il a déjà fait l'amour avec le canard AVC. Amine, elle se fout le micro de la chatte pour écouter l'écho. Oui, salut. Bah oui, ce qui est énorme avec vous, c'est qu'on aura tout entendu en 4 ans. Benji de la Luna. Salut Benji salut, de la Luna. Benji. Bisous, bisous. Je fais pareil que la meuf. Je me rends aussi d'autres objets, style brosse à dents, bouteille en verre, stylo, manche à drosse, poil. Et je suis un mec. Salut Pierre du 84. Salut, derrière. Salut, salut. Brosse à, ah ouais, brosse à dents, bouteille en verre, stylo, manche de brosse à poil. Laisse ton numéro, Pierre. Ouais. Et on dira une fausse ville, un faux âge et tout, on s'en fout. Défi vers chez moi, se mettaient des carambars dans la chatte, c'était dégueulasse. Quentin du 71. Ouais, c'est petit les carambars. Moi, je me suis mis une Twingo dans la nuit, c'est une GSTG. Bah oui, un bus aussi. Super. GSTG, lui, lèche les urinoirs. Ah, il y en a qui le font. Et suce les pastilles bleues. Pour rien au monde, je fais ça. Défi vers chez moi. Ah. Mais comment tu peux savoir qu'il y a des filles qui sont mis des carambars? C'est des conneries. C'est une rumeur. J'ai un pote, il a mis sa bouteille dans une. Dans une bouteille, un mythe. Se mettre un brosse à chiottes dans le cul, c'est récurrent. T'as compris ta blague. Découpe le moment. Jamais j'ai mis un stylo dans ma minette de Amina. Défi vers chez moi, se mettait. Attends, Amina, tout à coup, brosse à dents au camping. J'ai pas compris là. Amina s'introduit un micro pour voir si les morpions chantent. Salut, dames de 43. C'est l'égo, ça. Défi vers chez moi. Alors arrête de l'envoyer, Quentin. J'ai vu ton message, gros. Ouais. Le balai à caca, c'est peut-être parce qu'elle a le fantasme à lécher la boîte à crotte. Non. Top. J'ai un second avec sa brosse à cheveux. Mais j'ai pas de brosse à cheveux. Comme il n'en a pas besoin, ça lui reste. Elle arrive à mettre le balai jusqu'au poil dans la minette ou dans le cul. Salut à toi. Elle disait t'arrives à rentrer le manche en entier dans la chatte, Mélanie, tu disais? Ouais. Ouais. Oh, si, c'est possible. Bah, c'est l'envie. Ah, bah, c'est possible, hein. J'ai du lait pour la minette d'Amina et quand elle miaule, elle fait un peu de foufoune. Salut à toi. C'est tellement drôle. J'ai mis la lâcher. La blague, tu nettoies les chiottes avec un god, personne n'a rigolé. Ouais, ouais. Ah, c'est vrai, merci. Pas grave. C'est à vous de nous dire, on a pas tout gâché. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité. T'as jamais rentré le tuyau de l'aspirateur, Mélanie? Non, c'est dégueu. C'est pas l'engin. Le tuyau de l'aspirateur? Bah ouais, à l'embout. L'embout, quand il est propre, il est neuf. T'imagines, ça t'aspire? Bah écoute, c'est un nouveau truc, hein, je vais peut-être essayer. Bah pourquoi pas? Non, tu mets de l'air après, tu bah allumes ouais, l'aspirateur. Non, mais non. Si, je pense que c'est pas dangereux. Ah bah oui. Ah non, surtout pas. Hein. Ah c'est trop mauvaise idée. Bon, bah écoute pas alors. Ouais, tu meurs. Bah t'imagines, ça t'aspire les organes. Ouais, ça fait sortir l'utérus. Quoique, attends, dans le ventre et tout. Ah, mais non, mais pas allumé. Après, t'auras une chaussette. C'est comme une chaussette retournée, l'utérus. Ah, un prolapse. Ça sort et tout. Ouais. Avec les tubes rondes dentifrice signal dans les fesses, c'est la bonne taille pour. Ah ouais, putain, j'ai ça chez au loco là, au bureau l'après-midi là. Merde. Les filles vers chez moi se mettaient des carambars dans la chatte. Je l'ai vu ton message, Quentin. Vous allez refaire un tirage au sort pour Overwatch. Ah ouais, je peux enfiler avec plaisir, Max de La Rochelle. Et vous savez quoi, on se fait Ritza. Et juste après Ritza, là, je m'en fous. On se le fait sur Énergie, je vous file des Overwatch. S'il y en a qui en veut, vous me dites Guillaume et jeu avec votre numéro au 612. Je vous file des Overwatch, les jeux pour PS4, pour PC. Et avec plaisir. Et venez nous dire là ce que vous avez déjà fait du sexe crade, Guillaume, et votre message au 612. Sur une branlette crade ou quoi, on en parle sur Énergie. J'en pense, ces regards qu'on me lance, désormais je m'en fous. J'avance, tant pis si cela t'offense. Ton avis n'a pas de sens. Aujourd'hui je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Tu sais plus rien ne me blesse. Tu perds ton temps, tu me testes. Mais moi je m'en fous. Et au fait, non je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes, finalement je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Tu me tournes autour. Laisse-moi faire mes affaires. Je te laisse faire des efforts. Quitte à tout foutre en l'air. Ouais, au fond, je m'en fous. Rien à faire. Tu as raison, oui, j'ai tort. Moi, je préfère me taire. Ouais, au fond, je m'en fous. Je m'en fous. c'est à la maison. C'est Guillaume Radio 2.0. Sur Énergie. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Je me suis mis une cafetière Senseo, signé jeune stagiaire. Signé jeune stagiaire, Greg du 13. Salut à toi. Voilà. Salut Greg. La nouvelle catégorie YouPorn, brosse à chiottes. On parlait des brosses à foufou dans les. Brosses à cucu dans le. Des brosses à chiottes dans les fesses. Ouais. Et il y a Guillaume qui vient d'appeler qui. C'est pas son vrai prénom ? Non. On vient de le changer. Bon, il avait marqué Pierre il y a deux minutes, on l'a lu. Hein. T'aurais peut-être pu prendre un autre prénom que le mien, mais il a du standard. Ça aurait été plus simple pour l'appeler toute la soirée à l'émission. Tu m'entends, Guillaume ? Oui. Ça, on sait pas ton vrai prénom, on a compris. Salut mec. Et je vais t'appeler Ludovic si tu veux bien, parce que sinon on va pas comprendre après. Ludo. Ok. Ludo. Ludo du 25. Dans voilà. Le doux. C'est Lulu du 25. Écoute, bienvenue Lulu. Alors toi t'es gay, t'es hétéro, t'es bi, t'es quoi ? Je suis hétéro. T'es hétéro. Et tu voulais réagir par rapport au balai à chiottes, hein, c'est ça ? Oui, parce qu'en fait, tu vois, quand j'étais plus jeune, je disais bah. T'sais, les enfants, ils font pas forcément, ils réfléchissent pas forcément à tout ce qu'ils font. Tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Et du coup, ben là, j'étais aux toilettes un coup, puis ben, le truc, il avait une forme intéressante, tu vois, un peu tout en fuseau. Ouais. Ouais, je suis d'accord, ça peut faire rire. Mais... Non, non, attends, franchement, je m'en fous. Ouais. Tu sais quoi, on se raconte les trucs ici, on s'en fout. Ouais. Et puis du coup, ben, je me le suis mis plusieurs fois dans les fesses, quoi. Ouais, à quel âge c'était ça? Bah après, je sais plus, je vais avoir 8 ou 10 ans. Tout. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, c'est jeune. Ouais. Bah attends, ça c'est le plaisir anal, il faut pas le nier chez les hommes. Hein, pas de problème. Mais quand même, d'avoir cette. Il y a la prostate, hein, on dit que c'est le point G de l'homme. Bah bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, maintenant, t'as une nana, t'es célibataire, t'es quoi toi, Ludo? Je suis célibataire, mais j'ai eu une nana et tout. Ouais, et quand t'as une nana et tout, vous jouez jamais avec des godes et tout pour essayer? Non, non, mais enfin, c'était une période et puis ça s'est arrêté comme ça. Quoi. Ah bah t'as raison. Ouais. Et qu'est-ce que tu t'es rentré d'autre? C'est pas toi qui disais que tu t'étais rentré plein de trucs? Non, c'était pas moi qui racontais la brosse à dents et tout. Non. Ah, c'était pas toi, c'est un autre message ici, ouais. Si, ouais. Ah ouais, d'accord. Non, moi je la mets dans la bouche, la brosse à dents. Ouais, avec tout le monde. Après, on peut essayer. Hein. J'aime du journal, le truc ouais. Dégueulasse que t'avais déjà fait. Tu l'avais raconté ou ouais, pas? Ouais, moi j'avais raconté. Est-ce que ça fait 3 jours? Je sais plus, mais en fait, y a eu, à chaque fois, on a fini l'émission avec ça, on n'a pas eu le temps de vraiment en parler. Vrai, ouais. Flo des cadeaux. Moi, j'avais pas raconté, non. Le truc crade, c'était quoi, toi, que t'avais déjà fait ou qu'on t'avait demandé de faire, hein? Ça peut marcher dans les deux sens. Bah, en fait, je faisais l'amour avec une fille dans les toilettes et je lui ai mis la tête dans la cuvette. Mais non. C'est une blague. J'ai tout gâché. C'est énorme. C'est le truc le plus crade que j'ai fait. Putain, ouais. C'est très drôle, ça. Ouais. Ouais. Il faut dans les films. J'avais vu ça dans un film, justement. Ouais. Et tu tires la chasse ou pas? Non, quand même pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Faut mieux tirer la chasse. Mais j'avais baissé un peu la lunette. Ça c'est un bon délire ça. Au moins, t'as baissé la lunette sur la tête. Ouais, un petit peu. Ouais, c'est bien pour ça. Rigoler, ouais. Ah, encore. Après, ça peut être un spasme. Ouais, non, mais attends. Et tu l'as pris en levrette et la tête dedans. Ouais, c'est ça. Mais pas la chasse d'eau. Non, non, bien sûr, bien sûr. T'avais pas fait caca dedans, au moins. Alors, attends. Et donc, au final, tu l'as mis. Elle a aimé la fille ou pas? Ouais, bah elle était. On était un peu sous, donc elle s'en rappelait plus trop. Mais ouais, c'était marrant sur le moment. Oula, t'es vraiment abusé d'elle. Non, mais on s'en rappelle. Mais je veux dire, on n'était plus trop maître de nos. Ouais. Ouais, ça c'était un truc que t'avais pas plus envie de faire que ça, c'était sur le coup. Non, quoi. C'était sur le coup, ça m'avait fait rire parce que justement j'avais vu dans un film. Et à quel moment tu fais ça dans les toilettes? Bah, parce que c'était l'occasion qui se présentait, quoi. Ouais, vous faisiez ça dans les chiottes? Ouais, on était un peu chaud dans la soirée, puis du coup on est parti aux toilettes. D'accord, okay. Ah ouais, en leleu à quatre pattes. En leleu, la tête dans la cuvette. La tête dans la cuvette. Amina du standard, on t'a déjà pris la tête dans la cuvette? Mais jamais de la vie. Non, jamais. On s'avise pas de me proposer. Non. Jamais. On s'avise pas de me proposer, moi je suis dégueulasse. Ça se propose pas. J'aime pas les toilettes et tout. Bah oui. Déjà, je fais une fois au cinéma, il y a du popcorn par terre. Déjà, j'étais pas bien. Attends, j'ai pas compris le mot. Il y a du popcorn par terre. Ouais, d'accord. Ouais. Au cinéma, déjà, je trouvais ça un peu cracra. Par terre ou sur les sièges? Bah, les deux, du coup, mais moi, j'étais par terre. Donc, ah, voilà. Tu t'es fait prendre mon. Non, personne s'est fait prendre. On a fait l'amour avec mon ex-copain. Oh qui l'a pris alors, ouais. C'est quoi le truc? Bah oui, presque. Si personne s'est fait prendre, c'est chiant. Hein. Ah ouais. On s'est regardé du coup. C'est cérébral. Non, mais c'est. On était restés 4 ans ensemble et tout. Bref, on avait vu un film qui était. Enfin, qui nous plaisait pas et puis voilà quoi. Ouais. On avait fait ça, il y avait pas grand monde, c'était marrant. D'accord, ouais. Là, je connais une pote qui s'est rentrée une batte de baseball du gros côté dans la chatte et nous l'a raconté entre copines. Si, c'est possible. Oui, c'est rien une grosse batte. C'est rien, mais tu te rends pas compte. Il y a des filles qui sont très ouvertes. Tu peux rentrer une main, un poing. Tout à fait. Il y a des gens qui font du même le double fist, ça existe. Ouais. Pas Flo des cadeaux. J'ai même vu une vidéo où c'est dans le cul. Mais quoi, c'est la des actrices. Oui, mais donc ça se peut. Non, mais il y a des. Non, mais c'est-à-dire que le corps humain, c'est possible. Ah oui. Je veux bien avoir Overwatch. Allez, on file un Overwatch. J'appuie sur le bouton. C'est parti. Et j'offre des Overwatch pour PS4 ou pour PC. C'est l'un ou l'autre. De toute façon, on en a plein. Là, je vous les file maintenant. Et puis après, on laisse la place à Mickaël à partir d'une heure. Maintenant, tu m'abandonnes. J'ai tout gâché. Maintenant, tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues. Allô, ça va ou quoi? Ouais. Ça va, gros? C'est quoi ton prénom? C'est Yann. Enchanté, mon con. C'est Guillaume, là, d'Énergie. Ça va, Yann? Salut, mec. Ouais. De quelle ville t'appelles, Yannou? D'Étiol. De quoi? D'Étiol. D'Étiol. Eh ben, ça va bien, il est dans le 13. Quoi? Dans le 13. Non, dans le 91. Oui, c'est ce que je dis, dans le 91. Ouais, près de Paris. En Essonne. Ouais, oui. C'est ça, Étiol, en Essonne. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Bon, enchanté, Yann. T'es quel âge, Yann? J'ai 13 ans. 13 ans, eh ben, tu vois, c'est ce que je disais, t'as 13 ans et 91. 91-450, le. Exactement, d'Étiol. Ouais, tu veux Overwatch pour PC ou pour PS4, toi, gros? PC. Vas-y, bah, je te l'envoie demain. D'accord, je te fais le petit carton et puis on te le poche. Je t'en passe à Mila pour l'adresse, d'accord? Ok. Merci. Tu veux faire une dédie ou quoi, Yann? Ouais. On t'écoute si tu veux faire une dédicace. Ah oui, dédicace au collège. De l'Ermitage. Ouais. Et dédicace à 5ème 2. Et bientôt les vacances. Vas-y. Ah ouais, putain. T'as quel âge? Cool, t'as 12 ans, toi, Yann? Non, 13 ans. 13 ans, ouais. Oh là là, putain, t'as la chance, là. Tu vas être en vacances dans combien de temps? Une semaine? Bah, c'est moi, tu vois. Dans 2 semaines. Ouais, 2 semaines, mais là, ça, vous faites plus grand chose, là, non? Ouais. Tu fais un petit bac? Ouais, donc. Tu vas pouvoir jouer, là. Ouais, putain. À la fin, c'est. Tu vas en cours. Les profs, c'est tes potes, là. Ouais, tu restes dans la cour et tout, tranquille, quoi. Ah, vas-y, gros. Et t'as entendu le lion hier ou pas, Yann, toi? Ouais. Ah, t'as eu peur ou pas, franchement? Au début, je me suis dit, ça commence à faire un coup, puis après, bah, j'ai flippé. Ah ouais, au début, tu sais, c'est de la couille. Et après, c'est que la sirène et tout, tu as cru? Ouais. Ok, vas-y, merci mon pote. Je te repasse à Mina au standard, je t'embrasse. Le message d'alerte, là. Ah ouais, là, tu t'es dit merde. Ah ouais, ouais. Ça sent la boule. Bon, ouais, je te fais un bisou, mon pote. À bientôt, Yann. Bisous. Bisous. Je te repasse à Mina du standard. Gros bisous. Salut. Allez, on se retrouve sur Facebook, les gars, toute la nuit, là. Guillaume Play, PLEY. Sur Twitter aussi, on est 428 000. Sur Instagram, on est 502 000, ça y est. Merci, les mecs. On continue de monter grave, là. 502 500 déjà. Merci beaucoup, tout le monde. Sur le Facebook, on est 1 900 000. On est combien exactement, j'ai mis ça sur la page Facebook? Ouais, ça met à jour, Guillaume. Alors, vas-y, dis-nous et puis venez nous retrouver. Hein. Venez liker la page, là. Homeplay, PLEY. On est 1 899 626. Ouais. 600 combien? 96. Ah voilà, bah ça était en train de rafraîchir. Ouais, et bah ça. Très bien. À demain, James Sandard. À demain, Guillaume. Allez, bonne nuit, demain, jeu du plein à 3. Et oui. Mercredi, jeudi, il y aura même le truc sur TF1. On fera une petite coupure dans l'émission, mais on sera bien en direct. À demain pour le jeu du plein à 3. L'une d'entre vous qui a piégé son mec. À demain, GSAGR. À demain, Guillaume, bonne nuit. À demain, Mina du Standard. À demain, bisous. À demain, Flo des cadeaux. À demain, Guillaume, bonne nuit. Allez, bonne nuit, les gars. Et puis on va vous laisser l'antenne avec Mickaël. Et puis nous, rendez-vous à 22h. À demain, Mickaël, tu m'entends? Oui, très bien, oui. Ah bah, ça va? Tout va bien? Comment ça va? Très bien. Comment était votre reprise hier, l'émission, là? Eh ben, écoute, plutôt au taquet, hein, comme à chaque reprise, hein, parce que t'as l'impression de t'as plus de radio pendant 1000 ans, donc t'es au taquet, quoi. Ah, c'est vrai. On est plus frais, on a plus de vannes et tout, quand on vient de vacances. Hein. Ouais. C'est clair, c'est clair. Bon, d'ailleurs, Jim devait reprendre des vacances. Facile. Moi, je suis parti, j'ai dit bonne nuit. J'ai dit bonne nuit à Guillaume, je suis parti. Ça j'ai pas compris. Je suis parti, j'ai dit bonne nuit à Guillaume, donc. Merde. Non, mais c'est pas une chose, dis autre chose. Non, c'est pas une bonne blague. C'est pas une blague. Sors un truc, mec. Refais-en une. Allez. T'as 10 secondes. Et là, c'est vraiment dur, le pauvre. Je suis parti en vacances, alors c'est pas grave. Oh non, ça va, c'est pour rire, Guillaume. Oh là là. Il accepte la défaite, Guillaume. Évidemment. Il va mal dormir, j'aime bien ces petits combats de vannes et tout, là. Par contre, toi, t'es sûr d'en avoir pris, Mickaël? Il a bien utilisé ses 10 secondes. Hein. Bravo. Allez, non mais c'est bien. Et c'est, il s'est bien défendu. Bon allez, tac là à la joue. C'est quoi, c'est Amina qui lui a fait un petit texte vite fait ou pas? Ah non, même pas. J'ai besoin de personne, pas comme toi. Non, il aime bien. Il aime bien taquiner JM aussi. Mais c'était le stagiaire de Top. Moi j'ai du respect pour ces gens. C'était le stagiaire de Top de l'équipe de Mickaël à l'époque où il a commencé. Voilà. C'est ça, ouais. Donc il y a une sorte d'historique entre eux, quoi. Ouais. C'est vrai. Il était, c'est comment vrai. D'ailleurs Top en stage, Mickaël JM. Bah attends, je peux demander à Top. C'est moi, je le voyais pas beaucoup. Bah il a sucé pour avoir son stage. Mais Guillaume, tu sais comment il est arrivé chez toi, hein? Non, moi c'était pas la même technique d'embauche, ça. C'est rigolo. Il était bon en stage ou il était déjà bizarre? Non, il était déjà bizarre. Ah, c'est ça, ouais. Il avait le même accent. T'as pas une petite anecdote là sur le stage à l'époque? Attends, moi j'en ai une, toi. Un jour, je t'ai même réveillé parce que tu t'étais pas réveillé. C'est ce que j'allais raconter. C'est un jour où je me suis pas réveillé parce qu'on faisait vraiment le. JM faisait radio réveil. On faisait super tôt. Et heureusement, JM habitait à côté de chez moi. Donc il avait été pécho le numéro de mon fixe pour pouvoir m'appeler pour me réveiller. Bon élève, quand même. Et ça, c'est plutôt bien, ça. Et après, on a bombardé sur le périph. On a failli avoir un accident parce qu'ils avaient mis des trucs pour couper les voies pour faire des travaux. Et en fait, j'étais tellement la tête dans le cul que je bombardais pour essayer d'arriver à l'heure. Et en fait, on a failli se les prendre de face. Parce que vous faisiez le matin à la télé. Hein, en plus, on arrive à 4h. Sur Direct. Non, ça s'appelait comment les Direct Star. Direct Star à l'époque. Et c'était le Morning Star. Tout à fait. Mais sans star. La seule star, c'était JM. Sans personne qui regardait d'ailleurs. Non, on était devant Téléshopping. On était devant TF1. C'est vrai, on était devant TF1. On était devant TF1. Bon, c'était le shopping, mais quand même. Je me rappelle plus. C'est vrai, ça avait changé de nom. Il vaut mieux, t'inquiète. Bon, allez, à demain, les mecs. Amusez-vous bien. Bon, ça roule. Allez, bonne nuit à vous. Ciao. Et on est là jusqu'à 4h du mat sur Énergie. Bienvenue. Les grandes vacances arrivent. Le soleil, la plage, les voyages. Certains font des régimes pour être beaux sur les plages. D'autres commencent à faire du sport. Mais c'est trop tard. On se demande où partir. Avec qui? Comment? On n'a pas d'argent. On va faire comment? Les vacances arrivent. On va pouvoir se reposer. Ne rien faire. Manger. Dormir. Les vacances arrivent. Les cours sont terminés. Les examens bientôt oubliés. On va pouvoir profiter de la vie. Les vacances arrivent. Se lever tard, ne pas travailler, ne pas se coucher. Dove va pouvoir montrer son corps d'athlète. Les vacances arrivent. Quel bonheur. Mais en attendant, toutes les nuits de 1h à 4h, Mickaël est sur Énergie. En live. Et sur Facebook, Twitter et Instagram. M-I-K-L. Officiel. Allez, bonsoir tout le monde, bonne nuit même, j'espère que vous allez bien. On est en direct chez 4h du mat, il est 1h07. Ce soir, on va bien se marrer, normalement. Hein. Il y a toujours, évidemment, on est à J+2 du ramadan. Hein. Tof, je rappelle on lui a lancé un défi, alors qu'il n'est pas musulman du tout, mais bon, de faire le ramadan cette année. Et donc, du coup, J+2, Tof, comment ça s'est passé alors? Il a appris hier, au début, il croyait que le ramadan c'était juste pas bouffer, pas boire. Bah oui, c'est ça, bon. A appris hier qu'il est évidemment pas de relation sexuelle, pas de branlette, ni quoi que ce soit. Non. Franchement, la branlette. T'aurais refusé si on t'avait dit dès le début. Si tu m'avais dit la branlette dès le départ, j'aurais dit non. J'aurais jamais. Bon, alors dis-nous du coup. Non, ça va. Aujourd'hui, ça va. Je suis un peu fatigué, mais ça va. Franchement, c'est pas. Tu devrais avoir plus de force que d'habitude, vu que t'es pas branlé. Par contre, qu'est-ce que j'ai pissé cette nuit, sa mère. Pas cette nuit, ce matin, quoi. Ouais, ce matin, quoi. Mais elle est. Mais la branlette alors? Bah écoute, là la branlette ça va être dur. Mais comment tu fais pour pas dormir? J'aurais dû me branler avant, je le savais, putain. Je me serais branlé 10 fois. Ouais, mais attends, tu verras le festival quand ça va se terminer. Ah bah oui, là, comme je l'ai dit hier d'ailleurs, il va refaire le Mont Blanc. Ah ouais, non mais. Ah bah oui. Ah ouais. Mais arrête d'y penser, d'aussi. Mais j'annonce, un premier jour après, je fais le facial. Hein. Oh putain, t'as faux. Bon, il est pas tout, il y a rien fait, à foutre. Mais quand même, mais quel est l'intérêt? À qui? Je sais pas, la première qui passe, j'avais rien à voir. La première qui passe, c'est Valentine, donc un peu de respect. Je ne passerai pas. Je serai malade, t'es à côté. Ça sera Valentine, j'en ai rien à foutre. Non, c'est mort. Je te rappelle que normalement, alors je dis pas de conneries. Si je veux dire des conneries, donc je ferme ma gueule. Donc, facile à la première alors. Ah ouais, obligé, pas prendre cher. Bon, j'imagine. Hein. Polo également, en pleine forme. Ça va tranquille, on est là, pépère. Tranquille alors, j'ai envie de dire. Hein. On sera de nouveaux appels mal attentionnés également ce soir avec Toff, hein, qui est toujours au taquet. On a rencontré, on l'avait déjà appelé avant nos vacances, on l'a rappelé hier, quelqu'un de très sympathique. C'est toi, ta famille, ta mère, ton père, ta soeur, ta grand-mère. Ta grande soeur, fils de pute. Voilà, c'était un gars qu'on avait appelé hier, il voulait... Il veut me baiser en brochette. Il veut le baiser en brochette, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. Je te baise en brochette. Voilà. Je vais t'enculer. Et il est en pleine forme. Tu vas mourir. Eh oui. Tu t'entends. Voilà. Petite bourre à ton mis dans ton cul. Voilà, bon bref. Ah, il est énervé. Oui, il était énervé et il s'était un petit florilège comme ça. Bon, Valentine qui est là également au standard au 01 oui. 40 71 5000 en pleine forme. En pleine mollesse, ouais. Oh, oh, bah, Je me doute bien. Ouais. Remise du décalage horaire, parce que je rappelle qu'elle est partie en Italie il y a pendant deux semaines. Un gros décalage horaire. Ça va, le décalage est remis ou pas? Je suis toujours décalé encore. Il va me falloir un mois. J'imagine. Bon, enfin, dans un mois, c'est juillet, hein, donc ça va quoi. Ouais. Ça va, la vie sera plutôt pas mal. Ouais. Venez nous rejoindre aussi sur Facebook, Twitter et sur Instagram. Vous tapez MIKL officiel. Je rappelle qu'il y a une PS4 et le jeu Overwatch à gagner sur le Facebook de l'émission. Si vous voulez tenter de le gagner, c'est un jeu qui déchire avec une console qui déchire. Bref, la totale. Et ben, venez simplement sur Facebook. Vous tapez MIKL officiel. On fait un jeu. Vous laissez simplement un commentaire sur la photo que j'ai mise avec la console. Et puis, ben, c'est pas compliqué. Hein. Si vous êtes tiré au sort jeudi dans l'émission, jeudi entre 1h et 4h, et ben, vous repartirez avec la console et le jeu Overwatch. Je vous souhaite bonne chance. Facebook.com, tapez MIKL officiel. On salue Timothée également sur le Twitter de l'émission qui dit encore une bonne soirée, Mickaël. Bah, salut Timothée. Il y a Shunyoken qui dit ça y est, enfin la meilleure équipe de nuit avec Mickaël. C'est gentil à toi, merci beaucoup. Coup de Pelatov, l'enculeur de Lamentin. Bah écoute, avec plaisir. Hein. Voilà. Merci. Et Mathieu aussi qui dit posé sur énergie au KLM. Eh ben écoutez, profitez-en bien. Venez nous rejoindre, vous êtes évidemment tous les bienvenus. 01 40 71 5000. Nous allons avoir Lady. Non, je vais arrêter parce que hier j'ai commencé l'émission avec Virginie Hussac-Neuf. Oh non. Donc ce soir, on va pas commencer avec des gens bizarres. On gardera la personne bizarre pour un peu plus tard, dans quelques minutes, hein, d'ici 10 minutes grand max. En attendant, il y a Aurore de Carcassonne. Ah, Aurore de Carcassonne. Tout de même, comment ça va? Ça va bien, et toi? Bah ça va bien, Aurore. Tu sais qu'on a parlé de toi toute la soirée hier soir, hein. Enfin toute la nuit même. Ah oui, bah ouais, du coup je dormais en fait. Bravo, Aurore. Bon, Aurore, pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vous avais expliqué quand j'avais discuté avec Aurore. Je suis bourre, hein. Ouais, c'est vrai. J'avais discuté avec Aurore sur Facebook. Aurore qui était déjà passée dans l'émission, qui était avec son mec depuis. Non, tu sais quoi? Raconte-le toi. Pendant que je peux me branler en écoutant cette histoire. Ah, Tof, tu peux pas toi. Non, toi tu peux pas. Non, c'est le ramadan. Vas-y, Aurore, alors quelle est cette histoire dont tu veux nous parler? Alors en fait, ça fait 10 ans que je suis avec mon copain, donc c'est mon premier vrai copain, parce que j'avais 16 ans, donc j'en avais 6. Mmh. Et en fait, tu m'as dit que... T'en avais 6, qu'est-ce que tu racontes? Non, 26. 20... Ah. Non, j'en ai 26. Et donc, Mickaël, tu m'avais dit qu'il se pourrait qu'un jour, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Et je t'ai absolument dit que non, ce n'était pas vrai, l'année dernière du coup. Mais sauf que maintenant... Sauf qu'il ne faut jamais dire jamais. Voilà, c'est ça le problème. Et voilà, et aujourd'hui donc. Et aujourd'hui c'est un peu compliqué. Parce que. T'as mis c'est compliqué sur Facebook ou pas? Non. Situation en couple compliquée. C'est ça. C'est quoi, t'es tombé sur Tof ou quoi? Non. Non merci, ça ira. Oh. En fait, c'est-à-dire que c'est. Moi j'ai envie d'aller voir ailleurs, mais bon, je me dis que j'ai quand même 10 ans de relation, ça va pas très très bien en ce moment, donc du coup. Mais ça va pas bien comment? Ben, ça va pas bien, qu'on se parle plus beaucoup et que ça va pas bien dans tous les... Voilà. Ouais. Enfin, donc, moralité, qui avait raison? Mickaël. Non, j'ai pas compris. Tu dis? C'est toi. Merci. Merci beaucoup, Aurore. On a toujours envie, quand c'est la première fois... Je l'ai dit hier, après, on va pas refaire une émission spéciale là-dessus. Hein. On a toujours envie de... par curiosité, c'est normal. C'est pas malsain, c'est pas crado, c'est pas dégueulasse, c'est pas ce que tu veux. C'est normal. Et donc aujourd'hui, tu veux savoir si en gros tu dois le dégager et aller voir un autre, quoi. C'est ça l'histoire? C'est ça, voilà. Bon, bah écoute, bouge pas, Aurore. On va te reprendre dans un instant. On aura également une grande star de l'émission. On va pas en parler maintenant, mais je vous le représenterai si c'est nécessaire, évidemment. Et d'ici quelques minutes, il y a également Victo qui dit ça fait super plaisir de vous écouter, les mecs. Ah, oh, bah c'est gentil à toi. Hein. N'hésitez pas à nous appeler d'ailleurs si vous voulez passer en direct dans l'émission. 01 40 71 5000. Vous êtes évidemment tous les bienvenus. Vous nous appelez, vous passez là en direct. On écoutera aussi le son. 10 manies à suivre. Et il y aura aussi Diro. Ça fait vacances, ça a pensé aux vacances de Tof, ça non? Hein, Adil Beck? C'était génial. Ça passait ou pas sur la radio de Adil Beck? Bien sûr. Ah bah d'accord. Et Justin Timberlake aussi avant 2h du matin. Ce soir, n'oubliez pas, c'est mardi. Mardi, on se fait le mentez-leur. Elles adorent qu'on leur mente. Ah. C'est le jeu où on vous impose 3 mensonges. Et si vous arrivez à être bon et à faire croire à la personne que vous allez appeler, quelqu'un que vous connaissez évidemment, hein, et bah les mensonges, vous repartez ce soir avec la PS4. Sympa. Donc si vous voulez jouer avec nous au mentez-leur, elles adorent qu'on leur mente, appelez Valentine maintenant au 01 40 71 5000. Voilà une pute de plus qui sait pas tenir sa chatte, bande de salopes. C'est Jackie qui avait envoyé le message. Ça se fait pas, surtout par rapport à Aurore. Ça se fait pas, Jackie. Jackie qui est un fidèle de l'émission, mais ça se fait pas quand même. Routier de son état. Tout à fait. Salut Mickaël, salut à toute l'équipe. Coup de pelle à Toff également. Avec plaisir. Voilà, on va le mettre dans sa tronche. Hein. Voilà, c'est Emma. Et puis, Toff, retiens-toi, je prends tout dans le cul, je mouille d'avance. C'est Eric de Menton. Oh, Eric de Menton, merde, c'est dégueulasse. Bon, on écoute Pitbull maintenant avec Macassi, il est 1h15, on est au cœur de la nuit sans pub. Appel mal intentionné, mentez-leur à cette qu'on leur mente et on se fera peut-être un petit jeu du perroquet tout à l'heure puisqu'on l'a pas fait hier. On fait ça, ne bougez pas de là, on est en direct, c'est Mickaël avec Toff, avec Polo et avec Valentino. Ouais. 01 40 71 5000 sur Énergie. Hey baby, ici c'est Macassi, man. Pitbull au mic, bam bam bilam bam. Chérie, viens dans mon taxi. Quand elle monte dans la gouva, je claque des doigts, fais une deux bois. Coupe de champagne, bébé, détends-toi. Ce soir, tu ne rentres pas chez toi. Non, non, non, tu ne rentreras pas. Non, non, non. Elle sourit, se colle à moi, ses fesses sur moi font bam, bam. Elle suit le son, ah, ça danse, un doux suçon. Elle soupire et frissonne. En el taxi, la conocí caminando por un back street. Estaba sexy, pero tan sexy que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Era el chofer, el que dijo, oye, mira esa mujer, está dura, dura, que dura. Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula, con culo de mula. Ses chaleurs, elle retire tous ses vêtements. Oh my god, c'est horrible. Tout, je crie comme Homer Simpson, choqué. Son boule me fait perdre la boule, j'en oublie ma tournée. Elle est telle seule, les autres attendent. Elles vont me prendre. Oh yeah, murder they run. Envie, j'ai vu de couler, chérie, viens dans mon taxi. Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël sur Énergie, il y a Emmanuel dans un instant, tiens, restez là. On leur dirait chez 4h, bienvenue. Le temps est une unité de mesure qui s'applique aux gens normaux. Pris dans un enchaînement de folie, de délire et d'aventure. Plus rien ne les arrête. Mickaël et toute la team sont sur Énergie de 1h à 4h. Allez, 1h19 pour